Alors. Ouais, il y a Axel qui joue à Dr. Mario juste à côté. Juste quand on reconnaît les musiques de Nintendo, laisse tomber. Ah, mais elles sont géniales. Là, en plus, c'est la super version. Tu sais qu'ils avaient ressorti sur Wii, la première Wii. Ah, c'est pour ça que je connais la musique avec où tu peux décaler la caméra là. En fait, tu t'as plein, t'as le mode original en fait. C'est vraiment le même jeu avec un lifting graphique. Genre, t'as le Mario sur le côté qui était vraiment en Dr. Mario, mais bien 3D, tu sais, voilà. Ah oui, Dr. Mario, j'ai compris, Paper Mario. Non, Dr. Mario. D'accord, moi j'ai la version 3DS de Dr. Mario. Bah, est-ce que c'est pas la même qu'ils ont ressorti alors Ah, peut-être, ouais. Je sais pas. Alors, donc, 1, 2, 3. Bien. Pardon. 1, 2, 3. Alors là, ça commence mal. Bienvenue dans Brocast, le podcast gaming dont les deux hosts sont des bros passionnés de jeux vidéo et besognant dans ce milieu aussi grisant que cruel. Le premier bro, c'est moi, Bruno, chez Bruno sur Twitter, ancien journaliste JV et travaillant désormais pour Storybird Games, studio cofondé par le deuxième bro, Julien, alias Forza Pedro sur le réseau social où nous avons de plus en plus d'interactions avec les auditeurs et ça fait bien plaisir. Alors Juju, comment ça va ? Ça va. Ouais. La Switch est annoncée, donc voilà, on va pouvoir enfin en parler sérieusement. Enfin, alors, presque sérieusement. Une émission spéciale Switch, puisque ça vous a fait beaucoup réagir. Nous, ça nous a fait énormément réagir. Ce qui va être intéressant, c'est de voir, suite à l'euphorie de l'annonce, parce qu'on était vraiment, on peut le dire clairement, très euphorique après l'annonce. Passer le temps de l'annonce, c'est vrai que moi, je le suis toujours autant, même s'il y a des questions qui commencent à se poser. Et donc, on va en parler. Peut-être quelques doutes, même. Enfin, moi, craintes. J'en ai quelques-uns. Ouais, j'en ai quelques-unes, ouais. J'ai quelques craintes. Même si, voilà, en tant que bon Nintendo sexuel qui s'assume, je l'attends énormément. Mais il y a deux, trois trucs après coup qui m'ont fait un peu tiquer. Donc, on va en parler. On rappelle donc brièvement pour ceux qui nous rejoignent sur cet épisode, et je doute pas qu'il y en aura encore vu le sujet. Donc on rappelle que Brocast vous invite à vous asseoir à notre table, comme si vous étiez dans un rad ou chez vous, causant avec des potes de jeux vidéo. Voilà, sans vraiment sommaire gravé dans la roche, en toute simplicité. Avant d'aborder le sujet de la Switch, on va parler un petit peu de coup de cœur, coup de gueule ou nos actus du moment. Je te laisse commencer, Julien. Tu voulais parler de Final Fantasy XV, me semble-t-il. Ouais, alors j'ai un tout petit coup de gueule et un tout petit coup de cœur. Alors le coup de gueule, c'est concernant Tabata, qui commence sérieusement à me casser les couilles. Alors, je fais juste une parenthèse. J'ai vu que, soi-disant, Gameblog avait une exclue française pour l'interviewer. J'ai pas encore vu le replay, en fait. J'ai pas pu le voir en direct. Ah non, mais moi, c'est pas... C'est pas ça que tu as vu, hein. D'accord. Ok, je pensais que non, c'était non. Ça. D'accord, ok. Donc, comme dit mon fils, c'était pas ça. Ah bah ça... En même temps, c'est clair et net, hein. On comprend le message. Pas ça. Non, c'est le... Tu sais, il a dit il y a pas longtemps, ouais, si les joueurs veulent un mode multijoueur, faut qu'ils se manifestent et puis on verra si on en ajoute un, quoi. Moi, ça commence à me saouler. Mais c'est toujours dans la même optique. On sait pas ce qu'on fait, on demande aux joueurs, quoi. On veut que les héros mangent des bagels, on va les retrouver manger des bagels. Déjà qu'ils le terminent, son putain de jeu qu'il n'arrive pas à terminer, et qu'ils le sortent, et ensuite, il parlera peut-être un peu avec les joueurs. Non, mais tu sais ce que ça veut dire. Moi, ce qui me fait très peur, c'est que la version qu'on va avoir donc au mois de novembre, là, elle est terminée ou quasiment. C'est juste qu'ils commencent à prendre des infos pour des futures mises à jour, via DLC. Moi, c'est ça qui me fait peur. On va se retrouver avec un jeu avec le syndrome de Frankenstein... C'est bref, vraiment, franchement, ça pue, quoi. Quand à quelques mois de la sortie, t'as encore des trucs comme ça, ça chlingue. Franchement, ça chlingue. Bah, c'est chaud, et c'est vrai que sans jouer les vieux cons, quand tu penses qu'avant t'avais ton Final Fantasy, tu l'achetais. Non, puis même les développeurs, ils demandaient rien, ils faisaient leur propre jeu. La vision, il y avait un cap. Voilà, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, il y avait une vraie vision, une vraie direction. Et puis bam, le jeu sortait, puis ensuite tu le prenais comme il était, quoi. Là maintenant c'est, mais oui, mais est-ce que vous voulez, mais est-ce que vous voulez que le héros il ait les cheveux blonds, ou tu vois, enfin faut arrêter de demander. Il y a pas est-ce que, quoi. C'est, tu sors un jeu, tu l'achètes et après si t'as envie de gueuler, tu gueules, mais enfin c'est assez agaçant. Bon bref, passons. Ouais. Le coup de cœur rapide. Ouais. Pour terminer, c'est Black Mirror la saison 3. Qui a recommencé, je sais pas si tu connais. Non, mais par contre, c'est dans ma wishlist, voilà, je cherchais le terme. Ouais. C'est dans ma wishlist, beaucoup, ouais. J'en entends énormément parler. Et... Ouais. Ouais. Je spoil pas, même si, en fait, chaque épisode, c'est une histoire indépendante. En fait, c'est juste qu'il y a un épisode qui parle de... Enfin, qui est sur les jeux vidéo. Genre les jeux vidéo dans le futur. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, il parodie Capcom, enfin, il parodie... c'est le héros, il se retrouve dans les locaux d'une sorte de Capcom alternatif qui sort un nouveau Resident Evil. Donc tu vois une sorte de un mélange de merde, pas Camilla, merde, putain. Mikami. Ouais, tu vois une sorte de mélange d'Ikami slash Kojima. Mikami. Oui, Mikami, pardon. Mikami mélangé avec Kojima, c'est en chef d'entreprise et le mec qui teste le nouveau Resident Evil. Enfin, t'as plein de références qui sont sorties, dont le magazine Age d'ailleurs, qui fait une petite apparition dans l'épisode. Donc bref, c'est... Oui, parce que c'est une série anglaise à la base, si j'ai bien suivi, oui. Qui a été en stand-by après deux saisons, il me semble, et c'est Netflix qui a produit pour relancer le... Ah, je pense que c'est les négociations, en fait, c'est pour ça que c'est en stand-by. C'est ce que j'ai lu, moi, en fait, hein. C'est que Netflix a mis de l'argent sur la table pour que la série continue, en fait. Voilà, et puis bah, évidemment, ouais. Bah, c'est brillant, très bien filmé, très bien réalisé, c'est intelligent, et c'est plein de petits scénarios d'anticipation sur les nouvelles technologies. Oui, c'est ce que j'ai lu. Alors, j'ai juste une question avant de me lancer dans la série. Est-ce que cet épisode-là, je peux le voir en stand-alone Bien sûr, parce que tu peux prendre n'importe quel épisode. C'est des histoires indépendantes à chaque fois, c'est bien ce que j'avais lu. Okay. Voilà, ça n'a rien à voir, en fait. C'est un univers, des personnages différents et un sujet... Et donc celui-là, c'est un des derniers qui vient de débouler C'est un des derniers, ouais. C'est un de la saison 3. Alors après, attention, c'est quand même une série qui est assez dure, voire oppressante par moment, donc c'est pas... C'est pas pour les petites natures, quoi. Non, c'est pas grand public parce que c'est très très anxiogène, quoi. C'est-à-dire que des fois, t'as certains épisodes, arrive à la fin, t'es un peu comme quand tu termines genre un Silent Hill, tu vois. Tu te sens mal, quoi. Enfin, c'est. Ouais, mais justement, moi, c'est ce qui m'a donné envie de regarder, c'est que, en fait, petite parenthèse encore, moi, je suis un client hyper satisfait de Netflix qui ont d'ailleurs le meilleur service client de la Terre. j'ai réglé un problème pour papa. Parce que quand je l'avais inscrit sur Netflix, en fait, j'ai fait une mauvaise manip. D'accord. J'ai créé deux comptes au lieu d'un. Enfin bon, c'est un peu long à expliquer. Ah, merde. Et du coup, il était prélevé deux fois. Je les ai contactés via Twitter. Ouais. Ils m'ont donné un lien pour faire du SAV en chat. j'ai chatté avec un gars en 3 minutes. C'était fait, réglé. Papa était remboursé. Le compte en double était supprimé. Et ça s'est vraiment fait en 3 minutes top chrono. Et moi, qui ai eu beaucoup de déboires, et toi aussi, comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, beaucoup de déboires avec divers SAV, j'ai jamais vu un SAV aussi efficace. C'est la première d'ailleurs, fois. En parlant des SAV, ne commandez jamais sur Rue du Commerce. Jamais. Ah, moi, je m'y suis jamais aventuré, moi, personnellement. Jamais. Ah, bah, surtout, bah, jamais. Parce qu'ils m'ont envoyé un téléphone sans écouteur. Sauf que, comme c'était un cadeau, on l'a vu bien plus tard. Ouais. Et du coup, je les ai contactés. Ils m'ont dit, bah non. Faut nous contacter dans les 3 jours. Tu vois, je fais bah oui, mais bon, si c'est un cadeau, vous faites comment à Noël alors pour le retour, quoi. Enfin, vous doutez bien que les gens. Et ils ont rien voulu savoir. Rien voulu savoir. Donc carton rouge. Carton rouge, et d'ailleurs, du commerce. La grosse blague, c'est qu'après, ils m'ont envoyé un mail pour faire une enquête SAT. Alors, comment te dire ? Ah, là, t'as dû te faire plaisir. Ah, j'aurais dû, c'est quoi ? J'aurais dû faire un print screen et le foutre sur la page Facebook de Brocast. Ah, franchement, t'aurais dû, ouais. Pour maintenir la légende. Non, c'est laisse tomber, quoi. Je les ai détruits. Enfin, bref. Bon. Ouais. Voilà. Juste pour finir pour Netflix, tout ça pour dire que il y a tellement de séries, de programmes qui m'intéressent dessus que j'ai pas le temps de tout voir. J'ai même des séries qui datent d'il y a un an que j'ai pas eu le temps de voir encore. Et du coup, Black Mirror, c'est vraiment par les réseaux sociaux, en fait. Que D'accord. J'ai plein de contacts qu'on parle tout le temps. Bah, ça fait partie de ce qui se fait de mieux. Hein. Voilà. Et là, je me suis dit, ah, bon, voilà. Toi, tu vas péter un carré. Je pensais que tu connaissais, en fait. Parce que c'est tellement dans... Bah, en fait, ça fait des semaines que je dois m'y mettre, mais... J'ai pas le temps quoi. Mais bon, c'est. Je pense que je vais commencer en standalone par cet épisode-là. Et après, je vais attaquer depuis le début. Je sais plus comment ça s'appelle le nom. Kelly, tu te souviens du. Kelly, tu te souviens du nom de l'épisode de Black Mirror sur les jeux ? Avec le mec. Playtest ? Ok, super, merci. Okay. Il s'appelle Playtest. Oui, il porte bien son nom, remarque. Ouais, bah voilà. Donc juste, moi, vite fait, j'ai un gros coup de cœur et un coup de gueule couplé à un coup de cœur. Ouais, c'est pas compliqué déjà à la base. Ouais. Pardon. Donc le coup de cœur couplé au coup de gueule, c'est Dragon Quest Builders. D'accord. Puis, en fait, j'y joue vraiment très régulièrement. Alors pas tous les jours, j'ai pas le temps, mais ouais. J'y joue au moins 2-3 fois par semaine, en fait. D'accord. Là, je dois être à bien déjà. Je sais pas parce que c'est même pas compté en heures dedans, c'est compté en jours de jeu, mais tu sais, jours qui se basent sur l'horloge du jeu en fait. Donc, ouais, comme Minecraft en fait. Ouais, je dois être à, je sais pas, peut-être à 15 heures, 10-15 heures, parce que j'ai quand même pas mal joué. Donc, les bons points. Il est hyper prenant. Au début, c'est un peu. Moi, j'ai pas aimé la démo. Hein, voilà, la démo, bah, c'est le moment relou en fait. Voilà, la démo, je crois que ça se passait au tout début. Voilà. Bah, c'est le tuto. Le tuto est un peu chiant. C'est chiant, crevé. Dès que t'as passé le tuto, c'est vraiment très intéressant. Et plus t'avances, et plus t'as envie de continuer. Parce que le D'accord. système de mission qui t'imbrique autour de. Bon, qui nécessite toujours d'aller crafter ou d'aller chercher un personnage, d'aller chercher. C'est énormément bien fait, les interactions avec les villageois que tu recrutes au fur et à mesure, c'est super bien fait. Ouais, ça fait un peu Act Treasure, un peu, dans le principe. Ouais. Construire un village petit à petit par mission. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mec qui est derrière, Square Enix, a demandé à Kazuya Ninou, c'est le mec des Trian Odyssey et de... comment ça s'appelait, là, le septième dragon, là Seven Dragons ou je sais plus. Seven voilà. Dragons, hein, ouais, crois. Seven Dragons, ouais. Il a fait pour Sega, non ? C'est Sega, Seven Dragons ? Il me semble, ouais. Il a aussi participé en tant qu'assistant réalisateur à FF14, le revival. Oui, le vrai, ouais. Voilà, le vrai. Pas le brouillon qui a été fait avant. Donc, c'est un mec, en général, dans le milieu, qui est considéré comme vraiment quelqu'un de sérieux. D'assez doué. Même plus que ça, il a vraiment une réputation de quelqu'un qui te fait des game systems en or. Voilà, bon. Bah, c'est vrai qu'Etrian Odyssey, c'est pas mal du tout. Hein. Donc, du coup, je peux. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Le système est rondement mené. Quand tu as l'impression que tu vas commencer à te faire chier, l'intérêt est toujours relancé par un truc à faire. Et c'est très bien fait. Ouais. À part qu'au niveau des ateliers pour fabriquer des objets, ça devient un peu le bordel au bout d'un moment, parce que tu en as plusieurs types, il faut switcher D'accord. de l'un à l'autre pour fabriquer des trucs, ça devient un petit peu bordélique, mais globalement, voilà, là-dessus, c'est super. Le coup de gueule, c'est que pour moi, il y a des erreurs absolument impardonnables de la part de Square Enix, et d'autant plus impardonnables que ça m'a très déçu, qui n'a pas du tout été évoqué dans les reviews que j'ai lues, ouais. Y compris celle sur Gamekult. La caméra, non ? Alors. J'ai vu ta petite vidéo, là, c'est vrai que c'est un peu. Alors, je comprends pas pourquoi il n'y a pas une vue subjective dès lors où tu passes dans des endroits exigus. Alors voilà, il y a deux problèmes. C'est déjà. Je voudrais juste préciser que, en fait, nous, chez nous, on a Minecraft, mais sur PS4. Bon, ça D'accord. fait plus d'un an qu'on l'a, bon. Parce qu'à la base, c'était pour Axel, mon fils. Et du coup, moi, je l'ai essayé aussi et je le vois jouer des heures dessus. Ouais. C'est, on est sur PS4 aussi, même avec un monde blindé de chez blindé, ça reste fluide en 60 FPS constant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais vu un ramage sur mon Minecraft PS4. Tu peux faire des galeries, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux t'éclater, ça reste toujours lisible. Et vraiment, oui. Tu te rends même plus compte du gameplay au bout d'un moment, tu laisses ton imagination, voilà. Voilà, exactement. Dragon Quest Builders, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pénible, c'est que dès que tu veux commencer à creuser, ne serait-ce qu'une petite galerie, c'est un enfer. C'est-à-dire que moi, j'ai juste voulu... tu sais, donc tu fais ton village, Ouais. Mon village me plaisait. On me dit, il faut faire des nouvelles pièces et tout, des nouvelles salles, machin. Je fais, tiens, je vais en faire en sous-sol, ça va être génial. Oh là là, que... j'ai mis 30 minutes à essayer de faire, tiens-toi bien, hein, ouais, un escalier qui descend dans un sous-sol. Ah ouais, d'accord. Juste escalier, je te parle pas de la galerie après. Hein. Ouais. Parce qu'avec la caméra, c'était impossible. À chaque fois, le truc, il se plaçait mal, fallait que je le casse pour le remettre. J'ai failli dire, c'est bon, je n'y joue plus. Mais j'aime tellement tout le reste dans le jeu. Oui, que tu fais abstraction. Difficilement, je t'avoue, hein, de plus mais en plus. On t'oblige à faire des trucs en sous-sol ou pas? Non. Mais par contre, pour moi, c'est ce qui est... Non. Enfin, pas pour ils sont cons. À ce moment-là, fallait brider. Bah voilà. Alors, pas pour l'instant. Hein. Je sais pas, d'accord, si après ils t'obligent, mais là où j'en suis, non. Et ce qui est... Parce que ça, c'est le premier des trois points noirs. Je vais aller très vite. Hein. Mais le truc, c'est qu'on est dans un jeu à la Minecraft. Hein. Faut pas me dire le contraire. Dragon Quest Builder, c'est Minecraft un avec une couche d'RPG par-dessus. Ouais, mais, c'est un clone. Mais voilà. C'est un jeu où le principe même, c'est que tu peux creuser, et ça doit être à peu près jouable, partout. Là, qu'on me dise pas, oui, mais le jeu n'est pas prévu comme ça. Bah, je suis désolé, c'est un Minecraft-like, tu devrais pouvoir le faire. Et donc, j'ai mis une demi-heure à essayer de poser des escaliers, et puis après, quand j'ai voulu faire la galerie en bas, alors qu'à la base, je voulais juste faire une entrée à l'intérieur de mon village, qui ressortent vers une grande porte extérieure que j'ai dû être obligé d'installer pour le scénario. Et je me suis dit, ça va être chouette, je vais faire des petites chambres en bois, je vais faire des dortoirs. Poulalalalala, impossible. Et tu sais que c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, quand j'ai testé la démo, à un moment donné, je suis monté sur une petite tour en terre avec un coffre qui avait tout en haut. Oui, c'est au début du jeu, ça. C'est au tout début. Ouais, elle y est encore, dans la version finale. C'est pas loin du début du jeu, en fait. C'est dans la zone. Ouais. Ouais. Pardon, j'ai des saloperies dans la gorge. Ouais, pas de soucis. Juste monter la tour. À cause de la caméra, j'ai galéré comme je sais pas quoi. Je suis voilà. Tombé, oui. Je voyais plus rien parce que c'était la nuit, même avec la torche, malgré l'ambiance. Il a quand même une ambiance de dingue. Hein. C'est une ambiance de Dragon Quest, quoi, mais... Non, mais c'est ça. Il a une ambiance terrible. Moi, je trouve qu'il est chiant à jouer. On se déplace lentement. Je le trouve pas très... Alors justement, excuse-moi de te couper. Je trouve pas très beau, en plus. Parce que c'est les deux autres points noirs. C'est que pour placer tes éléments, c'est chiant. Quand t'as connu Minecraft sur PS4, et je précise bien sur PS4, parce qu'on me dirait, oui, si tu joues à Minecraft sur PC, c'est sûr que c'est plus... Non. Moi, nous, on a la version PS4, parce que c'est plus familial. Là, je voulais que le petit y joue, tout le monde y joue. De toute façon, il n'y a pas de version PC. Hein, Non, je te parle de Minecraft. Je parle de Minecraft. Donc, nous, on a la version PS4. Et franchement, quand tu la maîtrises bien, mais t'es... Comme je te disais, tu fais carrément abstraction du pas, t'es tellement... ça a vraiment été super bien pensé. Ouais, c'est bien pensé. C'est super bien pensé. Et là, dans Dragon Quest Builders, à côté, et contrairement à ce que j'ai lu, et y compris dans Game Cult, et ça me fait chier que tous les défauts que je vais énumérer là n'ont pas été du tout dit dans ces tests-là, c'est qu'en fait, c'est chiant de poser les objets... Dans Dragon Quest Builder, c'est-à-dire que plusieurs fois, pour qu'un mur soit à la bonne place, un truc soit à la bonne place, je perds peut-être 30 secondes à redéplacer mon personnage de manière latérale ou verticale. Je suis là, j'ai dit, attends, comment je fais là? Je non, mets mais comme ouais, ça. C'est vrai que c'est, enfin, c'est chiant. T'inquiète que ce sera corrigé quand il fera un 2, hein, parce qu'il y aura un 2, hein, c'est sûr. Hein. Et dernier, alors ça, mine de rien, là je passe vite fait dessus parce que voilà, sinon ça va prendre trop de temps, mais c'est comme un des points centrales de ce type de jeu, la pose d'éléments. C'est-à-dire que très souvent, tu es obligé de casser un objet que t'as mal posé, alors tu le récupères, heureusement. Quand tu le casses, tu le récupères. Parce que la précision est complètement aux fraises, moi je trouve, pour poser des éléments. Ouais, et troisième truc, c'est que le framerate, il est pété. Non, sérieux? Mais c'est ce que je te disais. C'est que, je t'explique. Il a pété et bon. Je vais refaire un comparo. C'est que, comme je disais là il y a quelques minutes, sur PS4, Minecraft, blindé de construction. Hein, sachant que les maps de Minecraft, elles sont beaucoup plus grandes, hein, que celles de Dragon Quest Builder. Alors, bon, après, je vais apporter une précision. Alors, tu me diras après. Mais ça, c'est toujours fluide. Là, quand j'ai commencé Dragon Quest Builders, donc j'ai fait le tuto en bas. Je sors pour la première fois donc à la surface de la Terre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est vide, désert, c'est vide. Ça saccade parfois. Ouais, moi aussi, ça ramène un petit peu. Ouais. Et c'est-à-dire que tu vas avoir quelques secondes où ça va être à peu près fluide. Et qui, ça va se succéder avec des moments de jeu où... Alors, c'est pas injouable, hein. On n'est pas à 20 FPS, faut pas exagérer. Non, mais ça me fait penser à Sonic Adventure sur Dreamcast, si tu te souviens. T'sais, des fois, c'était super fluide et hop, tu relevais un peu la caméra mais et là, tout d'un coup... Là, ce qui est choquant, c'est que c'est vraiment... Surtout que le jeu, graphiquement, c'est joli, parce que artistiquement, c'est joli, mais techniquement, bon... Mais le jeu n'est pas fluide. Et très souvent, j'ai des grosses baisses de framerate. Ouais. C'est pas fluide du tout. Même quand les baisses de framerate ne se font pas sentir, c'est pas d'une fluidité de ouf. Et moi, je suis un peu déçu parce que quand je lis la review de Gamekult qui dit que c'est fluide, que ça tourne bien sur PS4, tout ça, non, ça ne tourne pas bien du tout. Moi, c'est mon avis, hein. Ça ne tourne pas bien. Le pire, c'est qu'avec ces trois défauts-là, le système de jeu est tellement bien pensé que j'ai envie de continuer. J'ai envie de... L'exploration est quand même est super intéressante, parce que tu découvres des vestiges au fur et à mesure de ta progression, tu vas de plus en plus loin, reviens à ton village. C'est la Felgarde. Parce que ça se base sur le scénar de... Enfin, sur le background du premier. T'as plein de clins d'œil dès le départ, et t'as un petit panneau à un endroit... C'en est bourré. Alors moi, j'ai sûrement... Avec un chercheur et tout, et ça... J'ai sûrement moins de souvenirs. Ouais, il faut avoir fait le 1, effectivement. Parce que toi, t'es à fond Dragon Quest, donc tu verras encore plus de clins d'œil que moi. Mais vraiment, ces trois gros défauts, donc c'est-à-dire la caméra, la fluidité de l'image et la pose d'éléments, qui pour moi, c'est des défauts qui sont inacceptables, surtout de la part d'un immense éditeur comme Square Enix. Et vu qu'ils avaient qu'à... tout a été fait, les Minecraft et les clones, il y en a partout, donc je veux dire, ils ont qu'à se servir pour voir comment ça fonctionne bien. Donc ça, par contre, je trouve ça inadmissible. Mais ça n'empêche pas qu'à côté de ça, le jeu est hyper prenant, quoi. Hyper prenant. Alors, concernant la fluidité, des clones de Minecraft en 3D, je parle pas de ceux en 2D, genre Terraria, etc. En 3D, il y en a une tonne. Ça, c'est clair. Ceci étant dit, le seul qui rame pas, c'est Minecraft. Pour la simple et unique raison que dans Dragon Quest Builder, tout comme... la plupart des clones, après je les connais pas tous, hein, mais la plupart des clones, à tes souhaits, c'est de la 3D traditionnelle en fait. C'est-à-dire que les cubes que tu vois dans Dragon Quest Builder, c'est vraiment un cube en 3D. Okay, bon, Minecraft, faut pas oublier que c'était développé principalement et à 99,9% par Notch, Marcus Persson, je sais plus comment il s'appelle, Marcus machin, bref, bon, Notch quoi. Ouais. Faut oublier que c'est un génie. Et c'est pas de la... On ne peut pas considérer que Minecraft, c'est-à-dire que toi, quand tu y joues, c'est en 3D, mais c'est une sorte de simili 3D en fait, développé en Java, qui est un langage, simplifié. C'est plus des surcouches en fait, de code, et c'est beaucoup plus rapide, et c'est très compliqué de faire de la 3D avec, sauf que lui, il a réussi, avec une techno qui est extrêmement rapide et qui pourtant, à la base, n'est pas vraiment fait. Voire pas du tout pour faire une représentation 3D. Donc en fait, comme tout est procédural, c'est-à-dire que même les faces des cubes que tu as en face de toi sont procédurales. D'ailleurs, à certains moments, ça se voit, enfin, sur certains aspects, ça se sent. Ça fait qu'il peut afficher des milliers et des milliers et des milliers de cubes sans que ça rame. C'est normal parce que pour l'ordi, c'est pas des cubes en fait. Alors, soit, ça je veux bien l'entendre. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Je veux bien l'entendre. Surtout que dans Dragon Quest, après, t'as les ennemis. T'as des éléments voilà, un peu partout, machin. Voilà, mais... c'est pas la même techno, mais en tant qu'utilisateur, je comprends que toi, ça concerne pas. Mais... voilà, moi, ça me concerne pas. Et si, avec ça encore, je veux dire, c'est pas grave. Mais par contre, les deux mais autres... la caméra, par contre... les problèmes de caméra et le placement d'éléments, je veux dire, c'est la base. C'est comme si, tu vois, dans un jeu qui s'inspirait de Mario, le saut était raté. Je veux dire, c'est pareil. C'est la base de la base. Ah, mais je suis d'accord. Et placer des trucs dans... Alors maintenant, j'ai 10-15 heures de jeu... J'ai pris le coup, j'ai pris l'habitude en fait de parfois m'y reprendre à 4-5 fois pour poser un élément pile poil où je voulais. La caméra, maintenant, bon, bah, même si j'ai fait péter un câble hein, pour faire une galerie, voilà, comme je disais, et pour 2-3 autres trucs, maintenant j'ai intégré que c'était comme ça, mais les premières heures de jeu, c'est dur à avaler. C'est vraiment dur à avaler. Ouais. Et ça, je ne comprends pas. Moi qui... Surtout Puyo, pour moi, c'est vraiment un de mes gars sûrs, entre guillemets, comme on l'a dit sur Gamekult. Ah oui, c'est clair. Tout ça, je ne l'ai pas vu dans sa review. Et je sais que dans Gamekult, l'émission, il disait que c'était super fluide, que ça tournait très bien, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors là, je ne suis pas... Moi, j'ai l'impression... Ouais. Dragon Quest-esque. Moi, je pense que... Parce que c'est une série qui fait tellement jamais de faux pas. Que ce soit Puyo ou ou Kamui qui font partie de ceux que je préfère à la rédac de Game Cult, voilà. J'ai quand même l'impression que parfois, quand c'est quelque chose de très d'hyper japonais qui tombe dans les sagas qui les passionne particulièrement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine tendance à la tolérance. Il relève pas de certaines choses pour moi qui devraient être relevées. Mais après, bon, moi j'ai vraiment eu l'impression de pas avoir eu la même galette entre les mains, entre la revue de Game Cult et ouais. Je parle sur le côté technique et le côté placement des objets, voilà. Ouais. Oui, parce qu'après le jeu. Alors après, le game system derrière, il est super bien pensé. Comme tous les Dragon Quest. Et la preuve, ce qui prouve que le jeu, à part ça, ses mécaniques. Alors donc je parle pas du gay, vraiment de la jouabilité, mais ces mécaniques sont extrêmement bien pensées parce que c'est ça qui fait que moi j'ai toujours envie de continuer quoi. Et vite fait, donc je vous donne, ce sera épisodique, hein, ce sera un peu, je vais feuilletonner un peu, mais mon avis sur Persona 4. Mais donc là, Persona 4, je suis à 15 heures de jeu aussi. Ouais. J'ai réussi quand même à. T'as bien avancé. Disons que Persona 4, c'est quand t'es dessus, c'est dur de décrocher. Le truc, c'est que. on va pas revenir sur on en a déjà plein de fois parlé. Le game system, déchire. Ouais, l'ambiance, déchire. Et ce que j'aime bien dans Persona 4, et je sais pas si t'as déjà eu ça, c'est que moi j'aime autant les deux. C'est-à-dire, quand t'as un type de jeu où tu rentres tout de suite dans le truc dès la première seconde, c'est génial. Et t'as des jeux qui ont besoin. Où t'as besoin. T'as l'impression qu'on s'apprivoise l'un l'autre en fait avec le jeu. Ouais. Et il y a des jeux comme ça. Oui, Persona, c'est ça. Hein. Enfin, pour moi. Et c'est exactement ce que j'ai eu avec Danganronpa, en fait. C'est que Danganronpa, au début, quand tu commences, ça blablate beaucoup. T'as une dizaine de personnages tout de suite à intégrer, machin. Et ça devient captivant, vraiment de ouf, au bout de 3-4 heures de jeu, quoi, en fait. Ouais, et là, j'appelle ça l'effet Game of Thrones, moi. Bah, Persona, c'est ça, en fait. C'est qu'au début, c'est très intéressant. Ça parle beaucoup. Le début est très très long et puis au fur et à mesure sans te rendre compte tu t'attaches vachement au personnage. Oui, c'est super. Voilà, tu t'attaches à l'environnement, à plein de choses, les couches de gameplay, certaines te sont desservies au bout de je sais pas combien de temps, tu vois. Ça prend son temps et j'aime bien ce concept là du jeu qui prend son temps et le fait que t'aies l'impression d'avoir donc je fais encore un parallèle avec Danganronpa, c'est ça aussi, t'as deux jeux en un quasiment quoi. C'est-à-dire t'as la simulation donc de vie de lycéen. Oui, c'est ça. Et après t'as la phase vraiment entre guillemets avec donjon. Avec les clubs et tout. Voilà, exactement. Moi j'avais fait club de théâtre. Hein, ah moi aussi. Je suis club de théâtre et club de foot aussi, en parallèle. Dans le 3 je sais plus, mais dans le 4 j'avais fait club de théâtre, c'est sûr. Dans le 3 j'avais fait littérature, je crois. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu te rends compte au fil des heures le potentiel. Ah non, mais c'est toutes abîmé, les hein. Toutes les couches et surcouches de gameplay, de possibilités qu'il y a, et tu te dis en fait, tu peux prendre des millions de joueurs, chacun peut avoir une expérience qui ressemble pas à l'autre parce que t'as tellement de choses, tu peux tellement orienter de différentes manières ta vie de lycéen. Et pas que, même à la maison, hein, tu sais, avec ton oncle là, détective ou je sais plus quoi, et ta nièce. Oui, les détectives, ouais. Bah en fait, tu te fais une expérience à la carte et c'est très très intéressant. Enfin voilà, l'ambiance. J'attends qu'une chose, c'est. L'ambiance déchire. PS Vita baisse et. Et après, alors moi je peux pas faire le comparo, mais comme on est sur cartouche, j'imagine que les temps de chargement par rapport à la version PS2, sont plus rapides, parce que moi les temps de chargement ils sont vraiment à la vitesse de la lumière. Ouais, il y a beaucoup de loading sur PS2. Voilà, donc je pense que ça va où tu vas apprécier aussi. Ouais. Enfin bref, voilà, ça tue, c'est génial. Quand il y est. Puis tu peux jouer en mode snacking aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est que comme la PS Vita... Tu fais quelques jours et puis hop... Tu verras, la PS Vita, la batterie, c'est un bonheur. C'est-à-dire que c'est l'anti-Wii U au niveau de la batterie, c'est que parfois je la laisse en veille une semaine parce que j'ai pas le temps. Je reviens, la batterie a quasiment... Enfin, a pas beaucoup baissé. Et ça, c'est que des fois, quand t'as pas le temps de jouer, tu dis, là tiens, là j'ai 20 minutes, bah, je fais une petite scène de, tu sais, dans le lycée, dans la maison, j'avance un peu, je fais ça, tac, je remets en veille... Et ce que j'éteins jamais ma console en fait techniquement. Et du coup même quand t'as pas le temps, tu peux te caser des petites scènes de vie du jeu. Oui. Voilà. Alors on va attaquer le vif du sujet. Ouais, savoir la Nintendo Switch. Au jour où on enregistre, ça vient de tomber là à l'instant. C'est-à-dire que Nintendo a annoncé ce matin qu'il dévoilerait au monde entier plein d'informations apparemment très importantes sur la console le 12 janvier, donc 2017, hein, bien sûr, pas 2019. Ah, c'est carrément la fiche technique, le prix, je crois. Alors, prix, date de sortie, autonomie, catalogue de lancement. Ouais. Voilà, le président Nintendo a déclaré vouloir distribuer 2 millions de Switch au début de la vie de la console. Il y aura des événements donc à Tokyo et aux États-Unis, en Europe et en Australie vers le 14-15 janvier pour que la presse va être conviée à voir la machine. Paris, Sydney, Los Angeles, quoi. Voilà. Et en Allemagne, éventuellement à Francfort. Mais... Et du coup, je sais pas si on met la chèvre les bœufs dire ça, mais moi je trouve ça vraiment tardif. Je comprends pourquoi ils balancent pas toutes les infos avant les fêtes de Noël, pour que certains se disent bah tiens, j'ai peut-être gardé mes petits sous-sous. Pour la Switch, donc bon. Non, mais là il y a un problème là, enfin clairement. On va, de toute façon, ça on va en parler tout à l'heure. Déjà, on va rappeler qu'il y a eu l'annonce officielle, celle qu'on attendait depuis très longemps. Donc le 20 octobre, c'était le jeudi 20 octobre dernier. À 16h ou à 17h. À 16h. Non, c'est jeuxvideo.com qui a dit ce sera à 17h. Ça m'a fait mourir de rire. Ah, non, non, c'est à 16h. Oh, oui, ils avaient posté ça comme news au début. C'était assez rigolo. Ouais. Donc, on a eu le droit à une vidéo de 3 minutes. Ouais. Nous montrant. Assez radine quand même. Assez radine, mais il faut avouer qu'on l'a suivi en direct tous les deux. Ah bah, sur le moment, on a quand même été assez enthousiaste, il faut le dire. J'ai été enthousiaste, par contre, moi, pour ma part, dès la fin de la vidéo, je me suis dit, c'est pas assez. Hein. Dès la fin. Bah, moi, en fait, j'étais très enthousiaste sur le moment, et c'est une heure ou deux après où je me suis, mais unanimement avec d'autres personnes, on n'est pas les seuls, non. J'ai commencé à me poser des questions. Bon. Déjà, la vidéo, je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est vrai qu'elle pète parce que pour une fois, mais contrairement à la Wii U, plutôt, devrais-je dire, on comprend tout de suite le concept. C'est ça, on comprend. On comprend, voilà, là c'est pas nébuleux. Ce qui est quand même le béaba, hein, mais bon. Ce qui est quand même le béaba. Le logo, je le trouve top. On comprend tout de suite le principe. Le logo est très très bien choisi. Bon, bah le nom. Bah, Pas tombé par terre, mais au moins tu comprends le concept, quoi. Voilà. En fait, je pense que peut-être pour les anglophones, ça sonne bien, peut-être. Phonétiquement. Switch. Oh, moi je trouve que ça sonne pas trop mal. Mais pour les francophones, je trouve que phonétiquement c'est vraiment pas du tout élégant, quoi. Switch. Je veux une Switch. Enfin, en tout cas. Bon, on s'en fout en même temps. On a quand même vu donc toutes les fonctionnalités de la machine. Enfin, en tout cas toutes. Non, mais celles qu'ils ont bien voulu nous montrer, je veux dire. Voilà, c'est ça. Déjà, moi je trouve le premier truc qui est étonnant dans cette vidéo. C'est que c'est vrai que Nintendo a toujours communiqué sur le côté familial. C'est-à-dire, moi, je m'attendais à un moment donné, quand on voyait tous ces jeunes dans le vent, ces jeunes, je sais pas, de 20, 30 ans, dans le coup, quoi. Dans la trentaine max, quoi. Voilà. Je pensais qu'à un moment donné, on allait voir parents et enfants dans un salon s'éclater sur la Switch. Et en fait, autant je peux comprendre que c'est vrai que maintenant, si tu veux faire... si tu veux propager une info sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est très pertinent de viser dans sa com, dans la toute première com, cette tranche d'âge-là, c'est vrai. Ouais. Donc les 20 trentenaires. Par contre, le segment familial dans la vidéo, j'ai trouvé ça étonnant. Voilà. Après, faut quand même. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça fait quand même un peu pub de 32X de Sega, quoi. Ah oui, carrément. Ben oui, parce que c'est franchement, on dirait une pub de Sega des années 90. C'est-à-dire qu'avec des jeunes, genre, ouais, vas-y, on fait du basket, vas-y, après, on prend une manette, on joue de la rue. Genre, mais personne va faire ça, mais jamais de la vie, quoi. Peut-être au Japon, mais en Occident. Pas à Paris, en tout cas, c'est sûr. Ah bah, ben, à Paris, tu peux pas, parce que tu fais chourer tes pompes, ton slip, ta console, ta famille, ton acte de naissance. Donc, tu peux pas. C'est pas possible. On te retrouve tout nu en forêt de Fontainebleau avec. C'est en train de pleurer, avec de la merde partout sur la gueule. Enfin, c'est pas. C'est... Le mec il s'est fait dépouiller et taper, il s'est fait chier dessus en plus. Il n'y a vraiment pas de bol, le gars. C'est pas possible. En France, ça tu peux pas. Pas dans un pays civilisé. Mais ils m'ont tartiné de merde. Pas dans un pays incivilisé, pardon. Je trouve que. Ça fait très. Je trouve qu'elle fait très rétro. Elle est tout sauf moderne, cette pub. Mais attention, c'est pas une critique. Hein. C'est pas un mal. Mais ça fait pub vraiment de console. Ça fait vraiment pub de console, quoi. Tu vois. Bah, cool. Moi je trouve que cette vidéo elle cul entre deux chaises, que comme tu dis, ça fait pas produit. Ça fait pub de console, et en même temps, on a l'impression que. Bah non, justement. Moi je suis pas d'accord. Et ça, ça a été quasi unanimement relevé. Bah, j'ai pas dit que c'était une pub nerf. Hein, Il te tire 36 balles par seconde, wow. Nerf. Allez, tu viens. Avec des mecs de 40 ans. Les pubs nerfs, c'est ça, je sais pas si t'as vu. C'est que des mecs de 40 piges qui jouent. Ceci dit, je me souviens qu'on avait tourné la soirée spéciale rétro à No Life à l'époque. Ouais. Avant ça, on s'est fait une bataille d'honneur dans les couloirs de No Life. Donc c'était comme quoi. Et ouais, bah, ça a dû être rapide hein, parce qu'ils font 30 mètres carrés. Hein. Non, mais sur le moment, j'ai trouvé ça marrant. Et après, je me suis dit, putain, mais ouais, si j'avais su, je me serais amusé avec un nerf. Enfin, bon, bref. Et du coup. Non, non, moi je trouve que justement, ils ont voulu faire, tu sais, un peu une pub tendance. Genre, c'est, tu vois, c'est un objet entre. Enfin, bah, tendance, quoi, je peux pas dire mieux. High-tech, tout ce que tu veux. Même si, personnellement, le premier. Quand j'ai vu la gueule de la machine au début, comme on se prenait en même temps dans la gueule le concept de base, en tout cas, et le design, j'étais agréablement surpris. Et avec le recul. Au niveau du design, je sais pas, j'ai un petit doute. Et je trouve que c'est. En tout cas, la partie tablette fait très générique en fait. Après, c'est une tablette, tu peux pas faire des trucs de ouf au niveau design. Non, non, c'est sûr. Mais je trouve que par rapport à. C'est vrai que je trouve ça un petit peu sobre. Enfin, ouais, mais ils ont raison. Ils prennent pas des risques. Bon, je pense que c'est. Ouais, je trouve que c'est un peu austère. Moi, je trouve que c'est un petit peu austère. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a vu comme. Qu'est-ce qu'on a appris avec cette vidéo? C'est que c'est la console. Alors, hybride, je vais y mettre un bémol plus tard. Parce que pour moi, je sais pas si elle est si hybride que ça, en fait. Mais donc. C'est... Ah, d'accord. Ouais, ouais. Ben oui, parce que, en fait, on peut en parler tout de suite. Mais le truc, c'est que. On devait avoir la fusion de la console portable et la console de salon, ok? En fait, moi, pour moi, la Switch, c'est une Wii U en mode Super Saiyan. C'est-à-dire qu'en fait, alors, chez toi, tu pourras te balader partout et jouer, tu pourras aller à l'extérieur et continuer à jouer, vu qu'on le rappelle, c'est un système de cartouches, voilà. Ouais. Donc ça, c'est très très bien. Par contre, le fait de faire coupler les deux marchés, ça me paraît très compliqué, puisque... Quelqu'un qui est très nomade, en fait. Bon, il a souvent son smartphone, bon ça, toujours, il l'a toujours sur lui. Parfois, il a son iPad ou son MacBook ou ce que tu veux, ou sa Surface de Microsoft, ce que tu veux, machin. Là, t'as pas l'impression d'amener une petite console portable dans ta poche, comme la 3DS, par exemple. En plus, ah bah non, là, c'est une tablette. Là, c'est une tablette en plus. Donc, pour moi, c'est nomade, oui, parce que là, clairement, tu pourras jouer à l'extérieur, tu peux l'amener où tu veux, tu peux jouer. Mais le problème, c'est que... Est-ce que... Enfin, pour moi, ça se positionne pas en console portable quand tu sors une tablette comme ça. Mais ils se positionnent pas en console portable. T'as bien vu. Non, non, ils ont carrément dans les mots. Hein. C'est dans la communication. J'allais venir. C'est une console de salon. C'est une console de salon avant tout. Mais alors moi, ça me fait peur sur un truc. Surtout qu'ils ont pensé à l'après 3DS. Il y aura une console portable. Ouais, et ben ça, je suis super dégoûté. Voilà, je vais te dire pourquoi. D'accord. Parce qu'en fait, là, je m'allâcherai un peu avant les bœufs. J'avais prévu d'en parler plus tard, mais bon. En fait, ce qui se passe, c'est que faut savoir que Iwata, avant sa mort, il avait décidé la réunion des équipes. Un des points faibles de la Wii U, je pense, le fait qu'elle n'était pas assez alimentée en jeu déjà à Nintendo, c'est que Nintendo, il fallait qu'ils alimentent sur Wii U et sur 3DS. Ah bah donc, oui. Voilà. Ce qui est très fort, c'est qu'ils ont fait des gros hits sur l'une et sur l'autre. Bon. Mmh. Et en fait, la vision d'Iwata, c'était de faire fusionner, ce qui a été fait d'ailleurs, hein, tous les services software. Apparemment se sont réunis sous une même entité pour créer du jeu pour que la prochaine console, donc la XNX, donc Switch, puisse bénéficier d'un catalogue assez conséquent. Ouais. Et ne pas dire, tiens, on tire une cartouche sur Wii U, bon là on va faire sur DS, bon tiens là qu'est-ce qu'on fait là, j'aimerais bien qu'on sorte un Mario, bon c'est pour la 3DS et pour la Wii U, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là en fait, moi l'idée que je me faisais de la Switch, c'est que en ayant une console en fait qui fusionnait en fait la portable, mais vraiment la portable, ouais. Et la console de salon, c'était que Nintendo. Quoi qu'il arrive, tout ce qui sortait, ça allait sur une seule et même machine, ça allait être, oui, hyper alimenté en jeu, et pas en fait, tu vois, divisé encore par deux la production de jeu et distribuer ça entre les deux machines. Donc le fait qu'il va y avoir une console qui va succéder à la 3DS, ça me déçoit un peu parce que j'ai peur qu'on se retrouve exactement dans le même schéma. C'est ce qui risque d'arriver, Bruno. C'est ce qui risque d'arriver parce que, objectivement, d'ailleurs, tu as bien vu la réaction des investisseurs. Bon, après... Il y a une chute de 6% à peu près, je crois, de la bourse. Mais c'est normal parce que... Ce qui s'était passé exactement après l'annonce de la Wii U, je le rappelle, en 2011. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça peut, en tant qu'investisseur, ça peut faire encore plus peur parce que le problème, c'est qu'ils ont fait monter la tension. Ils ont attendu trop longtemps. Et j'insiste sur le fait que la machine, fallait la présenter avant. À la limite, le 30 octobre, ça aurait été les jeux, les fonctionnalités qu'il fallait présenter. Tu vois, il aurait fallu décaler tout, si tu veux, en amont. Mais t'attends pas aussi longtemps. Attention, enfin moi c'est une console qui m'intéresse énormément. Bon, tout dépend de son prix comme d'habitude, mais t'attends pas aussi longtemps pour montrer. Et tu me retireras pas cette idée. Et on est tous, on pense tous ça majoritairement. T'attends pas aussi longtemps pour montrer ce qu'aurait dû être la Wii U, parce que ce qu'est la NX, enfin la Switch, pardon, ceux qui ont compris, qui avaient à peu près compris la première fois qu'ils ont montré la vidéo de la Wii U. Ceux qui avaient à peu près compris et qui étaient au courant que c'était vraiment une nouvelle console et pas un add-on de la Wii, se sont dit tout ça, putain, on peut jouer où on veut. Tout le monde se l'est dit. Tout le monde. Et si ça avait été le cas, là, Nintendo présenterait une autre console, là. Il présenterait pas. Ce qui est étrange, c'est que moi, je l'ai souvent dit ici, moi, c'était mon seul E3 que j'ai couvert, donc c'était en 2011. J'étais sur place dans la salle quand ils annonçaient la Wii U. On faisait partie, avec ma rédactrice en chef, Wuntevi, je lui fais un coucou, on a fait partie de ceux qui avaient compris. C'est pas pour faire genre, hein, mais c'est vrai, on avait compris. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que t'as l'impression que tu te retrouves 5 ans après, 5 ans et demi après même quasiment, à voir ce qu'aurait dû être la Wii U. À revoir le même système en amélioré, voilà. Parce que bon, la Wii U, ils ont jamais promis que tu pouvais jouer à l'extérieur. C'était domestique, mais t'as l'impression effectivement de voir cette vision-là plus abouti, voilà, plus poussé. Ah. Et disons que c'est l'idée de la Wii U complète entre guillemets. Oui. Qui va jusqu'au bout entre guillemets de l'idée. Bah, c'est-à-dire que tu monopolises pas la télé, tu peux te balader ta console, mais tu peux aussi te balader à l'extérieur. T'amènes ton jeu partout. Mais donc c'est ça. Voilà. Mais moi c'est ça en fait. C'est un gamepad qu'on a coupé en trois, quoi. Et moi c'est ça qui me fait un peu peur. Pour moi, il aurait fallu aller encore plus loin dans cette idée, c'est-à-dire vraiment fusionner les deux concepts. C'est-à-dire moi c'est ça que j'attendais, c'est-à-dire que t'as une console que tu mets dans ta poche. T'as vraiment la nouvelle console de salon Nintendo et quand tu détaches. Donc un élément, maintenant on peut tout imaginer parce que c'est pas ça maintenant qu'on nous a montré, mais et hop, t'as comme une nouvelle 3DS et tu te barres avec, quoi, tu vois. Moi c'est ça que je voulais. On va quand même rappeler rapidement les fonctionnalités. Donc c'est à dire que c'est la tablette se pose sur un socle. Donc la tablette apparemment c'est du 720p hein, d'après ce qu'on a entendu, voilà. Et c'est donc le socle qui est à côté de la télé n'est là que pour en fait transférer l'image et l'upscaler. Sur l'écran du salon, quoi. C'est une station d'accueil, quoi, qui rechargera aussi la tablette, d'après ce que j'ai compris. Voilà, on sait que c'est du Nvidia dedans. Apparemment, c'est un processeur Tegra, voilà, qui serait personnalisé. Alors, chaque fois quand c'est personnalisé pour Nintendo, ça fait toujours un peu peur, parce que ça veut dire. C'est la même chose, mais en moins bien. Ça qui me fait un peu peur, voilà. Ce qui fait un peu peur aussi, c'est les contrôleurs détachables. Donc les Joy-Con, ils appellent ça. Bon, c'est un nom un peu barbare, mais donc c'est-à-dire que c'est deux contrôleurs qui se connectent de part et d'autre de la tablette, mais qu'on peut aussi détacher pour en faire des mini manettes, un peu. Bon là, faut pas avoir des trop gros doigts, voilà. Donc ouais, ça, c'est les gens disent c'est trop petit, et puis c'est tous les mecs qui ont acheté une GBA SP quoi. Donc non, ça c'est des conneries. GBA c'est... micro, tu veux dire? Non, MSP. Même SP. Bah alors, vas-y, sors ta SP, prends une règle et on rigole. Hein. Oui, non, mais c'est clair. Les minuscules, les boutons sont rapprochés et tout le monde dit que c'est la meilleure. Donc, il faudrait savoir. Enfin, ça, par contre, pour moi, c'est un faux débat. Non, mais ça, moi, ça ne me pose pas de soucis. Non, c'est pas un vrai problème. En mode console de salon, donc les deux Joy-Con, tu peux les clipser entre elles et ça fait une grosse manette. Même si, bon, ils ont prévu un pad pro. Et en général, à acheter, hein, séparément bien sûr. Ouais, les pads Pro Nintendo, en général, ils sont excellents. Enfin, celui de la Wii U, Et ceux qu'il y avait sur Wii aussi sont vraiment sur, oui, sont super. Ils sont très bien, ils sont très bien. Ouais, ils sont super. Donc tu pourras jouer autour de ta tablette à des jeux genre en multi avec plein de petites Joy-Con, tu pourras jouer à 4 autour ça. De bon, ça c'est vraiment une bonne idée, mais même si comme on l'a dit comme montré dans la vidéo, je vois mal des gens se dire tiens, on va se mettre là après notre match de basket au milieu du match. Bon, après on verra bien hein. Mais bon, ça me paraît un peu voilà. Je pense que c'est plus dans ce sera plus facile dans un usage quand même, je pense privé, enfin en tout cas à l'intérieur. Après ça non, peut être chez des amis, ça peut être voilà. Voilà, t'as ton petit neveu ou autre qui arrive, il a sa Switch, tu sais, il joue dans son coin, hop, tu le rejoins, tu joues une manette, tu joues avec lui tout de suite. Tu vois, tu dis pas, faut oui, brancher oui, sur oui. la télé, mamie, est-ce que t'as comment la péritelle et tout. Non, voilà, c'est les la péritelle. Non mais ouais, après faut ouais, tu sais, ouais. c'est dans mais... le quotidien, dans la vraie vie des gens et au quotidien, c'est non, très, je, très, non, très, non très je pense pratique. Que ça je pense que ça peut être chouette, c'est genre tu l'emportes, tu vois, même si tu vas chez un pote, quelqu'un de la famille, comme tu dis. Et paf, tu joues. Tiens, regarde, t'as vu, ça déchire, machin, voilà. Un petit Mario Kart. Non, c'est super. Ça, bon, c'est on ne sait pas s'il y aura une reconnaissance de mouvement dans les Joy-Con, parce qu'à un moment, dans la vidéo, il y a un mec qui fait un peu des gestes, je crois, dans l'avion, un peu ample. Mais bon, ça, on ne sait pas. Ouais. Ça, c'est quand même l'inconnu. Dans la tablette, peut-être, un gyroscope, mais pas, je ne pense pas dans les Joy-Con. Les Amiibo ont été confirmés. Bon, ça aurait été... étonnant qu'il se passe de ça. Je veux bien qu'il fasse des conneries Nintendo, mais alors là. Voilà. Ouais. Par contre, il y a quand même. C'était évident. Moi, il y a le. Il y a un truc, c'est que. Moi, je trouve qu'il manque encore une grosse. Enfin, moi, hein, je reste sur ma fin au niveau d'une grosse features. Alors, est-ce que ce sera dévoilé en janvier? Maintenant, je pense pas. Bon. Voilà. Mais moi, je pense qu'il manque encore des fonctionnalités vraiment qui pètent. Après, on va peut-être voir. Ouais. Mais surtout, ce qui m'embête, et ça, moi, c'est. Moi, je pense que Tu parles des fonctionnalités, donc je me permets de te couper. Oui, vas-y. Je pense que ce qu'on ne connaît pas, c'est tout ce qui sera lié à l'OS et au social. Ah, je pense que les fonctionnalités les seront là, à mon avis. On les attend beaucoup, là. Parce qu'ils ont quand même créé tout le My Nintendo, etc., en prévision de la Switch. Donc tout ça, ce n'est pas anodin. Tu prépares le My Nintendo, qui est aussi compatible avec les applis mobiles, qui est compatible avec la 3DS et évidemment leur prochaine console portable. Moi, je pense que c'est tout. La grosse feature, ça va être cet écosystème, je pense, généralisé. Mais je pense que c'est là qu'ils peuvent marquer beaucoup de points. Parce que, écoutez, notre épisode spécial Wii U, on donne vraiment plein d'infos, je pense, intéressantes et pas forcément entendues ailleurs. Le truc, c'est que c'est vrai que la Wii U, bon, on en a parlé, c'était vraiment son gros défaut. Et là, j'espère que ça va vraiment être bien pensé. C'était un écosystème fermé sur Wii U, tu pouvais rien faire. Archaïque même, oui, complètement archaïque. Même sur 3DS, hein, c'est pareil. Hein. Oui, voilà, donc ça, j'espère que ce sera comme, voilà, ça, j'attends énormément de ça. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Wii U quand elle a débarqué, même si, bon, personne, et encore certains, je pense, n'ont pas encore compris. Bon, bah c'était quand même quelque chose de nouveau quand même. Là, moi, j'avais complètement oublié la console Shield d'NVIDIA. Je t'avoue que ça m'était passé sous le nez. Et bon, voilà. Mais c'est... Mais personne n'achète ces trucs-là. Voilà. C'est comme la Steambox. Putain, qui a quelque chose à foutre de ça. On peut être fan absolu comme moi et comme nous de Nintendo et pas fort connaître des trucs. C'est que quand certains presse sur Twitter ont commencé à sortir des photos de la NVIDIA Shield, je pensais que c'était du troll. J'ai pas trop prêté attention. Et puis... J'y suis revenu quand même, grâce à un article du Monde, je crois, qu'on a parlé. Et j'ai regardé et je me suis dit, mais ouais, bah en fait, c'est exactement le même concept. C'est une tablette avec deux manettes clipsables sur les côtés. D'accord, on peut clipser des manettes sur les côtés. Moi, j'avais vu un pad à la 360, mais non, j'ai pas vu. Mais t'en as plusieurs, en fait. C'est que... Ah oui, ah, c'est des gros... Ah, elle est dégueulasse. Non, mais c'est dégueulasse. Mais par contre, le concept... Ah oui, c'est le même. C'est clipsable, c'est sur le côté. Il y a eu aussi, avant ça, il y a eu présenté par AMD fin 2013 un projet nommé Discovery, qui est jamais sorti, mais qui a été annoncé officiellement, hein, qui était exactement le même système aussi. T'as eu un autre truc aussi construit par un constructeur chinois qui s'appelait Morpheus, qui était sur le même système. Donc en fait, la tablette avec les manettes déclipsables sur les côtés, c'est tout sauf nouveau. Ouais, ça existe. Ouais. Sauf que ça a été fait, mal fait ou mal distribué avant. mais c'est pas novateur en fait. Non. Et c'est là où j'ai eu ma petite déception quand même, c'est que je me dis, j'attendais Nintendo quelque chose de... Bah de comment, un peu plus frais. De vraiment... tu vois, une idée qui venait de l'espace. Alors moi, ça me gêne pas le fait qu'ils reprennent ça, qu'ils le fassent bien. Voilà, c'est très intéressant dans le principe. Mais c'est vrai surtout qu'il y a tout le reste autour, le fait de pouvoir les rassembler, que chaque truc fait une manette seule, enfin chaque Joy-Con. Bien sûr, non mais voilà. Bon, il y a tout le reste à prendre en compte. Bien sûr, bien sûr. Mais par contre, on peut pas dire que c'est novateur. Non. En tout cas, le principe de base, voilà. Non, c'est une amélioration d'un concept déjà existant. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, cet article sur Le Monde qui précisait qu'en fait, en rendant à César ce qui est à César, c'est que Nintendo, il y a une trentaine d'années, ils avaient sorti certains jeux Game & Watch avec des manettes détachables. Ah bon ? Bon, ça avait pas la même gueule, hein. C'était pas clipsable sur les côtés, par contre. Hein. Mais c'était Game & Watch où tu pouvais jouer avec quelqu'un d'autre en connectant des manettes. D'accord, ok. Ces Game & Watch-là, je les avais jamais vus non plus. Hein. Ah, j'avoue que ça m'a un peu scié. Moi, je sais pas le sentiment que t'as, c'est que sur le moment, j'étais super... Moi, je suis très content. Je suis toujours très content, mais il y a plein de doutes qui se sont rajoutés dessus, quoi. En fait, moi, ce que j'attends de voir surtout, c'est les véritables capacités de la machine, parce que là, faut peut-être arrêter de faire des machines avec des capacités à 2 balles. Bon, là, je pense qu'il faut quand même un truc un peu... Bon, ils mettent un processeur Tegra, etc., donc j'imagine que... Voilà, j'imagine que ça reste assez puissant. Bah ça, si tu veux... Je préfère qu'on en parle après, parce que c'est très... juste, j'aimerais qu'on finisse avec cette vidéo, même si j'aime dire souvent qu'on n'a pas de sommaire gravé dans la roche. Là, j'aimerais qu'on se débarrasse de cette vidéo, voilà. Pas mal la vidéo, tu sais. Parce qu'il y a des jeux qui ont été présentés. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Non, mais il y a des images de jeux, voilà. C'est ça, oui, je voulais qu'on parle de ça. Bon, t'as vu ce qui a été dit. Alors, Bethesda, qui ont fait comprendre... gentiment que bon, on a filé des images à Nintendo parce qu'ils avaient rien à montrer, mais oui, de la version remasterisée de Skyrim. Voilà, on développe pas Skyrim dessus. Le Mario Kart Nintendo qui dit oui, faut pas prendre en compte les images de jeu parce qu'elles sont pas représentatives du line-up de lancement et de. C'est décevant quand même ça, hein, d'entendre ça. Alors bon, Skyrim, non. Les images des jeux qu'ils ont montrées, ça se trouve, c'est que des conneries. Bon, ça fait beaucoup de... Vous faites quoi depuis toutes ces années-là ? J'ai l'impression que le Mario 3D, par contre... Il se branle la nouille ou... J'ai vraiment l'impression que c'est comme celui-là, parce qu'on sait que celui-là... Oui, moi aussi, ouais. Il est en préparation depuis très longtemps. En fait, moi, d'après ce que... Il y a une DA trop marquée voilà. Mexicaine, là, un peu, pour que ça soit comme ça... D'après ce que j'ai compris, ce Mario était prévu pour la Wii U. Sauf qu'à un moment donné, ils ont dit, bon, les gars, tout ce qui est en prépa sur Wii U, on arrête. C'est pour ça que la fin de la Wii U, t'as rien vu, quoi. Pardon. À tes souhaits. Merci. C'est pour ça que sur la fin de la Wii U, t'as pas eu des sorties qui ont été soutenues à un rythme, on va dire, normal. C'est qu'en fait, t'as beaucoup de projets qui ont bifurqué sur Switch. Et ça, je pense... D'ailleurs, petit détail sur les images de ce Mario, c'est qu'il y a les cœurs tournoyants de Mario 64. Ouais, exact. Exact. Je l'ai vu nulle part, hein, mais bon. Exact. Un peu. Si, ça a été relevé par... je vous conseille une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, c'est Game Explain. Alors, bah oui, je connais. Ouais. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent ouais. pas Game X, la lettre X est pleine, PLIN. Et en fait, ils ont le chic de décortiquer même des petites séquences. Je sais que sur Mario Maker, grâce à eux, j'ai appris plein de trucs qui n'avaient pas été reportés sur les grands sites, on va dire, habituels de news, et encore moins en France, surtout. Oui, voilà. Et je sais que bah, là, sur la vidéo de la Switch, ils ont décortiqué, mais tout. Et sur le passage de Mario, justement, ce cœur-là, ils en parlaient. Ils ont fait une vidéo spéciale sur ce Mario où ils te décortiquent chaque séquence, ils te font des zooms, ils t'expliquent, ils te renvoient d'autres épisodes. C'est bon, faut être vraiment des fondus de Nintendo comme nous pour aimer ce genre de vidéo, mais c'est très très intéressant. Et donc justement, ils l'ont relevé ça. Donc je pense que ce Mario-là, il était prévu déjà de longue date, et je pense qu'il a juste bifurqué. De toute manière, t'as vu, hein, il y a un problème dans le montage de la vidéo quand il y a les images de Mario. Je sais pas si t'as vu. Il y a des gens qui l'ont noté. La vidéo est dépasse en fait. Oui, oui, bah tu vois que c'est des rajouts quoi. c'est du mock-up quoi. Donc, tu vois que c'est des rajouts. Moi je trouve que c'est triste. Voilà, moi c'est le truc qui me rend triste, c'est que la machine est sans remords. Ils ont attendu des plombes avant de l'annoncer. Et ce qu'ils te montrent, c'est du pipeau malheureusement. Plus du mock-up quoi. Moi, ce qui me fait peur... Ouais. Être trop stable du mock-up à ce moment-là, c'est vraiment pas, c'est pas encourageant, quoi. Moi, ce qui me fait peur, avant qu'on continue, moi, c'est simple, hein. C'est que moi, je suis fan de Nintendo, donc je l'achèterai. Mais j'ai l'impression, j'ai peur qu'on se dirige vers une Wii U 2. Oui, c'est... De toute façon, si il sort à quasiment... Genre à 399, tu sais, avec un jeu... Elle est morte. Hein. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que là, on a encore eu toutes les annonces d'éditeurs tiers. Donc, je ne vais pas vous dire la liste, hein, parce qu'elle est hyper conséquente. La différence avec 2011, c'est que là, il y a des acteurs du mobile dedans. Mais en 2011, le jeu mobile au Japon était déjà là, mais pas aussi florissant qu'aujourd'hui. Ouais, non, pas aussi puissant. Voilà. Il y a des notes d'intention, etc. Mais moi, j'ai l'impression que là, ils ont... J'ai l'impression qu'on va avoir un line-up rachitique. Alors que ils n'arrêtent pas de dire depuis des plombes que ça va être le plus gros line-up. Alors on verra. Peut-être qu'en janvier on sera agréablement surpris. Mais moi ce que j'ai peur c'est que moi pour mon plaisir purement perso j'aurais mes jeux Nintendo comme je l'ai avec la Wii U. Ça va très bien. Mais j'aurais voulu que Nintendo reconquiert un peu le monde. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on se dirige vers une Wii U 2 parce que quand on commence à me parler de telle technologie adaptée. Bon, on sait qu'Unreal 4 est compatible pour créer des jeux. Mais quand tu es obligé de préciser à chaque fois que ça, c'est compatible. Tiens, Nvidia nous a fait ça, mais une version pour nous. Machin. Ça pue, parce que normalement, on n'est pas censé dire ça. Hein. Enfin... Techniquement, le point le plus important pour moi de la machine, et on en a parlé, pas, c'est tout, quoi. C'est la batterie. Ouais. ça va être le point central. C'est-à-dire que si tu sors et que tu peux jouer une heure et demie et c'est tout, alors là... Non, ce ne sera pas le cas. Ils ont dit qu'on pourrait faire des voyages en avion avec. On espère. Ce que je veux dire, c'est que moi, jouer avec ma Vita, je la recharge une fois tous les 15 jours, hein, limite. Jouer à la Wii U, tu joues 2 heures, tu es obligé de recharger le machin. J'espère ça là-dessus. Par contre... J'espère qu'ils ne feront pas les mêmes erreurs. Eh bien, moi, ce qui me fait peur, en fait, là, pour l'instant, c'est que passer l'euphorie de la présentation, et que moi, de toute façon, c'est une machine voilà, que j'aurai, ça, c'est sûr. Le truc, c'est que, a posteriori, la vidéo soulève, à la fin, plus d'interrogations que d'enthousiasme, je trouve. C'est ça, moi, qui me fait un peu peur, en fait. C'est que, comme tu dis, les jeux, c'est des mock-ups, c'est inadmissible. Là, maintenant... C'est inadmissible. À cette date, non, ouais, c'est pas normal. C'est inadmissible. Surtout à cette date, c'est pas normal de montrer un jeu comme Skyrim qui a... Tu sais, c'est genre comme Final Fantasy VII, quoi. Il y a des jeux qui ont une aura. Non, mais ça, c'est parce qu'il va sortir remasterisé bientôt. Oui, mais c'est pas normal, tu vois, que Bethesda dise derrière, oui, mais non, on sait pas si on va le faire, quoi. Bah non, bah alors tu le montres pas le jeu, enfin. Qu'est-ce que tu mets des vidéos de Skyrim ? Tu vois quelqu'un en train de jouer à Skyrim sur Switch, et Bethesda, une heure après, ils disent « Ouais, mais non, mais on n'est pas sûr de le faire. Hein. » Puis même, enfin, on a fait ça comme ça. Quoi. Et quand bien même, on serait sûr qu'ils soient même dans le line-up, imagine. C'est pas ce qu'on attend d'un line-up d'une nouvelle console Nintendo. Non, mais c'est toujours bien quand même. Non, mais ça devrait être un à côté. C'est-à-dire, tiens, tu pourras jouer... Moi, ce qui me fait peur, non, c'est que... Ils auraient dû montrer Zelda. Pourquoi ils mettaient Skyrim ? Il fallait montrer des gens en train de jouer à Zelda. Il y a Zelda dans la vidéo. Ouais, mais tu l'as, quoi, 0,50 centimes. Non, mais justement, moi, ce qui me fait peur, c'est que... Ça, mais rien que d'y penser, tu vois, ça me fout un ulcère. C'est que j'ai peur qu'on a un line-up rachitique. Comme sur Wii U, il va falloir attendre à chaque fois, t'attends les gros jeux. Comme sur Wii U, au début, tu vas avoir des adaptations de gros jeux sortis il y a je sais pas combien de temps, comme quand Batman, tu vois, ouais. Était sur Wii U au début, tout le monde y avait joué avant ailleurs. T'es content, tu l'as sur Wii U, mais bon, voilà, tout le monde y a joué. Et surtout, moi, ce que j'ai peur, c'est de la techno à la ramasse qui fait que, dans 2 ans, la Switch, ce serait une Wii U. Et elle sera obsolète, ouais. Elle sera totalement obsolète, c'est-à-dire que la plupart des gros jeux pourront plus tourner dessus. Et puis, t'attendras ton jeu Nintendo tous les 3 mois. Pas si la machine a les capacités d'une PS4, parce qu'on a bien vu que Sony, de toute manière, n'ont pas du tout envie de sortir une nouvelle console. Donc, parce que la PS4 Pro, c'est pas une nouvelle console. Oui, mais que tu le veuilles ou non, la PS4 Pro et la Scorpio, ça renouvelle un peu le parc. On en a parlé lors de la dernière émission. Ça renouvelle le parc, mais les jeux seront aussi compatibles PS4. Donc, si les jeux sont compatibles PS4, il y a des versions PS4. Mais attends, encore faut-il voir comment ça tourne tout ça. C'est que si c'est du niveau d'une PS4, alors la console est tranquille. La console est tranquille parce qu'effectivement... genre, je sais pas, Red Dead 2 par exemple, quand il sortira, s'il est similaire à la version PS4 classique et la version Xbox One classique, ouais, bah c'est bon. Là, c'est très bien. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que je lis partout adapté. Moi, c'est ça qui commence à me faire un peu peur. C'est-à-dire, j'ai peur que ce soit en dessous. Moi, comme on disait, moi, qu'un Mario soit techniquement pas à la hauteur d'un jeu PS4, ça, c'est pas grave, je m'en fous. Tant que c'est un grand Mario. Le problème, c'est la vie de la console. C'est ça. C'est que si elle est... Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que je pense que la Wii U a fait beaucoup de mal pour l'image de Nintendo. En tout cas, de ceux qui ne sont pas fans de Nintendo. Et tu as plein de fans comme moi qui ne l'ont pas. Hein. Donc, t'imagines ? Oui, alors c'est vrai que je suis un fan un peu plus extrême de Nintendo. Et ça aussi, d'ailleurs, autre parenthèse, ce qui m'a fait de la peine, en fait, pour toi et pour d'autres qui ne l'ont pas, c'est que là, la rétrocomp Wii U, tu l'oublies, quoi. Oui, mais bon, je m'en doutais. Bon, tu t'en prendras... En fait, tu t'en prends, quand la Switch est sortira, à mon avis, la Wii U, tu pourras l'avoir pour une bouchée de pain. Donc, quand elle coûtera 100 balles, là, j'en prendrai une. Voilà. Quoi. Oui, parce qu'il faut quand même pour certains jeux. Mais ce qui se passe, c'est que là... D'ailleurs, enfin, ils annoncent la Switch, ils baissent pas le prix de la Wii U encore. Ah ouais, non, mais ça, c'est Nintendo. Mais, ils sont incroyables. Enfin, mais moi, c'est ça qui me... qui me fait un peu peur, c'est qu'elle soit dans... Que là, il y a l'attrait de la nouveauté au line-up, en nous faisant une belle petite carotte, ils nous la mettent bien à l'envers, parce que, genre, Zelda, c'est un titre de lancement, bah oui, mon coco, mais c'était prévu pour Wii U, donc, enfin, il va sortir sur Wii U aussi, jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'ils nous disent... Ouais. Qui va l'acheter sur Wii U ? Bah, moi, j'attendrai d'y jouer sur Switch, hein, c'est sûr. Bah oui, évidemment. Du coup, il va y avoir Zelda... Sauf qu'il était prévu pour une autre machine à la base. il nous refout une toilette princesse, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est ça, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'après, la console soit vite dépassée techniquement, que t'attendes ton gros jeu Nintendo comme d'habitude, et ils nous refont le coup de la console complémentaire, complètement isolée. Par les consoles, oui. Par les autres consoles, parce que sur PC... Non, mais le PC est hors concours. De toute façon, techniquement, il est au-dessus des nuages. Ouais. Il y a plein de... Bon, ça a l'air d'être intéressant, mais il y a beaucoup d'incohérences dans ce qu'ils annoncent par rapport à la réalité aussi du marché. C'est des incohérences plutôt... Pas technologiques, mais c'est plus des incohérences de calendrier et de communication, en fait, de marketing. Tu annonces une machine... Tu dis, voilà, vous avez vu à quoi ça ressemble. Tout le monde se pose des questions. L'action en bourse est en train de se casser la gueule, mais la prochaine fois qu'on communique, c'est en janvier, tu vois. Enfin, d'accord, juste qu'est-ce qui se passe ? Enfin, c'est qu'en fait, ils n'ont rien, quoi. Enfin, ils n'ont pas de jeu, ils n'ont rien du tout. Ça, je comprends pas. S'ils ne communiquent pas, je pense que ce n'est pas du tout stratégique. C'est que finalement, tout le monde pense, tout le monde est en train de se dire, ils sont en train de préparer plein de jeux, alors que... Est-ce que vraiment ils sont en train de le faire ? Est-ce que... les jeux mobiles, ça nous prend quand même un peu de temps. On va faire un peu marketing sur la Wii U. Il y a quoi sur la 3DS ? Regarde, ils ont encore sorti un Paper Mario, qui est un reskinage encore, des 15 autres Paper Mario qui sont sortis. Est-ce qu'ils est-ce qu'ils monopolisent pas trop leurs ressources avec des trucs qui servent à que dalle ? Et ils se retrouvent avec pas grand-chose, finalement. Ils ont un concept, ils ont une console, comme la Wii U, ils avaient un concept et une console, mais pas de jeu. Là, apparemment, ils se retrouvent avec une console et un concept, mais encore une fois, avec pas de jeu. Mais moi, je trouve ça aberrant. C'est aberrant, parce qu'au risque de me répéter, c'est ce qui était prévu par Iwata... Moi, j'espère me tromper. Hein. Avant sa mort, c'était de créer une synergie entre tous les développeurs internes. Ce qui est du bon sens pur quand ils pensent. C'est-à-dire, on va arrêter de disperser nos cartouches à droite à gauche sur X machine. Maintenant, c'est une machine unifiée, paf, tout le monde va dessus. C'est-à-dire que là, Nintendo, c'est le combo des jeux, quoi, tu vois. Et moi, je m'attendais à ça. Ça, plus les jeux Wii U qui ont été stoppés pour être sur Switch. Mais ils arrêtent même la distribution de la Wii U là, oui, dans certains pays. Oui, mais c'est pour ça. Moi, je m'attendais vraiment à un line-up de bâtards. Alors, on va attendre janvier. Mais tout fait penser à de la frilosité. C'est-à-dire que quand t'es sûr de ton truc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi ne pas dire on vous donne rendez-vous, je sais pas moi, début décembre pour un grand... pour un show. Attends, moi, je vais dire un truc. À côté, il faut quand même que Nintendo regarde ce qui se passe. T'as la VR qui est sortie. On en a déjà parlé. Ouais. Voilà, qu'on trouve ça cher ou pas, ça intéresse. Moi, je sais que je vais tout faire pour en avoir en début d'année, là. Voilà. Le truc, c'est que le mec qui se tâtonne sur la VR, bon, et qui a pas, et qui est pas ouf de Nintendo comme nous, voilà. Nintendo fait une pure communication début décembre en disant, regardez, pam, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, mars 2017. Bah, le mec va se dire, attends, les centaines d'euros là, que je m'étais mis de côté pour la VR, j'hésite, tu vois, j'ai peut-être me prendre la Switch, machin. Ils vont attendre janvier. C'est ce que Sony a fait avec la PS4, hein. Je me souviens quand elle était annoncée avec 14 000 jeux, là. Et du coup, c'est vrai que tout le monde a... Moi, j'ai pas l'image du Nintendo conquérant, je suis désolé. Ça a été assommant. Quand t'annonces une console, tu montres des dizaines et des dizaines de jeux où tu dis, putain, j'ai envie de jouer à ça. Bah, faut vendre du rêve. Voilà. Là, ils vendent des manettes détachables. Bon. Non, mais c'est, en fait, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est que moi, franchement, ils m'ont vendu du rêve pendant la... Quand on a tous vu, puis il y a un côté communion, tu vois, ils sont pas bêtes. Quand on a tous vu la vidéo de présentation en même temps, il y a un côté, tu vois... Et puis on l'attendait tellement. Tu sais, où moi, où je suis redescendu, c'est que quand la console a été annoncée, j'étais très content. Et la vidéo m'a plutôt plu. Ça a marché. Moi aussi. Comme ça a marché sur 90% des gens qui ont suivi le direct. Ceci étant dit, la plupart des journalistes ont indiqué après la vidéo qu'en fait, genre, l'embargo sauterait et que tous les éditeurs, dont Nintendo, hein, mais aussi les éditeurs tiers, sauteraient les verrous et montreraient leur jeu. Soit du line-up de lancement, soit au premier trimestre de lancement. Mm. Je sais pas si tu l'as lu, je l'ai vu sur GameCube, ouais, j'ai je l'ai entendu sur Gameblog, je l'ai vu sur Twitter, je l'ai vu un peu partout. La console a été annoncée, tout le monde ferme sa gueule. Y a rien. C'est normal que ça retombe. Hein. Parce que quand tu annonces une machine, tu annonces des produits. Il faut alimenter après. Il faut alimenter. Ok, d'accord, maintenant bon, je sais ce que c'est la console. Maintenant, c'est quoi les jeux? Parce que j'en ai rien à branler, moi, de la console, en l'état. Les bâtés qui se détachent, jouer partout, etc. Ok, c'est bien, mais s'il n'y a pas de jeu, moi, j'en ai rien à foutre. Tu vois? Et puis, plus rien. Silence radio. Nintendo a dû dire à tout le monde, chut, vous pouvez juste dire, si vous... ici et là, regarde, c'est que les indépendants qui disent qu'ils sortent leurs jeux sur Switch. Il n'y a que les indés. Ouais, ils disent, ouais, bah, le jeu que je suis en train de faire, il y aura une version Switch. Mais c'est facile, moi aussi, là, je peux dire sur Twitter, il y aura une version Switch de Chronicle of Teddy, quoi. Je peux le dire comme ça en claquant des doigts. Nintendo, ils n'ont pas besoin d'approbation. Hein. Donc, alors que j'ai pas le kit. Ce qui est un petit peu dommage, en fait, c'est que on l'attendait tellement. Moi, je pense fallait montrer Mario Kart, fallait montrer l'euphorie, plus, quoi. L'euphorie est venue qu'on a mis vraiment une image sur cette attente. La machine s'est matérialisée sous nos yeux. Donc c'est vrai que sur le moment, ça lui donne un capital sympathie de base. Ben oui. Et voilà, donc toi, comme plein d'autres, on était super contents. Et puis, quand ça retombe, effectivement, comme tu dis, justement, Nintendo n'a pas alimenté la hype derrière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à se dire, attends, ce concept il existe déjà, attends, ils ont montré que ça. Ils auraient montré un Smash Bros, ils auraient montré... un vrai bout du nouveau Mario, un vrai bout. Ah, c'est peut-être Mario, je pense que c'est sûrement un vrai bout en développement, mais je pense que c'est vraiment un vrai bout. Non, mais faut plus en montrer, faut un trailer, pas des bouts d'image. Putain, fallait balancer des trailers de jeux ou un trailer jeu tout simplement, un trailer line-up. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est que comme le concept est pas si révolutionnaire que ça, et je pense que on le voit, hein, les jours qu'on suit, il est très plaisant. Il est plaisant, mais c'est pas la tarte dans la gueule, tu vois, non, que certains, moi j'avoue j'attendais un peu plus, mais soit, Nintendo c'est le jeu avant tout. Le truc, c'est que à côté de ça, quand tu sais que t'as un concept qui va pas non plus c'est pas l'effet oui, pas du tout, et du coup à côté de ça, et ben tu muscles avec des putains d'images de jeux de ouf, tu mets des combos dans la gueule des gens. C'est comme ça que les guerres c'est comme ça que les guerres de com se gagnent, parce que Nintendo, ils ont plus la chance que tout internet s'est arrêté, je veux dire, c'était en top tweet, le monde s'est arrêté de tourner, t'as l'impression, quand la Switch est annoncée, parce que Nintendo a cette force là et t'as l'impression que ils comme savent Disney, hein. Voilà, mais ce qui est un peu triste, et on peut vraiment leur reprocher ça, c'est que qui aime bien châtie bien, comme on dit, c'est que sachant qu'ils ont ce capital sympathie si gigantesque, à côté, t'as l'impression qu'ils font les feignasses. Ils montrent vraiment le. C'est même pas le minimum syndical, quoi. Ils sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. T'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Franchement, hein, des fois, tu t'annonces une console, tu montres aucun jeu. Non, mais. T'as l'impression que, tiens, on vous donne un os à ronger, ils vont être contents, mais l'os, t'as pas beaucoup de viande dessus. Mais on dirait qu'ils connaissent pas. Tu sais, qu'ils tiennent pas compte des joueurs, quoi. Enfin. Mais merde, Et même pas des joueurs qui tiennent pas compte du marché. T'annonces pas une console sans rien montrer. Je suis désolé, pour moi, ce qui a été montré, c'est rien. On se doute qu'il y aura Mario Kart. On se doute qu'il y aura un nouveau Mario. Enfin, je veux dire, à la limite, les montre même pas et fait un putain de trailer. Un teaser, même un teaser, tu vois. Un teaser du line-up où tu vois plein d'images de jeux, beaucoup plus, hein, de nouveaux jeux. Et à la fin, tu termines genre Endmore, tu vois, pour dire que. On montre pas tout, il y en aura deux. Et pas que de Nintendo. Tu montres aussi des trucs d'éditeurs tiers qui tabassent. Tu montres. On sait très bien que t'as des éditeurs, genre les mecs de Bayonetta. C'est bon, on a compris qu'ils bossaient sur un jeu. Enfin, j'allais dire encore Enix. Switch depuis des pompes. On a compris que Beyond Good and Evil 2 c'était sur Switch depuis des pompes aussi, etc. Bon, bah, montrez des trucs. Faites monter l'excitation. La hype, quoi, tout simplement. Mais tu sais que. Ils auraient montré plus de jeux, plus de contenu, en distillant, tu vois, un petit peu, genre, allez, un petit trailer avec Mario Kart et Mario, puis hop, on monte une petite vidéo, et même juste un logo, des petits teasers ici et là, les gens auraient partagé en masse, sur Facebook et Twitter, etc. Je pense que l'action serait pas autant retombée. Ouais, mais ils vivent pas avec leur époque, en fait. C'est ça. Et malgré, voilà, une nouvelle console, etc., elle est toujours pas ressortie, enfin... Ils l'ont juste annoncé, on sait qu'elle sort en mars, etc. Mais ils répètent quand même encore les erreurs. Hein. Ils les répètent. Moi, je pense qu'il y a des messages qui sont très négatifs. Et c'est pour ça qu'à la limite, tu vois, le podcast, il pourrait même s'appeler « Va-t-on vers une Wii U 2 ?» Point d'interrogation. Parce qu'en fait, c'est pas de la provoque, hein, mais c'est vrai que je vois au fil de notre discussion, je me pose vraiment la question, en fait. C'est que il fallait mettre de côté tout ce qui a desservi la Wii U. Pas de doute sur le retard technique, ça tu le mets à la poubelle normalement. Le problème c'est que la question se repose encore. Bah non, enfin je pense qu'ils se sont dit qu'en montrant les images de la version full HD++ de Skyrim. Ouais, la version vraiment. Oui, le remaster. Belle. Voilà, le remaster de Skyrim qui demande quand même pas mal de ressources. Je pense qu'ils se sont dit, bon bah voilà, les gens vont comprendre que... Oui, mais les gens savent très bien que c'est pas... ce qu'on voit, ça tombe pas sur... Il y a une chance sur deux que ça tombe pas sur Switch. Le vrai problème, il est là. Le problème, c'est que... Après, c'est pas Bethesda une vraie presse dit... du jeu sur Switch. Et puis Bethesda, voilà. Ce qu'a dit derrière, c'est ça. Bethesda aurait dit oui, on sera au line-up de lancement. Il y aura le. Ben bah voilà, la question se pose plus. Bethesda aurait dit en deux lignes, oui, on sera en lancement. Et la version que vous avez vue, c'est vraiment, le Skyrim qui tourne sur Switch. Ouais, mais là le problème c'est que, et ça tu peux pas dire le contraire. Partout ça tourne sur le net, ça débat vachement là-dessus. On a peur une nouvelle fois d'une console un peu aux pâquerettes techniquement. Donc ça c'était un des points noirs de la Wii U. Il est à nouveau là. Enfin, il y a un point d'interrogation, c'est-à-dire non, que je sais pas. C'est non, pas mais clair. Oui, mais on se pose la question et déjà ça, c'est trop. C'est trop, ouais. Voilà, c'est trop parce que c'est comme ça que ça commence. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, t'as des réputes qui collent à des consoles, même si c'est pas le cas, ça leur colle au cul toute leur vie, tu vois. Pareil, le côté un peu. T'achètes une console Nintendo pour 4 jeux Nintendo dans l'année, rien d'autre. On commence à se poser la question tant rien n'a été montré. Il y a plein d'éléments qui ont desservi la Wii U et on commence à se reposer la question pour la Switch et c'est ça qui est terrible. Et t'as pas la vraie fusion portable console de salon, parce que pour moi c'est plus une machine transportable que portable, c'est-à-dire c'est comme une tablette, quoi. Moi je vois mal. Mais ça fait longtemps qu'ils veulent faire des consoles transportables. Hein. Tu te rappelles la GameCube, moi j'en ai rien à foutre, je dis la GameCube. Avec sa poignée là derrière, Miyamoto qui disait ouais, comme ça vous pouvez la porter où vous voulez, etc. Ça fait longtemps qu'ils veulent faire des consoles de salon transportables, hein, Nintendo. Oui, mais le problème c'est que là l'époque a changé. À l'époque de la GameCube, t'avais pas les smartphones, t'avais pas les iPads, oui. T'avais pas tout ça. Là, le problème, c'est que quelqu'un qui est très très nomade, qui, déjà, je pense que les gens prennent pas souvent en plus leur iPad que leur smartphone. Après, ça dépend le mode de vie de chacun. Mais là, ça veut dire que t'imagines le mec, il a déjà son iPad dans son sac. Il va mettre aussi la tablette. Peut-être qu'il va la mettre, hein. Mais je trouve que c'est faire fi de comment le marché a évolué. Et de l'habitude des gens. Ce qui aurait été beaucoup plus excitant, mais moi, je pense, hein, franchement, hein, la hype aurait été beaucoup plus grande, c'est que tu avais une Switch à la maison et quand tu partais avec la version détachable de la machine, t'avais la nouvelle 3DS dans la main, quoi. Ça aurait été excitant. Pour moi, à mes yeux, hein, ça aurait dû être une console de salon, normale, et la manette, comme la Wii U, si vraiment... on aurait dû partir par ce principe, la manette serait dû être effectivement une sorte de 3DS. Oui, voilà. Tout simplement. Et en fait, ce que tu transportes, c'est pas la console, c'est la manette. Voilà, la manette qui est aussi une console portable. Voilà. En fait, ça aurait été encore plus au bout de la vision de la Wii U. Ça aurait coûté 2000 euros la console, mais... Non, mais c'est ça le souci, c'est que le problème... Non, mais tu vois, une manette avec une sorte de AirPlay, quoi, c'est ce qu'il faut un peu, tu vois, finalement. Mais voilà... en fait, pour moi, le problème, c'est que ça ressemble à une tablette. Pour moi, c'est ça. Ça me dérange pas plus que ça. Hein. Mais moi, je parle par rapport plus à une vision un peu lucide du marché. C'est que les gens, ils ont déjà une tablette. Hein. Ils ont déjà un iPad ou une tablette c'est Android. Ça. Est-ce qu'ils vont pas avoir l'impression d'acheter en doublon, quoi? Ah, voilà, ça. Il fallait une manette. Une sorte de... Tu vois, genre une PS Vita, quoi. Tu vois? Mais de Nintendo. Exact. Une Nintendo-ta. une sorte de... Voilà, oui, mais c'est ça, c'est ce que je te dis. Et tu la poses sur un socle. La nouvelle... Même pas, excuse-moi, je termine. Même oui, pas, pardon, tu l'enclenches dans un truc. Tu sais, juste un socle. Tu sais, un peu comme les socles rechargeables, là. Tu sais, les socles en bois, là. Paf, tu poses ta Nintendo Vita dessus, ce socle, il te la recharge, et en même temps, il te balance le flux vidéo sur la télé, et basta. Ça aurait été tellement plus sexy. Parce que t'imagines, tu te dis, là, ils auraient niqué tout le monde. C'est-à-dire que t'achètes en même temps la nouvelle console de salon et la nouvelle 3DS en même temps. En fait, ça n'empêchait pas de faire des manettes détachables en plus. En fait, ce qu'il fallait, c'est... Ça n'empêchait rien. En fait, c'est la même chose, mais en plus petit. Il fallait faire la même chose, mais à la taille d'un smartphone. Mais exactement. Pas à la taille d'une tablette. Exactement. Et ce qui me fait peur, c'est que je parlais de la synergie des studios internes à Nintendo, ce qui est les équipes de développement de jeux. Ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient fait ça. Donc, tu avais la nouvelle console de salon plus le successeur de la 3DS. Et en plus, tu avais plus de jeux. Parce que tout était toutes les forces vives de la boîte, comme on entend dans un message à caractère informatif. Oui. Toutes les forfaits. Toutes les forfaits. Forf- ouais. Pardon, moi aussi je suis fatigué. Toutes les forces vives en fait de Nintendo, là, alimentaient un seul et même système de jeu en jeu. C'est vrai que c'est pas très compréhensible. Voilà, moi le truc que je comprends le moins, c'est pourquoi cette taille en fait. Moi c'est sûr, la vraie. Moi je l'attends. Hein, elle me fait beaucoup envie. Les manettes qui se clipsent. Ah mais moi aussi. J'ai envie de l'éclipser en boucle. Moi ça, aussi, bref, moi aussi. Moi juste aussi. Pour entendre le bruit. Mais pourquoi ils n'ont pas fait à la taille, tu sais, des notes. Comme un notepad, tu sais, pas comme un petit téléphone, comme les grands téléphones, un peu plus grands, mais putain, mais dans un sac, ça... Voilà. Vois, c'est, non, ça, parce que je pense qu'ils voulaient vraiment montrer que tu pouvais jouer à plusieurs à l'extérieur, sauf que... Mais rien ne t'empêche de jouer à plusieurs, bon, l'écran est plus petit. Non, mais là, c'est pas possible. Là, tu vois, le NBA 2K, déjà, sur la tablette, ça paraissait un peu petit dans la démonstration vidéo. Oui, c'est vrai, déjà, effectivement, mais... Bon, effectivement, ils veulent absolument que tu puisses t'en servir comme une petite télé, mais je pense que c'est une erreur. Ouais, moi, je trouve que la Features console portable aurait été beaucoup plus pertinente. Ouais, franchement... Parce que déjà, tu mets ça dans ta poche ou tu mets ça dans n'importe où. C'est vachement plus sexy. C'est vachement plus sexy. Le mec, il a l'impression d'avoir une console de salon, une console portable en même temps. Et écran plus petit, égal... Batterie. Batterie et prix. Et voilà. Donc, alors, est-ce qu'après, on peut mettre autant de puissance? Alors après, il y a aussi des verrous technologiques. Est-ce qu'on peut vraiment mettre l'équivalent d'une PS4 dans une tablette ou phablette comme on dit, c'est le mélange du téléphone et de la tablette dans un espace aussi petit sans que ça chauffe trop, sans... Alors après il y a aussi des verrous technologiques, hein. Faut pas... Non, mais c'est vrai que c'est facile pour nous de parler comme ça, mais c'est vrai que vendu comme ça, et moi, il y a un petit point aussi que je voulais soulever. Alors, ça va paraître peut-être complètement anodin pour certains, mais Nintendo, sur sa nostalgie, ils ont une force de frappe absolument incroyable. Il faut voir l'engouement que la NES Mini... Alors que c'est de la connerie. Hein. Non, mais franchement, bah justement, dans GameXplain encore, sur cette chaîne YouTube, ils l'ont testé, ils ont montré les menus, tout ça. Les menus sont très, très jolis. C'est très sexy. Ouais. Moi, je sais que... On dirait des menus de Mario Paint, un peu, c'est cool. Voilà. Ah, puis moi, tout ce qui est menu Nintendo... avec Apple, c'est le roi, hein, des menus. C'est les rois, voilà. Et surtout, je suis très, très fan des musiques de menus Nintendo. J'aimerais me faire une compile. Mais c'est vrai, hein, je trouve ces musiques extraordinaires. De Mario Paint, en passant par le eShop de la Wii, de la Wii U, et même de la 3DS. Toutes les machines Nintendo, enfin bref, là je m'égare, mais faut voir l'engouement que ça fait. Moi, le jour, c'est déjà la NES Mini, c'est surtout la Super NES moi, qui m'a marqué beaucoup plus que la NES, mais le jour où ils font une Super NES Mini, moi je deviens fou, quoi. C'est-à-dire que là, je fais F5 toute la nuit devant Amazon avant de la commander, quoi, tu vois. Bon, ouais. Pourquoi, ce que je comprends pas, c'est sur leur nouvelle console, ils capitalisent pas sur cet effet Madeleine de Proust, c'est que. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait ils auraient fait une sorte de portable avec un design un peu Super Famicom. En fait, ils auraient trouvé un compromis entre un design qui, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui sont pas fans de Nintendo, passe. Et de toute façon, quand tu vois certains designs de vieilles consoles Nintendo, chez certains, tout le monde disait ouais, on dirait des jouets, machin. Bon voilà. Et tu sais, regarde, t'aurais fait une sorte de PS Vita un peu mat, tu vois, avec les manettes détachables et les boutons des quatre couleurs. Non, mais t'imagines ? La palette Super Famicom, mais oui. Laisse tomber. Hein. Et ça, je ne comprends pas. Ils l'auraient appelé, tu vois. Mais parce qu'ils sont coupés du monde. Ils sont coupés du monde. Moi, j'ai un souvenir, en fait, de... Ça, j'avais lu ça dans un Joypad à l'époque, quand la GameCube ne s'appelait pas encore Dolphin. Ouais, d'accord ? Reality. Même avant ça, il y avait des rumeurs comme quoi la nouvelle console de Nintendo, donc c'était la GameCube, allait s'appeler Famicom X. D'accord ? Ah, oui. Bon, Famicom, nous en Occident, le nom on n'est pas censé le connaître. Voilà. Il faut vraiment être fan de la marque pour savoir qu'au Japon, voilà, c'est la Famicom, la Super Famicom, etc. Mais je prends ça comme un exemple. Moi, sur le moment, quand j'ai lu ça, j'ai dit putain, c'est le nom le plus cool qu'ils pouvaient trouver pour leur nouvelle console. Bon, ouais. Ça s'appelait GameCube et le nom est très bien aussi. Mais je me suis dit pourquoi en France, pourquoi pas l'appeler, je sais pas moi, Nintendo Entertainment quelque chose. Ou je te donne des exemples à la con comme ça, mais. Capitaliser sur le fait qu'on est Nintendo, on sait que vous êtes... parce que ça, c'est dans leur com, hein, le fait qu'ils ont montré des jeunes comme ça, c'est aussi... des jeunes ou des vieux jeunes, c'est pour montrer, oui, on sait que Nintendo, on a une base de fans de trentenaires qui est assez énorme et tout ça. Ouais. Parce que c'était ça aussi un peu le message. Le truc, c'est que tu faisais une machine avec un nom qui rappelait un petit peu l'historique de Nintendo, avec des éléments de design... Bah, la Famicom Switch, hein, tout simplement. Bah, t'imagines ? Ça sonne super bien, hein, Famicom Switch. Hein. Ouais, mais après, en Occident, comment tu veux vendre ? Ce serait Nintendo Switch et c'est déjà son Famille Computer. C'est facile à comprendre, hein. Famicom, Famille Computer, Pokémon, Pocket Monster. Enfin, tout le monde le sait, hein. Y a rien de spécial. En tout cas, moi, je trouve ça aussi un petit peu dommage qu'il. Voilà. Après, nous, on tient pas une agence de com, c'est facile de parler. Oui. De commenter, bien évidemment. Oui, mais c'est facile de voir les réactions sur le net aussi. Hein. Donc, et les réactions sur le net sont à peu près sont sensiblement les mêmes que les nôtres. Ça reste la ligne de réaction est quand même assez claire. Donc, bon, ils auraient beaucoup plus détruit Internet, encore plus avec ça. Mais bon, les gens. Il fallait juste montrer en fait plein de jeux. Voilà, on parle, mais enfin. Ils auraient montré plein de jeux. Oui, oui, c'est ça. Franchement, c'était bon. Ils auraient montré plein de jeux. Genre, tu vois, ils auraient montré un mec en train de jouer au nouveau Mario. Hop, il y a sa meuf, genre, qui arrive. Ah, je veux jouer. Le mec, il file un bout de l'autre manette. Paf, elle récupère la princesse. Ils sont en train de jouer à deux au jeu, au nouveau Mario. Non, mais c'est bon, tu montes ça. Le mec, il se fait un petit tournoi de Mario Kart. Il est en ligne et tout, etc. Il se fait sa partie. T'as des potes qui arrivent. Ils ont des Joy-Con. Tac, ils ont leur petit Joy-Con avec eux. Ils jouent genre à 16 à Mario Kart. Ah ouais, non, mais c'est ouf. En ligne. Non, mais tu montes des trucs comme ça. Tu montres. Un peu du Smash Bros, etc. Bon, on se doute qu'il y a un nouveau Metroid en préparation. Il y a quand même plein de voyants qui sont au vert. Après, avoir la gueule qu'il va avoir, mais bon. Il y a quand même pas mal de voyants. Ouais, voyants au vert, etc. Tu laisses présager des nouveaux jeux et tu montes deux, trois trucs. des acquis, tu vois. Le Skyrim qui sort vraiment, tu montes un peu de BGE, tu montes un... Je sais pas, moi... Merde, Nintendo, c'est quand même une grosse boîte. Ils ont pas pu faire un deal avec Rockstar pour Red Dead. Tu vois, je comprends pas. Red Dead, il a annoncé le lendemain. Je me suis dit, ils vont faire une annonce Switch. Tu vois, pour taper la classe un peu. Mais c'est pour ça que moi, j'ai peur... Non, j'ai peur du syndrome Wii U. C'est que les gros jeux hors Nintendo, bien sûr, seront surtout joués sur les autres consoles, chez la concurrence. Et puis, t'auras tes jeux Nintendo sur ta console Nintendo... Après réflexion, t'as le syndrome quand même Wii U qui, je trouve, qui t'as l'ombre de la Wii U qui est un petit peu... qui plane beaucoup, ouais. Et j'ai peur du syndrome Saturn, moi. C'est qu'en fait, rappelle-toi à l'époque, vu le four qu'a eu la Saturn chez nous, on va pas revenir sur les raisons, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de fans de cette console, mais bon, ça a été un four en Occident. Quand ouais. La Dreamcast est sortie, combien t'en as entendu ? Non, mais ça sert à rien, la Saturn, c'était nul. J'ai pas racheté une console de loser entre guillemets, sachant qu'elle va s'arrêter, alors qu'à côté t'as Sony qui sort la PS2. Et moi j'ai peur de ça en fait, c'est que les gens vont se dire, attends, mais si j'achète une Switch plein pot le premier jour, bon, moi ce que je vais faire, hein, je vous l'avoue, hein, je prends le risque, hein. Bah, c'est Nintendo, donc voilà. Mais des gens pas aussi fans que moi vont peut-être se dire, attends, si c'est pour que la console elle soit plus alimentée X mois après et qu'on la retrouve bradée. Ben c'est ça qui me fait passer. Quand tu vois l'expérience et l'image qu'a la Wii U auprès des gens, il fallait taper beaucoup plus fort. Maintenant, on va attendre voir en janvier. On parle peut-être trop vite, mais bon. Si en janvier, ils font un trailer avec des jeux et qu'il y en a 4 tonnes qui montrent des Metroid, enfin du Metroid, le nouveau Mario, mais qui le montrent concrètement. Hein. Je te parle pas de 3 secondes. Hein. Un trailer avec le nom du jeu, quand ça sort, à combien et la tronche de la boîte, quoi. Genre le jeu. C'est ça. S'ils montrent une dizaine de jeux comme ça, oui, effectivement, le soufflet va remonter et tout se passera pour le mieux s'ils abusent pas au niveau du prix. Mais ils sont tellement déconnectés de la réalité, un peu comme Apple sur certains aspects. Que s'ils sortent la console à 399, je peux t'assurer que ça va être un bide. Si elle sort à 400 balles, ça va être un bide. Ça se vendra pas. Bah, à 400 balles, moi j'achète pas une tablette. Hein. C'est mort. Hein. J'achète pas sa boîte Nintendo, tout ce que tu veux. 400 balles. Bah, surtout si t'en as moi, déjà je une. Renouvelle l'intérieur de mon PC à ce prix-là. Hein. Non, mais je attends. Joue les 6 prochaines années à venir. Hein. Non, mais le truc, c'est que la tablette, on sait même pas si tu pourras l'utiliser en tant que tablette normale. Alors voilà, moi c'est... Tiens, d'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que c'est un truc qui m'inquiète énormément, c'est qu'ils veulent même pas répondre sur le fait qu'elle soit tactile ou pas. Alors, mais ferme ta gueule, tu dis oui ou non. Alors certains qui se disent un petit peu dans le coup avec Nintendo, genre je connais un tel qui m'a dit, moi j'ai vu pas mal d'indiscrétions comme quoi elle serait multitouch quand même. J'ai envie de dire c'est le minimum, mais bon. Ah, putain, moi, franchement c'est quand même le minimum. Non, t'as mais... vieux BlackBerry de merde qui datent de 10 piches, ils le font. Quoi. Non, mais moi ce qui me fait très peur, c'est que tu crois acheter une tablette, mais si ça se trouve ce serait un truc juste prioritaire pour l'environnement Nintendo, mais qu'à côté de ça tu pourras pas l'utiliser comme un iPad ou une Galaxy, tu sais, genre. Ouais, je vais sur le net ou. Tu pourrais y aller, mais ça sera hyper cheapos. Tu vois, c'est ça qui me fait peur, moi. C'est que tu... C'est sûr que s'ils utilisent encore Opera, oui, ce sera cheap. Hein. Moi, c'est ça qui me fait peur, parce que... Alors que s'il y a Chrome, tu vois, s'il y a une version Switch Chrome, tu vois, donc un Chrome normal, mais sur Switch, qu'en plus de ça, il y a une surcouche My Nintendo, ouais. Je suis désolé, moi, je navigue qu'avec cette tablette. Hein. Bah, je pense que là, janvier, ça va être fatidique. De toute façon... Mais faut Facebook, faut Twitter, faut tout dessus, quoi. Janvier, on fera la deuxième partie, enfin l'épisode 2 de cet épisode, parce que je sais pas à quel nombre on sera d'épisodes à ce moment là, mais fatalement après l'annonce en janvier on refera un épisode spécial, ouais. Pour faire le point, parce que là c'est vrai qu'on sait pas ce qui va être annoncé. S'ils nous montrent plein de jeux, on en voit plus sur le Mario, on voit plus d'autres choses, on voit des belles annonces de jeux inédites, y a des indiscrétions qui font état même du nouvel IP, ça ce ouais. serait bien. Et que, à côté de ça, au niveau de l'OS, au niveau des applications, au niveau logiciel, ils te montrent un truc qui pousse vachement plus loin le Miiverse, mais cette fois-ci que ça marche très bien, et que ce soit vraiment, genre, en phase avec l'époque, hein, qui est plein de fonctionnalités super sympas, qui fédère la communauté. Un vrai OS, en fait. Hein. Voilà, quelque chose qui fédère la communauté Nintendo, pardon, et qui soit sexy, ça peut le faire. Ça peut vraiment le faire, mais. Le problème, c'est que... Moi, j'ai peur de la déception au début janvier. Ouais, mes grosses attentes, c'est les trailers de gameplay des jeux qu'ils présenteront. Et puis vraiment, moi, c'est vraiment l'aspect connexion, ouverture vers ce qui se passe ailleurs. Donc quand je dis vers ce qui se passe ailleurs, c'est que pour moi, sur cette tablette, il faut vraiment Facebook. Il faut vraiment qu'on puisse mettre Twitter. Il faut vraiment qu'on puisse naviguer sur le net, regarder des vidéos, aller sur YouTube. Il faut une nouvelle version de Pokémon Go. comme on veut. Enfin bref, il faut qu'elle fasse office de tablette / Nintendo +++ avec tous les cartouches, les manettes détachables, le My Nintendo. Mais il faut pas que ça fasse tablette VTech, quoi. Voilà, c'est tout. Mais faut que ça se... Voilà, faut que moi, quand j'allume la console et que j'ai la tablette, j'ai mes icônes, quoi. Faut que je puisse regarder mon Facebook quand je veux, parce que si c'est pas le cas, personne va la transporter. Hein. Qu'est-ce que le mec va se casser les couilles alors qu'il a déjà un iPad, quoi. Il prend son avion pour faire son voyage d'affaires, pour regarder, il met ses films dessus, tout le monde le fait, tu vois. Ou sa tablette Android, qu'est-ce qu'il va se faire chier à la foutre sur sa tablette Nintendo, alors que sur sa tablette Android, il a son Pinterest, il a son Tumblr, il a son Facebook. Oui, bah son Snapchat, tout ça, quoi, tout le tout-team, quoi. Qu'est-ce qu'il va se casser le cul à prendre une deuxième tablette juste pour mettre des jeux ? Vas-y, bah c'est bon, bah, j'ai déjà Mario sur ma tablette, hein, vu que Nintendo fait des jeux aussi maintenant sur mobile. Qu'est-ce que je vais me faire chier la Switch, j'y jouerai chez moi, tu vois. Et encore, s'il l'a acheté. Parce que pourquoi il l'achèterait s'il n'y a pas Red Dead, s'il n'y a pas... Alors que pour le même prix, parce que je pense qu'elle sera au même prix qu'une PS4, pour le même prix, j'ai tous ces jeux que moi j'aime bien en tant que Texan, tu vois. Bah c'est là où ils peuvent tirer leur épingle du jeu, c'est que les gros jeux, genre par exemple Red Dead... Il faut qu'elle fasse tout. La promesse d'un Red Dead qui serait aussi beau que sur PS4 ou One, et tu joues où tu veux. Et tu pourrais jouer où tu veux, ça c'est ce sera sexy. Un argument. Voilà. Ça c'est sexy. Ah ouais. Sachant que sur ta tablette, si tu as envie d'appuyer sur un petit bouton pour retourner sur la home de ta console et puis aller sur Facebook pour hop, publier le screenshot que tu viens de faire, tu comprends pas. Complètement. En fait, il faut que ça soit comme un iPhone. Une expérience fluide. Il faut que ça soit comme un iPhone. Moi, je sur vois, iPhone, tu joues à un jeu, tu fais un screenshot, tu publies sur ton Facebook, en 2 secondes, c'est fait. Voilà. Ou comme t'es avec ton iPad. Moi, je vois sur mon iPad, parfois... c'est pareil. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu joues à un jeu, tu regardes une vidéo, tu regardes un truc sur Netflix, tac, tu appuies sur le bouton Home, tu vas sur Twitter. Hey, les gars, ça va, paf, tu reviens, ta série recommence instantanément. Faut que tout soit fluide. Parce que moi, perso, effectivement, si la Switch, c'est une console de Nintendo, donc avec les manettes détachables, tu peux jouer où tu veux, blablabla, mais qu'en plus, à l'intérieur... Elle fait tout ce que l'iPad fait, avec un petit store avec toutes les applis. Mais moi, jamais de la vie, j'achète un iPad. Hein. Ouais, j'achète une Switch direct. Hein. Rêve pas, Julien. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais pourquoi y a des Chinois qui font 2 fois moins de chiffre d'affaires que Nintendo qui le font facilement. Non, mais tu veux que je te dise, moi, et toujours pareil, c'est parce que je suis fan de Nintendo, mais bon, je pense que les auditeurs entendent que, tu vois, j'ai beau être super fan... Ça m'empêche pas d'être très critique. C'est lucide ce que je suis en train de dire. C'est pas extraordinaire. Enfin, oui, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ce genre de réflexion, tu peux l'avoir sur la Wii U, où il y avait plein d'aberrations. On comprend pas pourquoi. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que fan de Nintendo, c'est sûr que moi, le fait qu'elle soit juste une console Nintendo, ça suffit, moi, pour l'acheter. Parce que moi, je suis collectionneur de consoles Nintendo. Oui. Quoi. Je veux mes jeux Nintendo et je veux surtout faire partie des premiers à découvrir le nouveau Mario, etc. Bon, voilà. Ça, c'est personnel. Hein. Après, chacun fait comme il entend. Mais par contre, c'est comme ça que je vois la Switch. Je la vois pas comme, regardez, je suis Nintendo avec un iPad dedans. Moi, si c'est ça que t'attends, tu vas tomber des nues. À moins que j'espère me tromper. Hein. J'espère me tromper. J'espère que je me trompe parce que la décence et la bienveillance voudraient que ce soit comme ça. Sinon, tu ne vends pas quelque chose qui ressemble à une tablette. Quelqu'un qui achète une tablette, pour lui, il y a tout dedans. C'est une tablette. Il peut aller sur Internet, aller sur Facebook. Parce que autant sur la mablette, enfin sur le gamepad, tu avais l'excuse. Parce que c'est vrai mais le gamepad, on dirait un truc VTech. Le gamepad, on dirait un jouet. Là, on ne dirait pas un jouet. Hein. On dirait, quand tu décroches les manettes, je suis désolé, hein, on dirait une tablette Samsung. Hein. Bah, moi, c'est une tablette Samsung. Moi, c'est ce qui m'embête, Nintendo, c'est que, bon, déjà au niveau du look, alors ça, c'est totalement subjectif. Hein. Mais c'est vrai qu'au niveau du look, je trouve qu'elle fait low cost. Mais après, faut voir ce qu'elle embarque. Voilà. Au niveau du look, elle fait low cost. Parce que, bon, moi, c'est vrai que j'adore Apple, donc c'est vrai qu'on est loin du design d'un iPad, ça, bon, voilà. Mais même d'une Galaxy. Je trouve qu'elle est plus moche qu'une Galaxy. La tablette en elle-même, hein, je parle. Hein. Ouais, ouais. Moi, c'est la. Moi, c'est le socle que je trouve horrible. C'est pas la console, moi, je la trouve bien. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu appelles la console? Parce que finalement, c'est un socle et une tablette, en fait. Donc, c'est... Tu sais que je vais t'envoyer un lien, là. Ouais. Un lien de FR Android. Qu'un site. J'ai tapé au pif. Hein. Attends, t'es où? Tac, tac, tac, tac, tac. Bruno, hop. Regarde la taille de la tablette. Attends, tu me l'as envoyé sur quoi? Ah, sur Gtalk, ouais. D'accord. Elle, tu sais qu'elle est pas si grande. Hein. Ah merde, c'est je pas... la voyais beaucoup plus grande que ça. En fait, avec les manettes, quand tu clipses les manettes dessus, tout de suite, ça fait plus grand, en fait, parce qu'il y a les manettes. Mais quand tu retires les manettes, c'est un iPad mini. Hein. Elle fait la taille d'un iPad mini. Bon, on recommence le podcast, parce qu'on a dit que des conneries, du coup. Non, mais justement, c'est très intéressant, là. C'est que... là, en voyant une photo que vraiment un gros plan qu'une main dessus, elle me paraît beaucoup plus petite que dans la vidéo. T'as vu? Parce que là, c'est les photos vraiment de presse. Hein. Et sur les photos de presse, elle paraît plus petite. Hein. Et dans la vidéo, elle paraît bien plus grande. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup de plans serrés pour montrer la console. J'ai cherché d'autres screens. Alors que quand tu vois quelqu'un avec vraiment les mains dessus, tiens, je vais aller sur Le Monde pour voir. Tu vois, regarde, mais il y a un problème avec leur console. Hein. Il y a un gros problème avec leur console. Ou alors, soit c'est un lilliputien sur l'image officielle. Regarde, je t'envoie. Regarde, l'image officielle où tu vois le mec détacher une manette ou la mettre dans son socle. Tu sais, avec le rectangle switch à gauche. Regarde la taille de la main du mec. Donc là, ah bah ça c'est l'article du Monde dont je te parlais tout à l'heure, ça. Ouais. Là t'as bon, ça fait la taille d'un iPad, hein, clairement. Ah là, elle paraît vachement plus grande là. Là, elle paraît immense. Et je regarde s'il monte d'autres. Voilà. Et puis regarde les images que je t'ai envoyées ensuite. Je me demande, je sais pas d'où viennent ces images. Attends, je vais aller sur le site officiel parce que faut regarder avec le site officiel, parce que ça veut dire que si sur le site officiel il y a toutes ces images, ça veut dire que la console qui montre, elle est fausse. La main est fausse, bon ça c'est assez récurrent, mais tout est faux. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la taille de la console, quoi. Oui, mais alors attends, il y a un truc aussi, c'est que si vraiment elle paraît plus petite, cela on explique aux auditeurs, donc je pense qu'ils ont compris, donc Julien m'a envoyé une photo où l'écran, enfin la tablette, pardon, paraît plus petite que ce qu'on a vu dans la vidéo de présentation. C'est carrément plus petite. Hein, alors, si c'est ça, ok, elle est plus facilement transportable, mais ça, du coup, le problème, il se déplace. C'est-à-dire que là, pour jouer à plusieurs, sur un petit écran comme ça, jouer à 4, c'est même pas la peine. Enfin, je veux dire, c'est inconcevable. Enfin, moi, avec mes yeux de taupe, c'est impossible. Hein. Alors là, tu me feras pas jouer à 4 sur un Mario Kart à 4 sur un écran comme ça, t'oublies tout de suite. Je veux dire, ah non, mais d'ailleurs, t'as vu, quand il monte le Mario Kart, il le montre à deux. Hein. Oui, parce que sinon, t'as l'impression de jouer dans une image de photo de profil Facebook, quoi. Enfin, je veux dire... Non, mais je pense que c'est pas possible. De toute manière, il n'y a aucun jeu hein, à quatre splittés sur des tablettes. Hein. C'est normal, parce que ça, ouais, ça mais, n'a mais, pas de sens. Mais même splitté en deux, ça fera trop petit. Hein. Enfin, bah, splitté en deux, bon... Ouais, tu crois vraiment qu'un petit écran iPad mini comme ça, les gens, ils vont se poser dessus? J'ai un screen de la vidéo, tiens. Fais voir, balance. Je sais pas, c'est bizarre. Non, mais bon, tu sais quoi? Attends, regarde, je te l'envoie. Là, c'est un screen qu'il y a vraiment dans la vidéo. Et écoute, tu peux la... Je comprends pas. Tu peux la prendre avec ta main entière. Hein. Regarde. C'est sur le site Polygone. C'est un screenshot de la vidéo. Et regarde les mains du mec. Même par rapport au Joy-Con. Maintenant, psychologiquement, tu retires les Joy-Con, tu regardes la taille des mains du mec, le mec il peut tenir la console d'une main, sans problème. Non, ça va, ouais, ça va, j'avoue, ça en va. En portrait. Donc, elle n'est pas grande. Mais. Mais c'est marrant parce que dans la vidéo, quand tu vois la vidéo en mouvement, elle me paraît plus grande. Enfin, c'est vraiment étrange. Regarde l'image officielle de Nintendo, théma, s'il te plaît, la taille de la console dans les images officielles, quoi. Elle est immense. Où il y a la main, là. Le mec, regarde. Là, c'est un article de Numérama. Hop, je te l'envoie. Regarde tout en bas de l'article. Tu vois l'image. Ça, c'est l'image officielle hein, de Nintendo. Hein. Regarde l'image officielle quand le mec met la console dans le socle. La console, elle est carrément. Mais ça n'a rien à voir. 20% plus grande, quoi. Bah moi, c'est cette image, c'est cette image-là. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Mais moi aussi. Bah c'est normal, c'est l'image officielle. J'ai l'impression que dans la vidéo, elle est 30% plus petite, quoi. Le lièvre que tu viens de soulever, j'ai l'impression, j'ai pas lu ailleurs, moi. Et là, voilà, là quand on voit l'image officielle. Moi, quand je vois l'image officielle, c'est très intéressant parce que c'est la taille genre du téléphone de papa, quoi. Tu sais, la grosse tablette, c'est un petit peu plus grand que les notepads. Un tout petit peu plus grand qu'un notepad. Non, je te parle... Parce que ça aussi, c'est l'image officielle. Non, l'image de la vidéo. L'image de la vidéo, c'est genre iPad mini, quoi. Même un peu plus petit que l'iPad mini. Mais moi, le truc, c'est qu'après la presse vidéo, j'ai retenu l'image... Donc là, j'explique aux auditeurs une image fixe, quoi, un JPEG, si vous voulez, de Nintendo. Bah, qu'il y a sur le site officiel. Hein. Qu'il y a sur le site officiel, où là, la tablette paraît beaucoup plus grande. Et moi, j'ai retenu... Enfin, c'est pas qu'elle paraît, elle est beaucoup plus grande sur cette photo. Ouais, sur le press release, hop, je te l'envoie. Tac. Théma, s'il te plaît, la taille de la console et des Joy-Con sur la press release. Les trucs, ils sont... Même les Joy-Con... C'est pas la même taille. Même en épaisseur... Hop, je reprends la vidéo, même en épaisseur, ils sont plus gros, quoi. Donc, c'est pas la même taille. Donc, en fait, le problème, parce que justement, moi, après la vidéo. Mais comment tu peux faire une erreur comme ça? J'ai été sur le site de Nintendo et j'ai vu la tablette grande comme ça, d'où mes critiques de tout à l'heure en disant que c'était plus une machine transportable que portable et que c'était un iPad bis. Mais effectivement, quand tu regardes sur la vidéo, quand tu regardes les gros plans, c'est pas du tout la même taille de tablette. Elle est carrément plus petite. Donc alors là, il y a un gros souci de communication. Il y a un gros problème. Je suis désolé. Sur les images officielles du press kit, la console et les manettes sont au moins 20% plus grandes. Ah mais carrément. Parce que quand tu regardes vraiment l'image de... Là, je regarde vraiment la main. Regarde, le mec, c'est simple. La paume de sa main, elle fait la largeur de la console. Quand je parle de la largeur, la petite largeur, tu comprends ou pas? Tu prends la console, ce que tu veux dire. Voilà, en mode paysage, la paume, elle fait la hauteur. Ok? Sa paume, hein, elle fait la hauteur. Donc, je prends ma 3DS, ça fait la hauteur de la 3DS. Tu penses que ça veut dire qu'ils auraient deux modèles? Non, je pense que c'est tout simplement qu'ils communiquent comme des gros teubés. Là, Alors il y a deux tailles, mais je pense pas quand même. J'ai ma 3DS XL dans les mains, moi je te le dis, c'est sûr et certain. La Switch, sans les Joy-Con, elle fait la taille de la 3DS XL fermée. Oui, parce que là je l'ai sous les yeux, ma XL aussi, donc ouais, c'est... Regarde la main du mec, regarde ses pouces, elle fait la taille de... Non mais attends, c'est vraiment ça en plus, hein. Là j'ai l'image devant les yeux du mec qui joue... Je prends la même position, sauf que j'écarte un peu mes mains. Là, j'avoue, c'est beaucoup plus sexy. Elle fait la taille de la 3DS XL sans les Joy-Con. Alors là, j'avoue. Et elle est fine, comme, je pense, elle est un petit peu plus fine, je pense, que la partie où il y a l'écran tactile. Donc là, j'avoue, c'est beaucoup plus sexy. Là, tu mets des Joy-Con, c'est super sexy. C'est super sexy. Pourquoi tu me montres... Alors, monsieur Nintendo, un press kit où la console elle fait la taille d'un iPad Pro, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Attends, tu sais quoi ? Attends, vas-y, relance la vidéo. Je vais relancer la vidéo, je vais voir quand il la met dans le socle. Mais si vraiment... Le mec, il l'a dans la main, elle est petite, hein, Honorin. Attends. Bah oui, attends, il la met. Ouais, mais on voit pas le mec à côté du socle. Tu vois, c'est ça le problème. Tiens, le mec, voilà, il la prend... Ouais, c'est genre une 3DS XL fermée, quoi. Faut que tu regardes la séquence où le mec, il la retire de... On voit un mec qui la retire de chez lui. Ouais, elle est un peu plus grande. Ah non, mais attends, là, il a les Joy-Con, attends. Ouais, mais il a les Joy-Con, donc... Avec les Joy-Con, en fait, elle fait large, elle fait super large. Avec les Joy-Con... Ah bon, bien sûr, je ronds Skyrim qui n'existe pas. Hop. Oh là là, Skyrim qui n'existe pas, bonjour. Hop. Là, je suis dans un van, ouais, super, on est en train de jouer à Mario Kart. Voilà, alors là je pense que c'est très parlant. Enfin, c'est dommage, je peux pas partager l'écran sinon la connexion. Tu peux pas faire un print screen ? Si, je vais faire un print screen. Attends, imprime écran, hop, voilà, ouais. Je te l'ai envoyé. Alors, hop. Fais voir ça. Hop. Ouais, t'aurais pu faire mes YouPorn à côté quand même. Alors. Ah bah là c'est plus grand. Non ? Non, bah non, regarde les mecs comme ils sont. Regarde la perspective, Juju. Non mais là elle est vachement plus grande la tablette là. Regarde la perspective. Mais c'est quand même incroyable de ne pas réussir à voir quelle taille elle fait quand même. Hein. Non, déjà à l'écran, on voit qu'il est bidon dessus, mais l'image de Mario Kart, je veux dire. Mais là, donc là, j'explique aux auditeurs. Julien m'a fait une saisie d'écran du passage où les mecs sont en train de jouer dans leur bagnole. Mais regarde la taille des mains des mecs à côté de la tablette, s'il te plaît. Mais elle est posée où, la tablette, là? Elle est, regarde comme ils sont penchés. Ils ont quasiment le pif collé, quoi. Ils sont vraiment en face. Mais la tablette est posée sur quoi? Elle est posée sur une sorte de socle. Tu sais, les socles pour les gamins, là. J'ai l'impression qu'elle lévite. Non, regarde la barre noire à droite. Ah ouais, maman, c'est marrant. C'est les trucs pour poser les tablettes pour les gars. Ok, ok. Bon, moi, elle me paraît un peu plus grande quand même, là. C'est bizarre. Ouais, mais elle paraît quand même plus petite que sur leur presse. Donc, hein. En fait, il y a plein de tailles. On comprend rien. Télé, sur la presse, on dirait une télé. Il n'y a pas de taille claire. Il faudrait que... Tu vois, c'est ça le problème d'annoncer des consoles, de la connerie d'annoncer des consoles uniquement avec des vidéos. C'est que tu fais une conférence, pas forcément à l'E3, mais tu fais une conférence, même genre un Nintendo Direct. Et là, t'as un mec et il te la montre, tu vois tout de suite la taille de la console. Le problème qu'avec une vidéo, avec du montage dynamique, un coup tu filmes la tête du mec qui fait une tête du genre « je m'amuse », alors qu'en fait il a rien dans les mains vu qu'elle n'existe pas et qu'il n'y a pas de jeu qui existe. Après tu fais des plans resserrés sur la main avec des images incrustées de Zelda alors que la console en fait il tient un bout de plastique éteint. Le problème de faire ça, c'est que on connaît pas la capacité de la console, on sait pas comment le rendu de l'écran. On ne connaît pas le rendu du noir, on ne connaît pas la taille de la machine, on ne connaît rien en fait. C'est-à-dire que tout le monde s'excite sur la vidéo, mais regarde, ils ont présenté une console, on n'arrive même pas à définir vraiment la taille. Parce que ce n'est pas un détail, ce n'est pas anodin. Si ça fait la taille d'un iPad, d'un vrai iPad, ouais. Pour moi ça n'a pas de sens. Si ça fait la taille d'un iPad mini, tout de suite c'est plus sexy. Bah, c'est exactement ça. Et là, le doute, en fait, est permis. Ça prendrait moins de place, et le mec, il pourrait prendre ça en plus, même d'une tablette à la limite, parce que de toute façon, ça fait la taille d'un gros téléphone, tu vois. Donc, d'une 3DS. Tout ce qu'on a dit dans le podcast depuis tout à l'heure n'est pas caduque, en fait. Puisque, de toute façon, ça s'adapte aux deux versions. Si c'est grand comme un iPad, pour moi, c'est pas la bonne solution. Non, clairement. Faut que ça soit plus petit que la tablette de la Wii U, quoi. Enfin, voilà. Mais si c'est plus petit et que effectivement, que les Joy-Con, si ça fait la taille d'une XL, d'une 3DS XL, pour moi, ça soulève encore un autre problème. C'est déjà jouer dehors à plusieurs sur un petit écran comme ça, laisse tomber. Enfin, dehors ou ailleurs. Et surtout, ça pour moi, c'est que pour le jeu solo, voilà. Mais surtout, pourquoi faire une nouvelle console pour succéder à la 3DS? Ça n'a aucun sens par rapport à la synergie des équipes qui Wata voulait. Donc, on est en plein... Oui, enfin bon, après, attends, ils disent qu'ils vont faire une console après la 3DS, ok? Est-ce que vraiment ils vont le faire? Attends, tu crois pas que si la... Bah, si ils ont bien dit qu'ils la considéraient, tu l'as bien rappelé tout à l'heure. Oui, mais ça, c'est de la communication. Comme une console de salon. Si la Switch, elle se casse la gueule, tu crois franchement... Enfin... Ou c'est pour se laisser une porte de sortie. On vous avait dit que c'était une console de salon avant tout, ça n'empêche pas de sortir une nouvelle console portable. Quoi. Ouais. Pour tirer une dernière cartouche, parce que je suis désolé, si la Switch, il répète les mêmes erreurs, genre je sais pas, la batterie est pourrie, il n'y a pas de jeu, bon, bref, s'il y a plein de soucis encore au niveau hardware sur la Switch, pour moi Nintendo, où ils ont le droit de se foirer, c'est sur les jeux. Avec cette console. Pour moi, sur l'hardware, ils n'ont pas le droit de se foirer. Ils ne se foireront pas sur les jeux parce qu'ils ont encore ça, c'est qu'ils savent toujours faire des jeux excellentissimes. Mais... Pour la première fois depuis le début, moi, je me suis posé la question, il n'y a pas longtemps, après l'annonce de la Switch, j'ai pensé à tous les problèmes liés à Nintendo et à Nintendo même, c'est-à-dire une interface à l'ouest, du online à l'ouest. Compatible avec que dalle, tu veux mettre Facebook, la tech à la ramasse, la tech, bref, bon, complètement à l'ouest et encore que des bons jeux. Et ben, je me suis venu pour la première fois à me poser sérieusement la question, comme tous les Sega fans aussi à l'époque se l'ont posé, mais putain, mais arrêtez de faire des consoles, faites que des jeux, quoi. Si à chaque fois vos consoles elles sont pourries et que ils se détruisent un pan de joueurs possible juste hallucinant, parce que monsieur veut faire sa console, qui est toujours à la ramasse, pourquoi continuer à faire des consoles? Ils ont ouvert la boîte de Pandore, ils font des jeux sur iPhone, alors que la question peut se poser. Ils disaient que c'est l'ennemi numéro 1, et ils sortent des jeux dessus. Bon bah alors, si Apple c'était l'ennemi numéro 1, pourquoi tu sortirais pas un Mario sur PS4? Tu vois, enfin... T'imagines le jour où ça... Quoique ceci dit... Mais pourquoi pas ? On s'est dit la même chose quand on a vu le premier Sonic arriver sur une console Nintendo. Le jour où il y aura un Sonic sur une console Nintendo, bim, sur GameCube, Sonic Adventure 2, quoi. Non, mais c'est parce qu'en fait, je pense que les gens sont figés dans leur époque. Nous, on a vécu ça vraiment bien, l'époque des 16 bits, par exemple. C'est vrai que pour nous, Sonic sur Nintendo, c'était genre la blague. La blague de lycéen que tu faisais tu vois, à l'école, genre... ouais, mais il y avait plus de compétition technologique, ça avait plus de sens à l'époque, parce que c'est des boîtes qui créaient leurs propres outils. C'est fini, ça. Non, mais justement, c'est ce que je te dis, ça n'a pas empêché que X années après, on a vu Sonic arriver sur GBA et GameCube, et maintenant Sonic, il est partout. Donc finalement, moi, je veux dire, tant que j'ai mes jeux de qualité Nintendo... Bon, par contre, ça me ferait un peu mal aux fesses de plus avoir de machine Nintendo, mais à la limite, je préfère plus avoir de machine que de les voir multiplier les erreurs. Parce qu'ils peuvent très bien faire les nouvelles IP et les suites de leur licence phare sur PS4, sur PC, tout ce que tu veux. Non, mais imagine. Et à côté, juste je termine, et à côté de ça, ils nous font régulièrement le coup de la Famicom Mini. Tout leur trésor de guerre... ils ouvrent un shop, tu vois, et puis ils sortent des petites machines, ils sortent des trucs. Imagine sur la Switch, moi je suis constructeur, ok, je m'appelle Nintendo, donc j'ai une aura que personne n'a, tout comme personne n'a l'aura de Nintendo Pixar, ok. Je sors une console avec des cartouches, etc. Bon, voilà, ça reste, c'est la Switch, bon, bref. Mais qu'à l'intérieur, ça, pour la partie online, ça tourne sur une techno Android. Imagine. Mmh. Ok. Ça veut dire qu'ils font un truc qui s'appelle le Nintendo Store, enfin My Nintendo, ce que tu veux, qui fait office de Game Center. C'est le Game Center de la Switch. Ok. C'est le My Nintendo. Donc le Game Center, c'est, tu sais, ce que tu as chez Apple et ton compte Google Play avec. Ouais, bien sûr. Bah, voilà. Ce qu'utilisent des millions de gens chaque seconde à travers le monde. C'est la surcouche du constructeur. Bon, bah là, t'aurais la surcouche du constructeur Nintendo qui serait le My Nintendo. Ce qu'ils sont en train de faire là. Mais que dans le store, quand tu développes une appli Android, elle est compatible avec la Switch. Du coup, Skype. Du coup, Facebook. Du coup, Twitter. Et du coup, un store qui ferait le tri. T'auras pas toutes les merdes que t'as sur Google Play ou sur l'App Store. Nintendo ferait comme actuellement des soumissions de jeux, comme avec Apple. Tu proposes ton appli, hop hop hop, oui ok, bon bah pour les assets marketing il faut ça, il faut tant de screenshots, une description en français et en anglais, et c'est sur le store Nintendo. Et ça veut dire que t'aurais toutes les applis Android, Instagram, t'aurais tout, mais sur la Switch. S'ils font ça, ça coûte tellement. C'est tellement clair comme Blood Rush. Ouais, mais j'ai l'impression que dans leur tête, ça coule pas de source, justement. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est tellement logique de faire ça que, en plus, là, ils ont un processeur a priori, même s'il est adapté, un processeur, bon, voilà, c'est du Nvidia. Bref, tout le monde connaît, faut pas faire des routines graphiques, quoi. Voilà, c'est du Nvidia, donc tes routines graphiques, elles seront lues sans problème. S'ils font ça, franchement, là, ça devient un concurrent très sérieux pour tout le reste du marché. S'ils font ça, parce que c'est une console avec des cartouches Nintendo, mais qui fait tout ce que fait Android. Donc là, c'est un sérieux concurrent, tu vois. Mais si cette machine... Ce serait un joli coup. Si cette machine ne propose pas le fait de pouvoir avoir son petit Skype, d'avoir son petit... tout ce que tu trouves ailleurs, quoi, en fait. Voilà, simplement. De prendre des petites photos, même si la résolution, elle est pourrie, de prendre quand même tes petites photos, tes petites vidéos, de les partager, etc. Mais que c'est partagé avec ton My Nintendo, tu vois. S'ils n'arrivent pas à faire ça, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils n'ont rien compris, il faut qu'ils arrêtent les consoles. Ouais, mais ce qui me fait très très peur, c'est ce contrôle obsessionnel qu'a Nintendo, rapport à cette image familiale où il ne faut pas pouvoir parler au micro. Non mais, moi je suis d'accord avec toi, il faut qu'ils arrêtent, mais le problème... Si les gens, ils ont envie de montrer leur bite sur leur caméra, c'est leur problème. Ils se tapent la honte et puis c'est tout. Enfin... Ils vivent pas à leur époque. C'est-à-dire que, je veux dire, moi, la PS4, Axel, il y joue très souvent, mais il a son profil à lui, qui est déjà pas connecté du tout au PSN, qui est pas du tout connecté à Internet. C'est-à-dire que quand il faut télécharger des trucs, je télécharge sur mon profil. Et quand tu télécharges, quel que soit le profil, le jeu, il se déploie sur tous les profils. C'est aux parents de se responsabiliser. Exactement. C'est pas Nintendo. Voilà. Moi, je veux dire, Axel, il utilise la PS4. Il a accès à ce que j'ai décidé. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais. Il a accès au jeu voilà, que moi, j'ai décidé, auquel il devait avoir accès. Point barre. Les parents sont responsables. Exactement. Enfin, si tu peux pas aller sur. Si tu veux que ton gamin n'aille pas sur YouTube ou un truc comme ça, eh ben, tu lis des comptes. Tu lis des comptes My Nintendo, puis c'est tout. Comme Netflix, tu démarres la console, tu choisis ton compte. Bah, alors, je prends l'exemple, comme quoi, tu as leur truc, c'est de la grosse connerie. C'est que la Wii U, donc, on a chacun, moi, Natacha et Axel, on a chacun un profil. Le profil d'Axel, il est paramétré que, il peut pas aller sur Nintendo Network, il peut pas partager des trucs sur le Miiverse, ben voilà. Il peut pas tout ça. Il a juste la partie jeu, je l'ai configuré comme ça. Donc, je veux dire, alors que là, on parle d'une machine Nintendo, et pas la plus en pointe technologiquement. Hein. Donc, pourquoi imposer ces restrictions à tout le monde, alors qu'il suffit de vérifier... Parce que c'est ça, le problème, c'est que... bon, ça, c'est encore un autre débat, mais c'est aux parents de faire le job. Donc, en fait, pour conclure, parce que je pense qu'on a vraiment fait le tour, c'est que ce qui est dingue... c'est qu'on est parti au début de cet épisode avec plus de positifs en fait que ouais. négatifs, et je m'aperçois qu'au fil de la discussion, mais oui, parce que à la fin, c'est vachement plus contrasté quand même. Hein, bah, quand tu analyses le système, les problèmes de communication, le problème d'échelle, parce que sur un screen, elle fait la taille d'un iPad, sur l'autre, elle fait la taille d'un je pense qu'on a soulevé quelque chose là. D'un notepad que ou alors je sais pas, un coup c'est un mec qui fait 2 mètres pour 200 kilos qui tient la manette, un coup c'est un gamin, je sais pas, mais à un moment donné je pense qu'il faut aussi voir ce qui se fait. Enfin, je comprends pas, je veux dire, les mecs chez Nintendo, ils ont bien le téléphone, tu vois, ils ont bien des smartphones, tu vois, je veux dire, Miyamoto, il a bien un iPhone ou un Android, enfin tu vois, merde, ils ont pas encore des téléphones à cadran, quoi, tu sais. Bah, je pense qu'avec toutes les armes qu'ils ont... Merde, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Quand tu même, mettrais merde, un mec du Sony des bonnes années, donc c'est-à-dire actuellement. Ouais, mais même pas. Tu mets un mec des bonnes périodes Xbox avec le trésor de guerre Nintendo, il te fait une com, il dévaste tout, le mec. Mais même, regarde, tu prends n'importe quel diplômé de l'IUT de Lille, le mec, il a en nouvelle technologie, le mec, il arrive, il dit, bon, bah voilà, faut ça dedans, techno Android, et après, vous mettez votre surcouche Nintendo pour que tout le monde mette la main au portefeuille, et c'est bon. Parce que ce qui sauve les miches de Nintendo, contrairement à Sega... Ils ont pas d'équipe commerciale. Ils ont un trésor de guerre qui est... Enfin, je veux dire qu'il oui, le... en plus, qui, voilà, immense. Personne fait d'audit chez eux. Enfin, je comprends pas. Il y a bien des gens qui font de l'audit technologique. Quand ils font de l'audit technologique, ils se rendent bien compte, parce qu'ils veulent absolument faire des tablettes Nintendo. On a compris. Ils veulent faire des tablettes. Ok, voilà. Ils l'ont fait avec la Wii U. La prochaine console, c'est encore une tablette. On a compris qu'ils aimaient les tablettes. Bon, bah va voir les tablettes de la concurrence et dis-moi ce qu'il y a dessus. Voilà. C'est le raccourci est très simple. On n'est pas obligé. Je dis pas que moi je sais tout et que c'est logique de faire ça. Enfin, et qu'il faut faire ça, c'est que c'est logique de faire ça parce que le marché est comme ça et la demande, elle est là. C'est pas dire qu'on a forcément raison de dire ça, tu vois, c'est oui. Juste de la décence. Tu peux pas. Les seules tablettes actuellement qui ne proposent pas tous les services que tu as sur toutes les tablettes chinoises, c'est les tablettes pour enfants, ben c'est oui. Genre les tablettes VTech. Et ils peuvent pas arriver avec une tablette parce que les gens ne verront qu'une tablette. Tu auras beau clipser des manettes sur les côtés, les gens ils vont voir une tablette, et c'est sur la tablette, tu peux pas faire ce que tu peux faire d'habitude avec les autres, elle n'aura aucun intérêt pour le grand public, et pas que le grand public. Mais je me pose la question, c'est que le fait que le concept ait été compréhensible par tous, ça c'est ce qu'on avait peur, on s'est dit, le fait que la com soit beaucoup mieux compréhensible que la Wii U, est-ce que ça nous a pas aveuglé sur le fait que finalement ça reste quand même pas une super com. Là, ce qu'on a vu, hein, juste, hein, c'est le fait d'avoir été content d'avoir découvert la machine, comme j'ai dit en début d'émission, plus le fait, finalement, je me fais la réflexion, de se dire, ah là, enfin, on comprend ce que c'est. Est-ce que tout ça, en fait, ces bonnes surprises, entre guillemets, ne cachent pas le fait que, finalement, bah, c'est peut-être pas une réussite en termes de com, quoi. C'est pas fatalement une super réussite quand même, puisque... Bah, non, mais la vidéo est très bien. Hein. La vidéo moi, je remets pas en cause la vidéo. Parce oui, que mais elle, comme tu dis, elle nous vend une tablette. Mais la vidéo de communication qu'on a vue, c'est genre le générique de quelque chose derrière. Tu comprends ou pas? C'est comme quand ils annonçaient la PS4, un peu belle musique, des gens qui jouent, ouais, c'est trop bien, oh, on voit la manette, on voit la console qui tourne. Oui, c'est censé être une introduction. C'est une introduction. Voilà. Après l'introduction, sauf que là, y a rien derrière. Tu montres des trucs, tu expliques ce que c'est. Même si tu n'annonces pas le prix, tu expliques des trucs. tu montes des logos, tu dis il va y avoir tel jeu, il sera possible de faire ça, oui Netflix sera disponible, etc. Là il montre une vidéo, silence radio jusqu'en janvier, bravo. Et j'ai envie de faire mais, Just mais That. C'est, mais c'est ça qui est rageant, c'est qu'en fait... C'est pas normal. Ça tient sur le fait que c'est Nintendo. Mais c'est ça, c'est, et moi je l'avoue. Hein, moi, cette vidéo là, ce sera un truc Nvidia. On n'en aurait rien à branler. On n'en parlera même pas. Bah, on en a eu rien à branler, puisqu'ils avaient déjà... Bon, le concept n'était pas aussi étoffé, mais le concept de base, Nvidia l'avait déjà fait. C'est pas, là, c'est pas la cata, mais c'est quand même faiblard. Hein, mais c'est quand même pas lucide, une fois de plus, quoi. Moi, je m'attendais, j'étais super content au début, mais je m'attendais à ce que dans les jours à venir, ils montrent, genre, c'est des, même des screenshots, j'en sais rien. Bah, moi, je l'avais compris comme ça. Ils avaient dit, après, je sais plus quelle formule ils ont employée, mais... là, la présentation. Ce n'est que le début, quoi. Voilà, que... et au fil du temps, on va vous donner des. Mais moi, pensais pas attendre janvier. Moi, j'attendais une avalanche de screenshots, de... même, tu vois, juste le bref, là, To The Wild, le Zelda avec l'interface, tu vois, mais l'interface spéciale de la Switch, tu vois, enfin. Merde. Puis comme tu dis si bien. Il n'y a rien. C'est pas lucide. C'est pas lucide parce que là, en plus, faut penser qu'on arrive en fin d'année. Il y a la VR qui est là. Il y a le PlayStation VR, il y a tous les gros tout jeux de fin d'année. Tout le monde va communiquer comme des porcs. T'as tous les gros jeux de fin d'année qui arrivent. Et la Switch va pas occuper l'espace. Mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Malgré sa sortie en mars. Putain, tu fais péter. Excuse-moi, mais ça m'énerve. Tu fais péter un Nintendo Direct. Attends, excuse-moi, de quoi ? Tu veux pas mettre ça ? J'arrive pas. Bah tiens, regarde. Hop, c'est tout. Voilà. Tu fais péter comment en pleine folie des blockbusters de fin d'année, genre vers novembre-décembre, tu fais péter un Nintendo Direct sur le nouveau Mario. Tu fais des trucs de fou qui occupent mais l'espace. Que... Non et mais là, c'est un moi, exemple je que je te donne, pas ouais, que. Je ferai partie de ceux qui me disent je vais peut-être attendre. Mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est pas sûr quand même parce qu'il loupe Noël. Et c'est quand même, franchement, encore une fois. Putain, j'ai toujours. Ça rappelle l'Ultra 64. Tous les dames, mais sérieux, quasiment à chaque console Nintendo, j'ai l'impression de me répéter quoi. Mais ils loupent Noël quoi, encore. Mais comment ils font? Comment ils se débrouillent des sociétés aussi énormes avec autant de pognon pour louper Noël quoi. Je pense qu'on va vraiment nommer ce podcast Nintendo Switch 2. Vers une Wii U 2. Ils la sortent en mars, tout le monde aura dépensé leur pognon quoi. Et même les étrennes de Noël, tout le monde aura tout dépensé. Parce que attends, la VR, je fais un mea culpa, je me suis trompé de prix dans la précédente émission. Ah, bah toi, je sais que ça va te faire hurler, mais le PlayStation VR, c'est 3,99€. D'accord. Sans la caméra. Moi, je l'ai déjà, la caméra. Sans la caméra ? Sans la caméra, tu rajoutes... Juste avec ce que tu viens de dire, pour moi, ça n'existe pas. Tu t'ajoutes 60 boules de plus pour la caméra. Donc, okay. Non, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, non, mais attends, bon, ça, c'est ton avis. Moi, tu sais que la VR, ça m'attire beaucoup. Quelqu'un qui est attiré par la VR, qui veut casser son porte-monnaie et qui a les moyens, je veux dire... Il va pas se poser un débat Switch VR. Là, Nintendo de toute façon ne va pas occuper le terrain. Ça va être le désert de Gobi. Le mec, il va casser sa tirelire. Il va s'acheter PlayStation VR, sachant que bon, ok, t'as un disque démo avec, mais il va sûrement s'acheter peut-être un jeu en plus dessus, tout ça pour avoir. Ouais, genre R7 ou un truc comme ça. Quoi. Voilà, bah, R7 arrive en janvier, mais bon, enfin, ah, oui, il va se dire tiens, je me mets ça de côté pour R7. Ouais, bah avec les étrennes. Avec les étrennes. Nintendo arrive, wouhou les gars, on a une console à 400€. Il va dire, haha. Allez, casse-toi quoi. Mais c'est ça le problème. C'est le gros souci. Voilà. T'as l'impression qu'il piche que dalle quoi. Enfin, si t'arrives en mars après tout le monde, fallait arriver avec autre chose qu'une Wii U améliorée quoi. T'as, enfin, que, t'as, t'as que les Nintendo sexuels comme moi qui ont acheté la Wii U jour J pour jouer à New Super Mario Bros. U. Que je défendrai toujours, comme tu le sais. Il faut un truc hybride, genre, je sais pas, elle soit pas chère avec un forfait 4G, parce qu'il y a tout ce que je te disais, un store avec des applis, avec Angry Birds. On serait une poignée d'illuminés Nintendo à l'acheter le jour J, je me démerderai en tout cas pour pouvoir l'acheter, parce que voilà, c'est Nintendo, mais ce sera pas le raz-de-marée attendu. Je pense que si on s'en tient à ce qu'on a aujourd'hui, attention, maintenant, en janvier, mais pour vraiment ne rien communiquer, si vraiment ils ne communiquent que rien, et d'ailleurs c'est ce qui est annoncé avant janvier. C'est incroyable. Ils ont intérêt en janvier à balancer le pâté quoi. Mais même ça, je sais pas s'ils vont le faire. Et même, tu vois, ils arrivent en janvier, ils montent Mario Kart, un nouveau Smash Bros, un nouveau Metroid. Allez, soyons fous, un nouveau F-Zero parce qu'il y en a plein. qu'attendre. Bref, c'est une licence. Même si ça se vend pas, mais c'est l'image. Ça, ouais. Ça pourrait être super une bénéfique. Licence. Ouais. FF15 avec des trucs en plus. Red Dead Redemption. Même avec tout ça. Et c'est incroyable. Hein. Mais même avec tout ça, c'est chaud. Parce qu'ils arrivent bien trop tard. Mais je pense qu'ils sont à côté de la plaque, tu vois. C'est comme le côté e-sport qu'ils ont voulu mettre en avant sur la présentation. Ben, et qui va faire du e-sport ? Avec Splatoon. Non, mais soit, je pense que ça peut intéresser certaines personnes, mais ça, ça devrait être qu'un à côté. Ça devrait pas être un truc, tu vois, hyper mis en avant comme ça. Tu crois vraiment que les grosses fédérations d'e-sport, ils vont mettre des NX comme ça autour d'une table et faire un gros tournoi Splatoon ? Mais non, ils vont faire du Counter, ils vont faire du Battlefield. One, il va avoir un peu de Street 5 parce qu'il faut bien un peu de Street 5 et du Tekken. Mais ils vont pas faire du Splatoon avec des Switch, ça va être un petit coin timide, genre dans un coin avec quelques bureaux, ils vont placer des consoles, ceux qui veulent jouer à Splatoon, ils joueront à Splatoon. Mais il y a beaucoup plus de monde. Et en plus, ils montent Splatoon quand ils montent ça. Pourquoi ils montent pas un Smash Bros? Sans déconner, au lieu de montrer Splatoon. Bah parce que Splatoon, ça a été, que tu le veuilles ou non, ça a été un gros succès sur Wii U. C'était un succès surprise. Et je pense que c'était un gros succès. La communauté est toujours active. Mais la communauté hardcore, maintenant, en e-sport, c'est plus du Smash Bros. Que... l'e-sport, c'est pas Splatoon. Splatoon, c'est Timmy, 8 ans, qui joue avec Jean-Kévin, son voisin de table à l'école. Dès que t'as 15 ans, tu joues plus à Splatoon, quoi. À 15 ans, c'est les meufs et Smash Bros, quoi. Enfin, faut arrêter. Enfin, sans déconner. Je sais pas, mais en tout cas. Il y a que les Japonais qui jouent à Splatoon, quoi. Je pense qu'on s'achemine vers la fin, là. Mais... Oui, bah allez, c'est fini. Mais de toute façon, vraiment, c'est incroyable parce que je. C'est excitant, si. Et flippant, là. Dans la bonne voie. Et inquiétant, parce qu'on sait que c'est Nintendo et que c'est quand même, putain, le constructeur qui enchaîne les bourdes d'adolescents de 14 ans, quoi. C'est genre, je ne comprends pas. Tu vois, t'as l'impression qu'ils ont 4 de QI, quoi, chez eux, des fois. Parce que je suis désolé. Tu peux. Non, mais juste, vite, on revient en arrière. La Wii U, quoi. Tu présentes une console où tu monopolises pas la télé et tu peux jouer partout chez toi. Tu peux même pas jouer aux chiottes, quoi. Ni dans ta chambre. Non, et, mais c'est. Il y a une batterie de merde. Mais en plus, la Wii U. Et ça sort avec un New Super Mario, quoi. Juste, réveille-toi, quoi. Enfin. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que. La Wii U, nous ici, je parle pas de ceux que voilà qui l'ont pas écouté peuvent écouter notre épisode spécial Wii U, mais et puis pas à ce prix-là. Moi, la Wii U, on l'utilise encore quotidiennement à la maison. En ce moment, Axel est à fond sur NES Remix. On est toujours sur Mario Maker, sur plein d'autres jeux. La partie software, on en est très content. Voilà, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que tu vois, il va se mettre à jouer. J'ai l'impression que j'ai à peine eu le temps de faire 2-3 trucs dans mon coin. Il va m'appeler, papa, il y a plus de batterie. Tac, on branche. Heureusement qu'on a une prise à côté du canapé, donc il peut continuer. Mais c'est ridicule. Il y a plein de choses, en fait, qui font que... Je me dis... La Wiimote, hein, c'est pareil. Hein. Oh, regarde, tu peux faire tout ce que tu veux. À la fin de vie de la console, oh, bah, en fait, la Wiimote Plus, bah, maintenant, ça marche. Six ans après, quoi. Oui, mais n'empêche que la Wiimote, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, même au tout début, ça, quand même, ça marchait. Tu pouvais jouer à Wii Sports. Bien sûr, voilà. Mais parce que le concept est génial, que la console, elle est sortie, je te le rappelle, pas trop chère. Et je te le rappelle, avec des super jeux aussi. Donc, c'est ça qui m'embête, c'est que le problème... C'est, alors maintenant, il y a pas mal de fuites qui font état de super fonctionnalités dont ils n'auraient pas parlé spécialement dans cette présentation. Non, moi j'y crois pas parce que tu fais pas une grosse vidéo de présentation de 3 minutes si tu présentes pas toutes les features. Mais quoi qu'il arrive, janvier, c'est trop tard. Je pense que c'est encore une grosse erreur. Ce sera pas des features software. Oui, oui. Enfin, en tout cas, on peut dire que au début de cette émission, vraiment, il y avait 50% de... Enfin, il y avait 60, on va dire 70% de positifs et 30% de négatifs me concernant. Et j'ai l'impression que ça s'est un peu équilibré en discutant. Ah, c'est 50-50. Hein. C'est 50-50. Bon, je pense va être dit en janvier, ça va être décisif. Ça va être primordial, ouais. Même si en termes de com, en termes de business, je trouve ça un peu suicidaire d'en parler si tard. D'en parler si tard et surtout de plus en parler ensuite. Je comprends pas. Bah, quand je dis si tard, je parle de janvier, moi. Voilà, de relancer le truc juste en janvier, quoi. Enfin... Et déjà octobre, c'était tard. Hein. Déjà, top, c'était tard. Tu peux même. Les journalistes, ils vont même pas avoir le temps de. La console, elle va sortir. Ils auront même pas eu le temps de tester. Mais attends, nos auditeurs nous corrigeront si je dis une bêtise, mais c'est pas ce qu'ils avaient fait le grand coup d'éclat de la toute première DS. C'était la DS ou la 3DS quand Iwata l'avait présenté à l'E3, t'avais des hôtesses super sexy qui 3DS. C'était 3DS, voilà. Qui étaient descendues dans l'assistance, genre pour les faire essayer. Il avait pas dit ça sort genre dans quelques semaines ou quelques mois. La sortie a été rapide, si. Je me souviens que ça avait été très rapide et que ça, ils avaient bluffé tout le monde avec ça. Mais parce que c'est super d'annoncer quelque chose et de dire ah, ça sort bientôt. Le problème, c'est que la NX, Iwata, il en a parlé beaucoup trop tôt. Il fallait pas parler de la NX. Mais tu sais pourquoi ils en ont parlé ? Là, maintenant, tout de suite, on aurait la surprise. Maintenant, là. Genre, on n'aurait pas entendu parler de la NX. Les gens n'attendaient rien. Nintendo, il serait arrivé. Hey, regardez, donne-toi pour jouer console, ça sort en mars. On n'aurait pas le même discours. Tu te rappelles pourquoi il en a parlé ? Tu te rappelles bien, ça ? C'était avec Dena, là, quand ils ont fait le deal avec Dena. Exactement. En fait, il s'est senti obligé, ou ses collaborateurs, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé en interne après, mais c'était fait vraiment consciemment exprès pour faire comprendre, attendez, on n'abandonne pas les consoles. Parce que la Wii U allait déjà très mal à ce moment-là. De toute façon, elle a toujours été mal, bon, la pauvre Wii U. Ouais, elle a commencé mal déjà. Voilà, il annonce ça. Là, ça y est, on va commencer à aller sur le mobile. Donc les gens tout de suite se disent, attends, Nintendo, ils arrêtent les consoles. Donc, c'était pour rassurer autant le public que les, je sais pas, que les investisseurs ou les... Voilà, tout ce que tu veux. Que, bon, non, on est encore là. On est déjà sur la prochaine console. On est toujours sur le marché des consoles. Voilà. Alors, je sais pas si c'est pour les actionnaires ou qui ou casse, mais en tout cas, c'était pour faire... C'est pour ça que c'était annoncé si tôt. Et ce qui était finalement aussi contre-productif, parce que ça a beaucoup fait de mal à la Wii U. Et c'est même étonnant que la Wii U, je regarde les chiffres tous les mois, parfois elle fait des chiffres bon, qui sont ridicules par rapport à la PS4 et même la One, mais il y a eu des périodes où elle s'est quand même pas si mal vendue que ça. Attends, elle se vend moins que la One ? Je sais pas. Alors que la One, elle a strictement aucun intérêt ? Bah, la One, elle se vend quand même. Hein. Moi, je te parle mondialement, hein. Je te parle pas sur un marché en... Oui, moi, je parle mondialement. Voilà. La One, elle vend plus que la... Je sais pas. Là, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Bon, la One, elle marchouille pas trop mal aux États-Unis, mais bon, ça, c'est parce que c'est leur console. Oui, mais c'est parce que c'est américain. C'est patriote. Voilà. Mais... Il vous ferait de la merde si c'est américain, donc... Mais bon, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On fera un... post-mortem de ce podcast. Ouais, je pense qu'au mois de janvier, après les futures annonces de Nintendo, on fera un épisode 2 de cette discussion sur la Switch. J'hallucine qu'on est en train de dire, on en reparle en janvier. Quoi. Non, mais t'imagines, je pense qu'on va en discuter, mais pour l'épisode 10, oui, attends, excuse-moi, oui. Oui, chérie. qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour l'épisode 10, je pense qu'on va en discuter entre nous. On va venir sur un sujet rétro. Si on a fait beaucoup d'actu ces derniers épisodes, mais bon, là l'actualité étant ce qu'elle est, là, on pouvait pas faire autrement. Mmh. Et puis, mais bon, à voir. Donc, du coup, voilà, on est autant pour conclure, on est autant emballé que complètement flippé, quoi. Ce qui va se passer. Ouais, c'est un peu des deux parce que en fait, ils ont une bonne idée. Ils ont un bon concept quand même. Parce que la Wii U, ça reste un bon concept à la base. C'est juste qu'ils sont chiés dessus, quoi. C'est tout. Mais là, ils valident entre guillemets ce concept en le survitaminant entre guillemets. Voilà, le fait de pouvoir jouer dehors, etc. Blablabla. Maintenant, j'insiste, il faut une surcouche très accessible pour les développeurs, éventuellement sous techno Android, pour pouvoir porter dès la sortie. Alors, le mec, il achète la Switch, il peut télécharger Facebook. J'insiste là-dessus parce que je sais que je suis chiant là-dessus, mais c'est la réalité du marché. Elle a une tronche de tablette. Donc, tu fais ce que font les autres tablettes. Point. Tu vends pas une tablette chère. Sinon, ils auront l'image d'une tablette pour enfants. C'est ça le problème. Sinon, ils seront à côté de VTech, quoi. Mais s'il n'y a pas que ça, bon, on va pas revenir sur tous les points qu'on a soulevés, mais pour conclure, il y a ça, il y a la batterie. La batterie, c'est central. C'est, tu peux me sortir une tablette Nintendo qui tabasse si une heure et demie après, il n'y a plus de batterie, ça sert à rien. Et le prix. Il faut que le prix... Faut que ça soit à moins de 300. Hein. Il faut qu'il y ait un super line-up et une vraie synergie de l'écosystème Nintendo, qu'on sente vraiment que ça a été pensé, Parce que là, ça donne pas aussi... avec des codes encore, de je sais pas quoi. Des... Là, j'ai l'impression que là, ce qu'on a vu, la Switch, c'est un peu un pompier qui a oublié de mettre son froc, tu vois, qui fonce courir pour éteindre un incendie, mais qui est pas complètement préparé. Moi, ouais. ça me donne vraiment cette image-là. Maintenant, c'est ça. C'est bon, une très bonne analogie. On verra. On verra ce que l'avenir. C'est comme quand t'as envie de chier que t'as à moitié retiré ton slip. Ça, c'est une analogie dans ton style à toi. Ah là. Alors, avant de conclure l'émission avec une rubrique totalement inédite hein, pour Brocast, vous verrez ça. Une news vient de tomber. Alors, c'est marrant parce qu'on a débattu là pendant trois plombes ou presque sur la taille de l'écran. C'est vrai que tu avais soulevé un lièvre intéressant dans le sens où, selon les images de la vidéo ou les images communiquées par Nintendo, c'était difficile de voir quelle était vraiment la taille de l'écran. Et là, en fait, il y a une news qui vient de tomber. Nintendo aurait dévoilé, alors, via Eurogamer, la taille de l'écran. Alors, il semblerait que ce soit donc un 6,2 pouces, ce qui équivaut à 15,7 cm, soit la taille de l'écran du Gamepad. Ouais, donc, notre rêve d'avoir une sorte de 3DS plus, voilà, via la Switch, là, c'est carrément dead. Faut pas s'étonner hein, que l'action se casse la gueule. Hein. Franchement, faut pas s'étonner. Hein, c'est, moi, pas une bonne décision, Nintendo... c'est pas une bonne décision. Non, je suis content qu'ils sortent une nouvelle console. Mais c'est quoi cette décision à la con encore, quoi. C'est pas une question de goût, quoi. C'est juste que c'est pas logique. Enfin, c'est pas logique leur truc, quoi. Bon, ils ont intérêt à nous faire un putain de Mario qui tabasse pour faire avaler la. Non, bah ouais, mais même pas auprès du grand public, non. Parce il faut définitivement qu'elle propose tout ce qu'un iPad propose. Sinon. Aucun intérêt. Est-ce qu'on a eu plus d'informations? Alors attends, on a eu la confirmation sur cette news, donc ce que je vous disais dans l'émission, comme quoi, vous voyez, on vit souvent juste quand même avec Juju, qu'elle était donc bien multi-touch. Touch. Est-ce qu'on a d'autres? Je suis en train de la lire en direct live. Il y a 10 points, c'est ça? 10 points d'appui, un truc comme ça? Ouais. Bon, bref, en tout cas, on va pas s'éterniser 3 heures, hein, mais. Non, mais bon, 3 heures de plus, mais bon, c'est. Il y a encore une idée à la con, parce que là, par contre, pour le coup, c'est vraiment une Wii U, quoi. C'est vraiment une Wii U améliorée, quoi. Et disons que c'est ce qui est incroyable, quand même, c'est qu'ils se calquent sur leur plus gros bide pour faire leur nouvelle console. Va chercher la logique. D'où, définitivement, au risque de me répéter une énième fois, mais là, je vais vraiment... Alors, c'est pas pour faire de la provoque ou de l'accroche à deux balles, mais je vais vraiment nommer ce podcast... c'est une Wii U 2, franchement. Ouais, Nintendo Switch 2 points vers une Wii U 2, quoi. Parce que, vraiment... Ouais. Alors, moi, ça n'empêche pas que, tout comme toi, j'attends grave la console. Ah ouais, c'est clair, ouais. Mais parce que... Pas pour la console, pour les nouveaux jeux Nintendo, presque, tu vois. Ouais. Je suis vraiment un petit peu triste. Ah, je suis déçu. Qu'il n'y ait pas de feature, ou même une feature qui... Bon, là, on l'a dit déjà 20 fois, on ne va pas se répéter, mais même qui sème peut-être le doute, mais au moins quelque chose de frais. Ouais, là, non spécial, seulement... Cette... Là, en fait, c'est un mélange entre la Wii U et la Shield de Nvidia, en fait. Ouais. C'est ça, c'est une fusion, quoi. Entre ça, à améliorer, bien évidemment, mais ça, voilà, ça va pas plus loin que ça, sauf surprise au mois de janvier. Enfin, ouais, bon. Voilà, j'espère vraiment qu'il y a un truc vraiment software qui fait que ça change tout. De toute façon, voilà, on fera le match retour de cette émission, enfin le match retour, la suite plutôt début janvier. Et donc, comme je disais, il y a une rubrique un petit peu avant la dernière rubrique musicale, qui celle-ci est devenue traditionnelle. Maintenant, on peut le dire, on peut parler de tradition au bout de neuf émissions. Bah, mais, ouais, ça fait partie du truc, quoi. Là, en fait, quand nous avons annoncé sur les réseaux sociaux que le sujet de cet épisode, donc, c'était une réaction de notre part sur la Nintendo la Switch, voilà, qui était fraîchement dévoilée. On a un fidèle auditeur qui s'appelle Lord Switch, alors on lui passe un gros coucou, qui a eu une idée pas dégueu. En fait, il voulait nous poser des questions pour qu'on y réponde dans cette émission. Podcast. Et moi, je me suis dit, c'est vraiment une très bonne idée. Et du coup, j'ai demandé aux autres auditeurs, sur les réseaux sociaux, de nous poser également des questions, voilà. Et je m'attendais pas autant de questions, je m'attendais à 3-4 questions à tout casser. Et on a eu pas mal de questions, Donc c'est vraiment cool. On remercie cette poignée d'auditeurs fidèles et vraiment. C'est pour eux aussi qu'on fait l'émission, puisque si on fait un podcast pour pas être écouté, ça sert pas à grand chose. Non, c'est sûr. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. On les remercie grandement. Et donc alors, moi, on le fait quand même surtout pour nous. Hein. Ce que je et surtout pour les gonzesses, parce que ça aide beaucoup les podcasts. Ah, c'est très radiophonique. C'est très avec nos voix de Latin Lover. C'est sûr que tu peux pas tester, comme dit la jeunesse urbaine. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc dans vos questions, s'il y a des points où on s'est étendu en long, en large et en travers, là dans l'émission, on va pas en refaire des caisses non plus. Histoire de qu'il n'y ait pas un effet de répétition par rapport à l'émission qui vient de se dérouler. Donc, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec les questions que Lord Switch nous a envoyées. Du 34. Du 34, alors. Qui nous contacte du Doubs. C'est beau le Doubs, ça sonne bien le Doubs. Donc, avant les questions, il nous fait quelques réflexions. Alors, il nous dit, selon moi, sur la route de la reconquête, Nintendo a réussi les trois premières étapes. Créer une architecture unifiée pour que les équipes se concentrent sur une seule machine et puissent pondre des jeux plus régulièrement. Non, alors ça, c'est ce que j'espérais, espérait, et du coup, ça, on est déçus, on en a parlé. Ça, c'est vraiment, même pour moi, c'est une des grosses déceptions par rapport à la Switch. Donc, deuxième point, fournir des outils de développement plus standards pour les tiers. Je ne peux pas en parler encore. Non. Voilà, toi, tu ne peux pas en parler. Moi, je pense que je le serai d'ici avant mars, quand même. Mais... pour l'instant, à moins que des développeurs en parlent, tu vois, mais pour l'instant, personne n'en parle, donc... C'est un peu embêtant, et puis là, comme on l'a dit dans l'émission, les infos qu'on a eues, on a encore l'impression que, ok, il y a des technos globales que tout le monde utilise, mais encore une fois, arrangées pour Nintendo, enfin bon, c'est un peu le flou. Je pense qu'il y aura encore, pas le Wii U manuel, mais du coup une Switch e-manuel... À mon avis, le kit de dev, ce sera plus sensiblement la même chose. Là, vraiment, j'ai quand même pas mal perdu espoir. Je veux pas dire que tout s'effondre, tu vois, parce que je suis quand même très content qu'ils aient annoncé une nouvelle console, et j'aime bien le principe, tu vois. Le principe est sympa de base, ouais. Mais ça fait vraiment, je sais pas, on dirait presque une... On dirait la Switch, on dirait presque une console avant d'en annoncer une vraie nouvelle, quoi. Tu vois, c'est presque ça maintenant. Donc, en fait, c'est tellement pareil que la Wii U. T'as l'impression que c'est la Wii U Pro, quoi. Ouais, voilà. Non, mais sans déconner, t'as l'impression que c'est la Wii U Pro, quoi. Tout a été, le trailer, tu vois, il y a des faux raccords, les images sont mal incrustées. Tu sens que c'était fait à la va-vite, et je pense que les outils, à mon avis, ça. Ce sera, de toute façon, ça peut être que mieux, tu vois. Mais même si c'est mieux, à mon avis, franchement, faut pas trop s'attendre à ce que tu trouves chez Apple, Android et même Sony. Hein. Non, je pense pas. Alors, le troisième point dont Lord Switch nous fait part, il nous dit présenter la console avec un message clair et simple. Donc, ça au moins, on est dedans. Et comme je disais plus tôt dans l'émission, je pense que le souffler tombait vachement là-dessus. C'est qu'au début, on était tellement contents qu'ils transmettent un message clair aux potentiels acheteurs. Ça, c'est bien. Mais après, c'est un peu ce qui masque après derrière une certaine déception. Mmh. Alors, ces questions, on rentre dans le vif du sujet avec ces questions. Alors, il nous demande, selon vous, est-il possible que Nintendo envisage de sortir dans le futur un casque VR où la Switch pourrait se glisser ? Il pourrait être vendu pas trop cher, car tout est déjà dans la Switch. Écran plus processeur. Je vois pas Nintendo aller là-dessus. L'écran est trop grand de la Switch, de toute manière. Et tu vois, ce qui prouve bien qu'on était... On n'est pas les seuls à s'être posé énormément de questions en fait sur la taille de l'écran, quoi. Ouais, là, l'écran est trop grand, et s'ils essayent de le faire, ce sera de toute manière très low cost par rapport à la concurrence, et même par rapport à un smartphone, parce que les smartphones, tu sais, les casques là en carton, tu mets ton smartphone dedans, l'écran il est tellement rapproché, et il est tellement à peu près à la taille, tu sais, de la distance d'entre les deux yeux, le milieu de l'écran il est bien à peu près au niveau de l'arête du nez, enfin. C'est pas anodin que les tailles d'écran aussi des smartphones. Donc c'est pour ça que ça fonctionne à peu près. Mais avec la Switch, non, c'est impossible. Par contre, ils ont dit qu'ils étaient intéressés par la VR finalement, parce qu'apparemment, ils changent d'avis comme de slibard. Exactement. Donc apparemment, finalement, on est très intéressés par, par la VR, alors qu'il y a deux mois, ils ont limite, ils ont dit qu'est-ce que tu me casses les couilles avec ta avec ton truc de merde. Ils étaient pas restés, ils voyaient les smartphones comme le mal absolu, et puis bon, voilà. Donc, bon, non, moi j'y crois pas, ou alors vraiment un truc rajouté, j'en sais rien, mais ça me paraît un peu laborieux. Donc, autre question, des rumeurs parlent d'un bloc optionnel qui ajoute de la puissance à la Switch, il pourrait justement améliorer le composant VR. Y croyez-vous? Pourrait-il être sans fil? Bon, moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas une seconde parce que Nintendo déteste ce genre de d'accessoires. Il suffit de voir, tu sais, quand ils ont ajouté la RAM pack là sur N64. Sur N64, je crois que ça représente 5%, un truc comme ça, des possesseurs de la N64 qui en ont un. Et encore parce qu'il était vendu avec Majora. Non, non, c'est des conneries. Ça vraiment, c'est typique une rumeur de mec qui est pas du tout sur le marché, quoi. Enfin, qui connaît pas Nintendo, qui connaît pas son historique. Non, je pense que celui qui a lancé ça a sûrement balancé une grosse connerie, effectivement. Ça aurait été Sega, je veux bien, parce que Sega, ils avaient tendance à faire ce genre de grosses conneries d'adolescents, mais enfin, Nintendo font énormément de conneries, mais alors là, c'est trop énorme, quoi. On parle pas de toi, alors Switch, hein, on parle de celui qui a balancé cette rumeur. Hein. Ah oui, bien sûr, on s'entend bien. Je parle pas de tout ça. Je parle de mon avis et mon analyse sur cette rumeur. Elle n'a aucun sens. Elle a autant de sens que, je sais pas. Bon, bah, je pense que Mario Cross GTA, quoi. C'est mieux, c'est de passer à la suite. Donc, il nous pose également, pensez-vous que Nintendo nous cache encore une fonctionnalité majeure? Bah, c'est ce qu'on espère tous, même si. Je pense que oui. Moi. C'est ce qu'on espère tous. Fonctionnalité, hardware, hein. Software. Enfin, en tout cas, majeur, c'est-à-dire quelque chose qui cool. Tu vois, où tu te dis, c'est dans l'ADN de la console, c'est vraiment un avantage, quoi, tu vois. Ouais. Je sais pas, moi j'ai un gros doute. Moi j'espère, j'espère que oui, quand même. Actuellement, ce serait le minimum. C'est le minimum syndical, quoi. Vous pouvez poster des photos sur Facebook, des screenshots sur Facebook. Ouh super. Non, mais il faut un vrai nouveau truc, un truc cool. Quoi. Mais je sais pas, à voir. Donc, autre question. La grande question, c'est le prix. Voilà, bien sûr, ça en a beaucoup parlé. Sachant qu'une PS4 est à 300€ sans écran, la logique donne un prix pour un Switch aux alentours de 350€, votre avis. Donc ça, on avait déjà parlé même dans l'émission précédente. On faisait un peu nos projections sur la Switch. Moi, je pense qu'il ne faut pas que ça aille au-delà de 349€. Vraiment pas. Et à ce prix-là, il faut un jeu. Hein. Et en espérant qu'il y ait un jeu. C'est-à-dire, comme on le disait, l'idéal, ce serait 2,99€ nu, 349€ avec un jeu. Ça, ce serait l'idéal. Franchement. Un pack Zelda, tu vois. Un pack Zelda, 349€. Et voilà. Ce qui semblerait être la logique même. Enfin, la logique et Nintendo, ça fait deux. Ouais. Donc, il termine disant, après avoir vu le reveal, j'ai été un poil déçu de ne pas avoir de surprise. Mais comme Nintendo n'a pas tout révélé, je garde espoir. Donc, c'est un peu notre espoir aussi. Pareil pour nous. On va pas s'épancher encore dessus 150€. Mais voilà, donc merci Lord de Switch. On va passer à Dominique, autre fidèle. Qui retweetent beaucoup, et ça c'est important les retweets. Donc une question pour Dominique, est-ce que cette puissance graphique qui sera plus faible ne sera pas encore une fois un frein? Donc non, bon, ça on en a parlé, puis on en a parlé beaucoup dans l'émission là. Voilà, donc, on sait pas, donc on peut pas savoir si elle est vraiment puissante. Moi je pense qu'on s'achemine quand même vers ça, mais bon, j'espère me tromper. Moi je pense qu'on s'achemine vraiment entre de la One et de la PS4, quoi, voire de la PS4 tout court. Hein. Ils peuvent pas sortir une machine, putain, encore moins puissante que la PS4. La PS4, elle a 4 piges, quoi. Je sais plus combien de temps elle a, mais c'est pas possible. Bah... Ils ont bien vu que ça fait partie des choses pour lesquelles ils se sont cassés la gueule. C'est quand même une boîte qui fait de l'audit. Si la console elle sort et qu'elle est moins puissante qu'une PS4, c'est qu'ils en ont plus rien à foutre des consoles. Je pense que le message sera clair. Oui, c'est ce qu'on s'est dit. Voilà, je sors un truc qui est pareil que la Wii U et en plus elle est moins puissante, c'est qu'ils en ont plus rien à foutre, quoi. Enfin... C'est ce qu'on s'est dit. Emmanuel donc... Chausson. Donc on continue. Alors, Emmanuel Chaussois, donc d'un très bon site d'ailleurs, qui a son podcast, c'est Galegacy, on vous le conseille. Pareil, c'est vraiment un fidèle de l'émission. Donc il nous dit, la question sur laquelle j'aimerais avoir votre avis, pensez-vous que la Switch sera capable de faire tourner les mêmes jeux que sur donc Xbox One et PS4? J'entends par là que normalement, d'après ce que disent Sony et Microsoft, leurs jeux seront toujours compatibles PS4 et Xbox One, oui, et seront plus jolis sur Pro et Scorpio. Nintendo pourrait, en plus de ses licences phares, proposer les mêmes jeux que chez la concurrence. Bah ça, c'est encore la grande question. C'est que... C'est les jeux éditeurs tiers, c'est ça? Moi, ce qui me fait très peur, et on en a parlé dans l'émission, donc on va pas faire 3 heures là-dessus, c'est qu'au début, t'es quelques jeux tiers qui sont déjà... sur toutes les machines. Voilà, auxquels on a déjà tous joué, en tout cas les intéressés. Et que ça va être un peu ça pendant les premiers mois de la de vie de la console. Et puis après, tu vas te retrouver avec des jeux Nintendo et des jeux charcutés, quoi. Des jeux d'éditeurs tiers charcutés. Bon, c'est ça qui me fait vraiment peur. Il faut vraiment qu'elle soit aussi puissante qu'une PS4 normale, parce que c'est pas possible. Donc merci Emmanuel, et donc Sega Legacy, très bon site, allez-y. Donc Ephraim, un fidèle aussi, ancien collègue des Bits et des Pixels, me dit, donc au vu du trailer d'annonce, pensez-vous que cette console sera axée plutôt solo ou multijoueur? Les manettes amovibles semblent petites, la fin du trailer présentant une volonté au e-sport montre bien de nouveaux contrôleurs pro, mais chacun joue sur sa Switch. Je pense que c'est les deux, elle sera solo et multi. Bon, je pense que c'est assez clair parce qu'il y a quand même la moitié de la vidéo où des gens jouent ensemble. Donc, sachant que le multi, ça a toujours été important pour Nintendo. Voilà, sachant que là, c'est dans des configurations qui, je pense, qui ne seront pas toujours appliquées. Là aussi, pareil, c'est quand on y pense, c'est un autre problème, ça, du trailer. C'est que, bon, on en a déjà parlé, mais c'est les situations qu'il montre. Autant quand il montrait des situations sur la Wii première du nom. Je pense qu'on l'a tous vécu, voilà. Ouais. De dire, papa, papy ou des copains mais qui savent pas jouer aux jeux vidéo, tiens, prends la Wiimote, on se fait un tennis, voilà, très bien. Là, je me vois mal dire, les potes, on se retrouve sur la place de la ville, la place de l'hôtel de ville, je pose mon écran par terre. Mais on est en France, au Japon, ça peut très bien se faire entre gamins, tu vois. Par exemple. Il n'y aurait rien d'étonnant de voir ça au Japon. Oui, mais à ce moment-là, il y a encore un décalage parce que la vidéo te montre vraiment là des jeunes adultes. Et au Japon, les jeunes adultes, c'est culturel. Je pense que s'il y a des spécialistes du Japon qui nous écoutent, je ne pense pas qu'ils nous contredisent. C'est que eux, ce qu'ils aiment bien, c'est jouer vraiment dans leur coin sur leur smartphone. Je parle pas de la culture de l'arcade, hein. Là, c'est encore autre chose. Mais ça dépend parce que la folie. Non, je suis pas d'accord parce qu'avec la folie Monster Hunter et tout ça, les gens se rejoignaient dans les parcs ou à Shibuya, etc. pour jouer ensemble et beaucoup de gens se connaissaient pas. Donc non, ils aiment justement. Ça paraît japonais, plus instinctif parce que chacun a sa console portable. Là faut que quelqu'un prenne sa Switch, les autres prennent que leur Joy-Con ou alors faut qu'ils aient la Switch sur eux, plus leur téléphone, plus leur iPad. J'espère me tromper, mais je vois pas cette pratique s'étendre vraiment. Non, ça va surtout. Je pense que ce sera du domestique, quoi, vraiment. Voilà, dans les foyers. Par contre, dans les foyers, c'est génial, mais en dehors, ça restera, je pense, ponctuel. Quoi. Pour moi, le seul avantage, c'est que voilà, si par exemple, tu vois, je l'ai dit, je le rêve quand même Day One. Enfin, je ferai tout pour. Hein. On sait jamais d'ici là si c'est la banqueroute, mais tu vois, par exemple, je sais pas, je l'emporte, je vais chez un pote. Qui a pas la Switch, je fais tiens regarde c'est sympa et tout, bon ça c'est top voilà, mais dans un usage on va dire plus extérieur, je vois pas ça, on verra. Donc on continue avec les questions d'Ephraim. Si vous deviez sur un line-up, quel jeu y mettriez-vous? Alors on en a déjà parlé aussi, c'est que nous on aimerait bien qu'il y ait au moins le Mario Uncharted un mec qui connaît rien Uncharted. Gran Turismo. Non, mais... De toute façon, les sûrs, on va dire, ce serait le nouveau Mario, enfin le Mario Switch et Zelda. J'ai peur qu'on soit déçus encore à ce niveau-là. Non, c'est pas possible. Ils peuvent pas sortir la console sans le nouveau Mario. S'il n'y a pas le nouveau Mario, même si j'ai le pognon, je l'achète pas. Quoi. Voilà. Tu sais ce qui me fait peur, moi? Ah si, il y a Zelda. Tu sais ce qui me fait peur? C'est qu'il y a le Zelda... Et qui disent, voyez Mario, il sera disponible automne 2017, tu vois. Moi, c'est ça qui me fait peur. S'ils font ça, franchement, définitivement, c'est des sales cons, quoi. Parce que, est-ce qu'ils vont sortir un Mario et un Zelda en même temps? Mais bien sûr que oui, c'est génial. T'imagines, la console, elle sort, t'as le choix, quoi. Oui, soit t'achètes Zelda, soit t'achètes Mario. Oui, c'est génial, sauf... Non, Zelda, j'ai dit Zelda. Zelda... C'est la parodie porno, ça, non? C'est l'ancien pornographique. Princesse Zelda. Elle te l'a montré, mon épée de légende. Non, mais le truc, c'est que. La master doigt. Montre-moi ta Triforce. Non, on peut en faire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Moi, ce qui me fait peur, c'est que s'il s'avère que, comme la Wii U, il n'y ait pas grand-chose derrière. Non, mais c'est pas possible. Non, mais je te parle au niveau du planning. Ah oui, mais si, il y aura plein de trucs. Attends, ils arrêtent pas de le dire. Je les vois mal griller un Mario et un Zelda Day One, sachant qu'il leur faut des titres forts toute l'année. Ils avaient dit un truc genre ils avaient 20 jeux en préparation. Mais j'espère. Pour soutenir la sortie, donc c'est pas possible. Non, putain. Non, mais ce serait historique, t'imagines. T'as le choix entre un pack Mario et un pack Zelda. Pense que là, il ferait le fait qu'on soit déçu, que ce soit en fait une sorte de Wii U améliorée, la pilule passerait vachement mieux, t'imagines. Ce serait même. Enfin, ce serait historique, quoi, comme je disais. Pour moi, c'est le minimum. Il faut Mario, Zelda. Ce qui serait super à la sortie, c'est qu'il y ait FF15 aussi. Non, mais t'imagines, mais même. Non, mais t'achètes ta console, tu prends le pack Mario, le pack Zelda, et tu pars avec le second en boîte, tu rentres chez toi, t'as la nouvelle Nintendo, t'as le nouveau Zelda, le nouveau Mario. Ce serait fabuleux. Là, je veux dire, déception du hardware, de la tablette, sur le moment en tout cas. Pendant les premières semaines et les premiers mois, ça passerait. Quoi. Tu le digères vachement. Ouais. Parce que là, tu dis, attends, j'ai. Waouh. Et puis même pour les parents, c'est bien parce que. Tu vois, les parents, t'achètes une nouvelle console Nintendo, bon, bah, t'as le Mario, tu vois. Ça, c'est comme... Regarde, le pack 3DS avec New Super Mario Bros. 2, là. C'est avec les pièces, la course... La course aux pièces d'or, etc. C'est un des packs qui s'est le plus vendu. Parce que les parents, ils achètent une console avec Mario. Ils achètent une console Nintendo, c'est Super Mario, c'est comme Mickey, quoi. Tout le monde connaît, les gamins sont contents. Ça renouerait qu'une certaine tradition qui s'est arrêtée avec la GameCube. La GameCube qui a pas eu un Mario en fait à sa sortie. Et ce qui était génial, c'est que bon, on garde tous des souvenirs. Ça renouerait aussi avec notre adolescence et notre enfance. Où tu vois, sur Super NES ou sur N64, tu avais le Mario qui était dispo. Mais ouais. Direct. Là. Non, franchement, ils sont... Moi, ce qui me fait peur, c'est le fait qu'il y ait Zelda, parce que j'ai l'impression que dans leur tête, ils en ont plus rien à secouer de la version Wii U. Bah, ils en ont rien à foutre. Parce que de toute façon, elle sera... Et, tu veux que je te dise, à mon avis, elle sera même pas super optimisée, ce qui me fait un peu peur. Moi, ils vont mettre le paquet sur la version, parce qu'il faut la vendre, la Switch. Et c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que... T'es pas de... Mario, tu l'es pas tout de suite. Moi, c'est vraiment ce qui me fait peur. Qu'ils gardent Mario pour Noël. Un pack premium avec les deux jeux dedans, genre à 399, Zelda et Mario. Ah bah là ils font un carton. Voilà, tout le monde l'achète, hein, c'est bon. Enfin, on va passer à la suite. Je comprends, mais ouais. Quel sera le prix de la console ? Bon, on en a déjà parlé, on passe. Voilà. Quelles sont vos attentes sur les fonctionnalités qui n'ont pas été abordées au cours de ce trailer d'annonce ? Bon bah toi, c'est ce que tu as dit, c'est que ce soit une vraie tablette, voilà, que ce soit une vraie tablette déjà. Comme tu disais. C'est ce que j'espère pour eux. Moi, j'en ai rien à branler perso que ce soit une vraie tablette, mais en tout cas, pour eux, pour le business, c'est... Ah bah oui. Et aussi, comme on le disait, tout ce qui est surcouche logicielle, il faut que ce soit vraiment... faut que ce soit fluide comme sur une PS4, quoi, au minimum, quoi. Franchement, parce que là, c'est plus possible. Les menus de la Wii U, c'est plus possible. Donc, on va passer à Nicolas Deleris. Alors, c'est Deleris. En fait, c'est Laurent qui commente. C'est un pote d'école, d'Aubert. D'accord, ok. Primaire et collège. D'accord. Bon, je fais un coucou au passage. Hein. Ah bah c'est chouette. Alors ses questions. La Switch étant pour moi une console portable plus que de salon, et ayant a priori les capacités d'une PS4, comment va se débrouiller Nintendo pour avoir une batterie correcte ? Donc ça, on en a déjà parlé. C'est la grosse peur, c'est la batterie. Aucune idée. Alors là, je sais pas. C'est la grande peur. Moi comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est un point central. C'est un point central. Moi, la batterie, je me répète encore, mais c'est un des points qui me font adorer ma Vita. Parce que batterie, elle est exceptionnelle. Tu peux la laisser en veille une semaine, c'est bon, tu reprends ton jeu, t'as quasiment pas perdu de batterie. C'est un des points qui fait que les utilisateurs aussi de smartphones Android adorent leur smartphone Android. Mais... Il faut que la batterie, elle tabasse, quoi. Et donc, question bonus, comme il nous le dit. Vu l'échec de la Vita... Alors, l'échec de la Vita, c'est bon, c'est un débat. Mais bon, et dans une moindre mesure de la PSP, même si perso, c'est pas mon niveau. Voilà, c'est pas le mien non plus. Mais on peut pas parler d'échec, mais on peut pas parler non plus de triomphe au niveau des ventes, quoi. C'est pas un succès. C'est pas un gros succès, mais c'est pas non plus un échec. Ultra rentable. Ça a pas été une expérience ultra rentable pour Sony, quoi. Voilà, exactement. Bah, c'est vraiment une machine de vitrine. Elle a très bonne réputation. La plupart des utilisateurs sont très contents de l'avoir. Mais au niveau commercial, c'est pas le carton de ouf. Quand tu vois qu'il y avait même pas la Vita dans les produits Sony, je sais pas si tu te souviens, à l'E3, C'était à l'E3 ou au TGS ou dernier... Non, c'était à l'E3. Ah, la conférence ? Non, ils en ont pas parlé. Non, par même contre... pas la conférence. C'est que tu sais, t'avais genre un petit stand, dans le stand Sony, t'avais une sorte de vitrine avec tous leurs produits, tu sais, dedans. T'avais même genre une PS2 ou non, tous les produits actuels. Donc t'avais une PS3, une PS4. Ah, je me rappelle pas de ça. Le casque VR, les manettes, les. Tu sais, les espèces de God Michel lumineux, là. Je sais plus comment ils appellent ça. PlayStation Move ? Ouais, les PlayStation Move. Et t'avais pas la Vita dedans. Oui, mais alors attends, ce qui est étrange, c'est que la Vita, au niveau comme Sony, ça fait yo-yo. C'est que parfois, ils en parlent pas. On dit, ah, tu vois, ils en parlent pas. Et paf, quelques mois après, ils annoncent des nouveaux coloris. Ouais. Sachant qu'au Japon, elle marche bien. Donc, elle marche bien. Et t'as plein de jeux, de gros jeux Sony qui sortent simultanément sur PS Vita. Bon, bref. Très contradictoire aussi. Ouais. Et oui, c'est ça. Quid d'une console qui serait un peu trop en avance sur son temps. Donc, bah, à mon avis, ce sera clairement pas le cas. Ah bah non, ce sera pas du tout le cas. D'ailleurs, c'est déjà pas le cas. Ce sera plus l'inverse, en fait, je pense. Même déjà dans la vidéo, c'est pas le cas. Donc, parce que le problème, c'est que moi, je rebondis là-dessus, qu'elle soit aussi puissante qu'une PS4, soit c'est très bien, mais la PS4, elle a 3 ans déjà. Ouais. Il y a des tablettes qu'on voit déjà du pâté. Hein, donc, voilà, je sais que pour lire aussi parfois une certaine presse techno. Le prochain Galaxy qui va arriver, en espérant qu'il n'explose pas comme le dernier, comme le Note 7. Le Pixel là. Je sais pas comment il s'appelle le prochain smartphone, mais il paraît qu'il embarque de puissance. Mais ouais, il y a un Pixel apparemment. C'est, je crois qu'il s'appelle le Pixel. C'est démesuré apparemment. Voilà, apparemment, ce serait même beaucoup plus puissant qu'une PS4. Apparemment, c'est un truc de malade. Mmh. Et le truc, c'est que si la Switch fait a une puissance embarquée similaire à la PS4, comme tu le disais, c'est le minimum syndical. Je crois que c'était c'est bon, on a fini avec Nicolas, donc merci. Moquet, qui est le mec qui tient blogbd.fr. D'accord, ok, c'est tu vois, je ne savais pas aussi, donc salut Mathieu. On le salue. Je savais même pas qu'il écoutait. Oh. Pardon. Ah, tu vois comme quoi. Pensez-vous que puissent apparaître plus tard des plus petits formats de tablettes sur lesquels se fixeraient les Joy-Con par rapport à un mock-up où une personne imaginait un smartphone compatible Switch sur lequel on pouvait clipser les Joy-Con? Je sais pas si ça arrivera, ça, je pense pas. Non, parce que je pense que tout est à l'échelle et tout est normalisé, vu que c'est Nintendo. Et puis c'est Nintendo, je pense que Nintendo, c'est... avec leur appareil, ils auront un peu une vision Apple-esque, c'est-à-dire que ça va être très fermé. Il paraît qu'il y aura toute une batterie d'accessoires, mais je pense que ce sera pas ouvert comme de l'Android. La tablette, à mon avis, elle bougera pas. Hein. Elle bougera pas. Non, je pense pas. Il n'y aura pas d'autre. On va passer Enrico, pain de bière. Un ami belge. Et ancien camarade des BD des Pixels, on le salue. Il nous dit, dans sa vidéo de présentation, Nintendo a plus largement mis l'accent sur la feature nomade de la console. Dans le même temps, Nintendo insiste et précise à qui veut l'entendre qu'il s'agit avant tout d'une console de salon. Comment peut-on interpréter cette divergence entre les discours? Je suis d'accord, console de salon, et la première vidéo de présentation que c'est nomade avant tout. Erreur de com, prévenir les déceptions à cause de performances lacunaires en situation nomade. Autre explication, c'est ce qu'on a débattu là pendant trois plombes. C'est que c'est maladroit, quoi. C'est maladroit. Tu sais pas. Il suffisait juste de faire un écran plus petit, quoi. Ils sont cons, quoi. Enfin, fallait faire un écran plus petit, un truc qui ressemble à la 3DS, quoi. Et puis là, à la XL, ouais. Clair. Et c'était clair, quoi, tout de suite. Et qu'ils nous fassent pas encore une autre console portable. Tu vois, voilà, c'est genre maintenant, c'est la console de Nintendo, tu vois. C'est genre celle-là, elle fait tout. En plus, les cartouches se clipsent pareil. C'est ce qu'on disait il y a quelques minutes. Voilà, t'aurais eu la nouvelle console de salon Nintendo. Bon, les gens vont dire qu'on se répète, mais c'est tellement aberrant. Et tac, tu sors de chez toi, t'as la nouvelle 3DS dans les mains. Ils s'auto-vampirisent pas en ressources et en vente. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est que ça aurait été beaucoup plus sexy au niveau com. Au niveau de la machine simplement, et la synergie, on n'a pas arrêté de rabâcher ça là, depuis le début de l'émission, mais la synergie des équipes de développement de jeux, là c'est ce que voulait Iwata, donc je comprends pas leur. Ou alors, ils nous préparent une méga maxi banane, c'est que la console qui va succéder à la 3DS aura le même hardware, c'est-à-dire qu'ils feront une fois le jeu. Sera compatible aussi sur la cartouche, marchera aussi sur leur portable. Donc là, on peut dire que la Switch, j'en ai plus rien à branler, quoi. Oui, mais justement, ça veut dire que c'est hyper contre-productif. À moins qu'ils aient l'outrecuidance de nous vendre deux fois c'est le même impossible. Jeu ah, sur deux supports différents. Ouais. Mais c'est impossible que ce soit la même chose, t'imagines, parce que ça veut dire que leur console portable, ça serait comme la Switch, mais qu'ils ne se branchent pas sur la télé. Non, c'est débile. Enfin, c'est... Donc, cette aucun synergie, sens. Elle est où cette synergie, Ziki? Enfin, bon, c'est. Bref. Merci, Enrico. On attend ton nouvel Sébastien album. Buff. D'ailleurs. Alors, il y a. Ah non, c'est pas. Non, c'est Mickey. Il y a Mickey's avant. Mickey's, ouais. Mickey's. Qui nous dit les possesseurs de Wii U. HC400 sont-ils aussi rebutés que moi de repasser à la caisse 4 ans plus tard? Alors, c'est ça, ça, c'est un problème aussi. C'est que. Ça fait vite quoi. Pour ceux qui ont acheté la Wii U, c'est vrai que ça fait vite. Bah surtout ceux qui l'ont pas acheté Day One. C'est ceux qui l'ont acheté avant l'annonce, tu vois, que ouais. De la NX. Bon, par contre, moi, c'est un faux débat parce que tu vois, les gens se plaignent par rapport à ça, puis ils achètent des smartphones à 600 balles tous les deux ans. Donc pour moi, ça, c'est un faux débat. Ouais, mais enfin, tout le monde ne s'achète pas un smartphone à 600 balles tous les deux ans. Tu vois? Non, pas tous les alors, ans, alors qu'une console, quand t'es fan. Comment t'expliques l'écrasement peux... des smartphones tous les 2-3 ans? Enfin, tu vois. Oui, non, mais regarde, moi par exemple, je prends mon cas personnel. Moi, je suis, comme tu sais, très Apple. J'adore les iPhones. Et moi, pour moi, voilà, c'est le seul téléphone vraiment qui me plaît. Sauf que moi, dans ma vie, j'ai eu que deux modèles. J'ai eu le 3GS, le tout, donc un des premiers, on va dire, ouais. Entre guillemets. Et le 5C que j'ai depuis 2-3 ans, je sais plus. Je voulais m'acheter le 6. Non, j'ai pas les thunes. Je voulais le 7. J'ai pas les thunes. Ah, donc, c'est si tu... foutu en l'air. Là, non, mais si tu veux, j'achète pas de. Et pourtant, je suis fan d'Apple. Je m'achète pas un iPhone tous les 2 ans. Tu vois. Bah, non. Alors qu'une console Nintendo, c'est vrai que tu te dis, bon, là, tu prends une console. Il y a les jeux, tu sais que voilà. Bon, moi je l'ai acheté Day One, la Wii U, donc le laps de temps me paraît peut-être moins court que certains, même si ça reste court, quoi qu'il arrive, quoi. Donc ouais. Je pense que ça peut rebuter des gens, ouais. Ça peut rebuter des gens, et surtout, comme on le disait, surtout l'image, le syndrome Saturne, c'est-à-dire, attends, l'autre elle s'est à moitié plantée, pourquoi j'irais redonner 400 boules? À Nintendo là, tu vois. Alors que c'est la même chose quasiment. Je vais attendre de voir si ça marche. Alors que les gens quand ils vont voir la console en magasin, ils vont se dire bah c'est pareil sauf qu'elle est noire quoi. Ouais non mais c'est bon bref. Fallait pas sortir une tablette. Ça se faire des ulcères. Donc Sébastien Boeuf qui est aussi un fidèle parmi les fidèles et on le remercie aussi qui nous dit le soutien faible des éditeurs tiers. Vous y croyez-vous? Alors moi j'y crois à 50%. Moi j'y crois mais j'en ai rien à branler parce que j'ai déjà une PS4. La Switch sort après plus de 4 ans je sais plus exactement. De PS4, donc de toute façon tous ceux qui voulaient jouer aux jeux éditeurs tiers, ils ont une PS4 ou une One, donc ils viennent pas dire je les veux sur Switch. Tous ces gens là ils ont déjà une PS4 et puis il y a une forte chance qu'ils soient moins bons, en plus c'est ça qui est terrible. Tu achètes sur PS4 et c'est tout, enfin, on s'en fout des jeux éditeurs tiers. Alors, mais c'est important, les jeux éditeurs tiers sur une console Nintendo, c'est important quand elle sort à peu près au même moment que la concurrence. Oui, quand elle est à peu près dans... Mais là, comme ils ont l'habitude d'être toujours en décalé... Elle est en plein milieu de rien, donc s'en fout des jeux éditeurs tiers. Bah, en fait, c'est pour ceux qui... Qui n'ont pas du tout de console. Ceux qui n'ont aucune console, quoi. Voilà, peut-être voilà, des consommateurs potentiels qui... n'ont pas pris le train en marche de la génération One PS4, ouais. Et qui se disent tiens qu'est-ce que je fais, je m'achète une PS4 Pro ou une Switch, ouais. ou une Xbox One Scorpio. Donc à chaque fois je dis Xbox Scorpio, je pense au parfum, je sais pas pourquoi, mais... ouais, moi aussi. D'ailleurs c'est un des noms les plus pourris que j'ai jamais entendu pour une console, quoi. Enfin... C'est Scorpio, quoi. Bah, comme One, c'était un choix. C'était un mauvais choix aussi. Genre, t'as scorpion, bah, t'as agressif, c'est un insecte. Tu vois, c'est des mecs du fin fond du Texas qui ont décidé de ça encore. Putain, mais sérieux, Microsoft, réveillez-vous, quoi. Enfin... Xbox Texas. Alors, franchement, ils devraient l'appeler Xbox Taco ou Xbox Big Mac, ce serait pareil, quoi. C'est aussi ridicule. Ah bah, si Trump est élu président, ça s'appellera plus Xbox Taco, mais bon, je pense pas qu'il sera élu. on continue avec Sébastien. On dirait que Nintendo cherche à rassurer les joueurs sur ce point Et pourtant, le premier couac de taille, Bethesda qui infirme la présence de Skyrim, pourtant présente dans l'exemple de la présentation de l'ensemble, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Pas besoin de revenir dessus, c'est un gros lol, quoi. Un gros lol. Donc, merci Sébastien. On va passer à Guigui40, j'adore le pseudo. Guigui40, qui nous dit « Quelle spécification minimale pour espérer voir porter les jeux AAA pendant un moment ?» S4. Donc les jeux triple A, bah bon, PS4, ouais, hein, bah ouais. Triple A, bah il faut que ce soit au minimum comme une PS4 ou une One quoi. Si ouais. C'est minimum hein, vraiment. Enfin, en espérant. Fabien Cornet. Fabien Cornet nous demande est-ce que la Switch signe l'abandon de la Wiimote, donc du motion gaming, qui est intéressé. Je pense que c'est clair. Hein. Par extension, a-t-on défriché toutes les formes de gameplay à ces technologies avant de conclure qu'il s'agit d'un échec ? Donc, il y a deux trucs. C'est que le motion gaming, moi, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute que les Joy-Con n'aient pas un truc de reconnaissance, mais donc, je ne sais pas. Mais ils reconnaissent avec quoi ? Je ne sais pas. J'ai un petit doute. Et... Sinon, ils auraient mis une sensor bar. Hein. Oui, non, mais tu pas, sais... Les sensor bar, elles ne sont pas USB en plus. Hein. T'as vu, c'est des petits trucs chelous. Bah, je sais pas. Et après, on a toutes les formes de gameplay. Donc, soi-disant qu'il y aura encore une nouvelle surprise là-dessus au niveau features. Mais moi, je sais pas. Alors, dans sa question, c'est un peu bizarre parce qu'on dirait qu'il dit que le motion gaming, ça a été un échec. Ça a été un échec pour tout le monde sauf pour Nintendo. Ah non, parce pour que... la Wii, ça a été le carton plein. Parce que bah, c'est, justement, c'est, son... c'est le motion gaming qui a fait que la Wii a été la console la plus vendue de tous les temps avec la PS2. Donc non, c'est grâce à ça. Attends. A-t-on défriché toutes les formes de gameplay liées à ces technologies avant de conclure qu'il s'agit d'un échec ? Non, non, bah, je sais pas. Ou alors, il s'est peut-être mal exprimé. Mais le motion gaming, c'est un succès. C'est la machine gaming. Le faux chèque gaming. C'est un succès, mais enfin, c'est gravé au pic à glace dans l'histoire du jeu vidéo, quoi. Donc. Oui, non, mais je pense que. Il doit parler Kinect. Oui, ou alors il fait référence là maintenant à notre époque où le motion gaming maintenant est beaucoup en disgrâce. Et du coup. Du motion gaming maintenant. Est-ce que bon, c'est. Est-ce que ça a du sens? Je pense. Je pense que c'est le sens de sa question que Nintendo. Mettent des features liées au motion gaming sur la Switch. Bon, je pense que dans la tablette, il y aura un gyro. C'est le minimum, ça coûte rien. Enfin, c'est vraiment. Tu t'achètes une baguette et une puce pour faire de la gyroscopie, quoi. Tu vois, c'est vraiment. C'est... Enfin, en termes d'électronique. Bah, tout dépend. Je pense si que ça change même pas le prix. Ça change même pas le prix de la machine, tu vois, s'ils en mettent un ou pas. Je pense que c'est le minimum qu'il y en ait un. Tu sais, s'ils font des jeux vraiment sur tablette, tu sais, je sais pas. J'en sais rien, des trucs... Genre Peppa Pig. Peppa Pig. Pourquoi non, Peppa Pig? Tu sais, j'ai l'image de... On parlait tout à l'heure, tu sais, on disait, ouais, si ça si avait une tablette au rabais, ce serait une tablette VTech. J'imagine, tu as des applis Dora, Peppa Pig. Non, c'est Power Patrol. Je sais pas si t'as vu. Oui, t'inquiète pas. Avec les hanches là. Heureusement, moi, il a passé un peu l'âge de ça, mais c'est vrai que. Ah, non, ouais, il aime bien. Putain. Non, mais je dis ça, en plus, franchement, quand Axel regardait Peppa Pig pour un dessin animé pour vraiment petit, pour les petits, je trouve qu'il est super mignon et. Je trouve que c'est très glauque graphiquement. Et rigolo. Non, tu peux pas tester Monsieur Patate. Non. Monsieur Patate de Peppa Pig. Pingu Forever, quoi. Juste, il n'y a que Pingu qui existe. Pingu et Timmy. Ah, et Timmy et Chaude le Mouton. C'est excellent. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est toujours pareil. Si la techno suit et que tout est d'équerre, et en phase avec ce qu'il se fait aujourd'hui, oui, on peut imaginer des features sympas par-dessus. Mais bon, faut pas que ce soit du gadget, quoi. Voilà, c'est ça. Et on va finir avec Alexandre Benjaben, qui lui, pareil, est un énorme fidèle. Ou Benjaben. Benjaben, ouais. Alors je suis désolé, Alexandre, si j'écorche ton nom. Donc, il nous dit, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que malgré la diffusion de la diffusion, c'est original. On n'en sait pas plus. Plus d'informations sur autonomie, capacité cartouche, autonomie, puissance, gestion du sans-fil pour les manettes et de l'internet en mode tablette. On nous a présenté des jeux lors de la présentation de la console, mais dernièrement on apprend que rien n'est officialisé, comme Skyrim. Donc oui, je suis curieux et enthousiaste, mais aussi sceptique. Bah, je crois que tu as résumé un peu le... l'émission. C'est ça. On va finir avec cette question-là. C'est exactement ça, en fait. C'est que... Après, c'est normal que dans une vidéo de présentation genre d'un produit, t'as pas un mec qui vient dire « La batterie, elle dure tant de temps !» Enfin, ça, c'est oui, normal. Mais... Ce qui est pas normal, c'est de pas avoir communiqué après la diffusion c'est de la vidéo. Comme ce qu'on disait, moi, je pense qu'il aurait été très fort, c'est de fusionner ce qu'ils ont prévu là, en janvier, et cette vidéo, c'est-à-dire, ils faisaient un event... Et ensuite, une plaquette... Ouais. Pas un Nintendo Direct, un event, on va dire, entre guillemets, physique, dans une salle, dans un theater, parce que c'est important pour que, tes images soient relayées, tu vois, dans les JT, parce que quand il y a des grosses annonces de consoles, maintenant, c'est quand même relayé dans les JT, on va dire, classiques, généralistes, quand ça brasse du monde, que ça fait du bruit, voilà. Ils auraient fait, dans une salle blindée, ils t'auraient balancé le trailer, t'aurais le président de Nintendo... Les principaux pontes, dont Miyamoto bien sûr, qui serait avec la machine. Là, ils auraient commencé à donner les specs techniques. On aurait vu, après des trailers beaucoup plus longs, de jeux qui vont sortir. Et en disant, on vous donne quelques petites infos. On a encore des surprises en termes de gens, en termes de machin. Et on vous donne ça à boulotter tranquillement jusqu'en mars, quoi. Et moi, comme on disait, je suis pas dans le market, je suis pas dans la com. Mais ça paraît tellement évident, enfin, sais pas. Oui. Non, mais... Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est évident pour pas mal de monde, hein, Bruno. Donc, vachement, on a répondu aux questions. Merci de les avoir envoyées. C'était cool. C'est très sympa. Et puis, donc on s'achemine vers la fin de l'émission et notre dernière rubrique musicale. T'as choisi quoi comme musique, du coup, là, pour terminer ? Alors, pour terminer, donc, on rappelle rapidement qu'à chaque fin d'émission, à tour de rôle, Julien et moi, on choisit un morceau de musique de jeu vidéo pour créer, à terme, la playlist ultime de Game Music. D'ailleurs, je vous invite à... je mets à jour régulièrement la liste de tous ces morceaux qu'on vous choisit sur notre superbe blog WordPress. Donc je vous redonne l'adresse tout de suite, prestement. Donc c'est brocast.wordpress.com. N'hésitez pas à venir sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à nous. Oula, attends deux secondes. Ouais. Voilà. C'est bon ? Désolé, j'ai ouvert Gameblog. Donc. Soi, c'est déjà pas Jojo. Voilà, et avec leur putain d'interface de merde qui te met des vidéos automatiquement à chaque fois que tu ouvres. Ah non, mais c'est une catastrophe. Ça m'a mis du son. Juste pour dire rapidement, je te coupe parce que du coup, je tombais dessus. Il peut être approprié de les appeler accessoires ou peut-être mieux de les qualifier d'add-on hardware, mais il est probablement plus correct de les appeler accessoires. Vous pouvez vous attendre à ce qu'il y en ait une vaste gamme. C'est ce qu'a dit le président de Nintendo apparemment sur ce que tu enclenches sur les côtés de la Switch. Les Joy-Con ? Ouais. D'accord, ok. Donc, faut s'attendre à d'autres manettes, en fait, je pense. Tu vois, d'autres formes, d'autres trucs. Bah d'ailleurs, il y a des montages qui ont été faits sur Internet qui sont très intéressants, où ils ont mis ça aux couleurs de la, tu sais, de la NES, où ils ont mis des petites couleurs bleu-orange aussi, parfois, qui étaient assez sympas. Ouais. Voilà, il y a un montage où tu as genre les... ça fait comme une manette GameCube, en fait, coupée en deux. Oui, j'ai vu ça. C'était pour Smash Bros, tu as vu. Ouais. Donc, pour ne pas perdre le fil, pas de souci. Donc, n'hésitez pas sur Facebook et Twitter à nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait, ça nous fait vraiment super plaisir. Brocast officiel sur Twitter et sur Facebook, c'est Brocast. Hein, vous tapez sur le petit moteur de recherche interne à Facebook et vous nous trouverez facilement. Donc voilà, merci de partager un max, de nous mettre des étoiles sur iTunes. Je vois qu'en ce moment, on a plein de compliments sur les réseaux sociaux, mais on ne met plus d'étoiles sur iTunes. C'est pas très sympa, les copains. Donc, et oui, t'as bien fait parce que les copains, ça fait un peu Club Dorothée, donc c'est pas terrible. Ah. Et du coup, donc, Au niveau de la playlist, la... lors du dernier numéro, c'était donc le thème de Commodo. Commando sur Commando. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était le thème de Commodo. Oui, parce que j'avais déjà le mot Commodore 64, tu sais, qui allait sortir derrière. Commodo. Commodo sur Commodore 64. Commodo sur Commodore 64. Commodo, hein, ça fait un beau petit nom, je trouve. Et donc là, moi, je vous ai choisi pour ce numéro. On va revenir sur la première PlayStation avec le thème des combats de Valkyrie Profile. Donc, rapidement, ça a été composé par Motoi Sakuraba. C'est l'un de mes compositeurs favoris. Ouais, pareil. Donc, hein, vous avez bien compris qu'il est japonais et pas breton, vu le nom. Et du coup, il a signé plein de BO, que ce soit chez Trieste ou ailleurs. Enfin, voilà, les Tales of... Mario Golf. Oui, non, mais... Vrai, oui, oui, et je crois qu'il a même fait des musiques pour... Enfin... Kid Icarus. Voilà, ce que j'allais dire. Sa discographie, allez voir... Elle est impressionnante. Le mec, ouais, il a touché à tous les styles. Il est absolument... Enfin, c'est un surdoué, quoi. Si on remonte à l'époque Rough Team, sur Mega Drive et Mega CD, il y a un jeu que j'aime beaucoup sur Mega Drive qui s'appelle El Viento, ouais. qui est terrible. Et c'est lui qui a composé... Moi que j'appelle El Vieneta. El Vieneta, oui. Ça, c'est parce que t'es trop gourmand. El Viento... Avec la pire animation de course de tous les temps. Ouais, mais il tue ce jeu. Il a une patate. Ouais, c'est clair. J'adore ce jeu. Mais l'animation, elle est dégueulasse. Mais même les ennemis meurent, ça fait... Les effets de perspective sont ouf. Oui, mais c'est un jeu qui est complètement... sans faire de mauvais jeu de mots, qui est complètement débridé, quoi. Enfin, je veux dire, ça part dans tous les sens. Et du coup... Pardon. J'espère que Jean-François en placé ne nous écoute pas. Et du coup, le thème... Donc, Valkyrie Profile, c'est un RPG... qui est hyper sinistre et mélancolique. Sinistre, c'est pas cool. Dans le sens nul, hein. Dans le sens justement qu'il a une ambiance très très lourde, très très grave. C'est un des meilleurs, l'un des meilleurs RPG de la création. Je veux dire, on va pas se le cacher. C'est un jeu, c'est un miracle ce jeu. Hein. Pour moi, c'est le meilleur jeu de Trieste. D'ailleurs, ils ont jamais réussi pour moi à revenir à ce niveau-là. Et donc. la BO de Motoi Sakuraba faite sur Valkyrie Profile, pour moi, c'est un peu comme ce KFF6 pour Nobuo Uematsu. Pour moi, c'est sa masterpice, quoi, vraiment, ouais, voilà, ouais. C'est sa... Je sais pas ce qu'il avait... meilleur OST, mais... Ah bah là, il était touché par la grâce, et donc, pour moi, le thème des combats de Valkyrie Profile, c'est mon thème de combat de JRPG favori. C'est vraiment mon préféré, ouais. Même si j'ai du mal à le départager que celui d'FF6 et celui de Grandia 2. Ouais, c'est vrai. C'est un peu compliqué de les départager, mais en tout cas, c'est juste du bonheur. Tu peux ajouter quand même celui de Dragon Quest 3. tu peux pas ne pas l'ajouter. D'accord, donc on l'ajoute. Ouais. Et voilà, donc on va s'écouter ça. Merci d'avoir écouté cette très très longue émission, mais bon, avec un sujet comme ça, on pouvait pas faire autrement. Merci à tous les. Encore merci aux auditeurs qui nous envoyaient des questions. C'est vraiment super sympa. Je pense qu'il faudrait réitérer l'opération. Je ne sais pas sur quel sujet, mais on aime bien interagir avec vous. Bah, on vous remercie de nous suivre. Et puis, on s'écoute tout de suite. Donc, le thème des combats, le battle theme, comme disent les pros, de Valkyrie Profile. Donc, c'est sorti sur PS1. Je n'ai plus l'année en tête, mais bon, vous chercherez ça. J'ai un petit trou de mémoire sur un moment. Enfin, c'est la fin des années 90, hein, grosso modo. Je crois qu'elle porte le nom du truc qu'elle dit au début des combats, non? C'est, je sais pas, Nebulum Satsiki, là, je sais pas quoi. Là. Non, mais ça, c'est parce qu'elle aime bien bouffer grec, c'est pour ça. Elle dit un truc, là, je sais pas. Non, mais blague à part, vraiment, ce jeu Satsiki. Valkyrie Profile est vraiment exceptionnel. Donc, vraiment, jouez-y. Il y a peut-être un niveau de difficulté, mais ça, c'est comme dans tous les Trieste qui est un peu mal réglé. Ouais, c'est... Mais vraiment, il y a une ambiance sur ce jeu qui est sexy et morbide à la fois. Voilà. Donc, l'histoire est folle. C'est assez hallucinant. Donc, on s'écoute ce morceau-là et on vous dit donc au prochain numéro. Salut! Ciao.